L'Intemporel, édition Le Grand Tour de roue pour le Centre Mère-Enfant, vous est présenté par les suppléments XPN, Clinique Dentaire Centre-Ville, Eurofin Environex et Clinique Médicale La Croix. L'Intemporel, avec l'édition du Grand Tour de roue pour une 17e année. En compagnie de celui qui est l'autre côté, je te dis des fois Chunky, mais c'est Pascal. Et voilà, Pascal. OK, Chucky a disparu. Salut en passant, Pascal. Bonjour Yves. Est-ce que t'as fait mourir Chucky? J'ai vécu beaucoup de choses cette semaine, ça se peut que Chucky est mort. Chucky est disparu, oui. Donc c'était ton personnage. Mon alter ego. Cette espèce d'outil, l'alter ego, c'est ça, dont tu te servais pour... tes loufoqueries, est-ce que je peux les appeler de même sans t'insulter? C'est très bien. Ton ego vient pas de manger une claque non plus. Une loufoquerie, c'est quelque chose de bien. Oui. C'est une jokerie. C'est oui. Tu sais, on s'amuse et puis à l'écart de toute prétention, tu comprends? Absolument. Pour s'amuser plus longtemps, peut-être. C'est un jeu. Le Grand Tour de roue, 17e édition. Plein de choses dans ma tête présentement. C'est bon signe. Et on va en profiter parce qu'il y a des fois qu'elle est vide. Hein? Yves a une idée. Oui. On va en profiter. Pendant qu'elle passe. Ou encore. Yves travaille vraiment. On va en profiter. Oui. Je suis très vagabond et ça me plaît. Il y a un prix à payer pour tout, quoi. Le Grand Tour de roue, 17 ans. Pourquoi j'avais plein de choses à ma tête? C'est que 17, 4 000, 12 000, 25 000, 465 000, 1 demi-million. Je crains toujours l'utilitariste. Dans ma vie, il m'arrive en me baladant en forêt... Pour ceux qui, ça intéresse, pour les gens qui sont sur Facebook, ce qu'on appelle communément en surfant. Pourquoi il y a toujours un terme américain, anglais, à quelque part, tu sais, surfer, tu sais. On est très anglicisé ici. Ou anglicisé. C'est sûr que, tu sais, dire la marche lunaire au lieu du moonwalk, ça fait drôle un peu. Ça connecte moins. Ouais, mais il faut quand même pas avoir honte de parler français. Pour les gens qui surfent sur Facebook, vous avez l'occasion de me voir... Allègrement, j'en profite ces temps-ci parce que j'ai la possibilité de le faire, des très grandes balades en forêt. Oui. Sur lesquelles je mélange une contemplation et en même temps un entraînement physique. Il y a un partage de belles photos. Un partage de belles photos, c'est parce que je veux créer, à un moment donné, dans une lecture, tu sais, quand je te dis qu'il y a des affaires qui pétillent dans ma tête comme du popcorn que tu oublies. Parce que t'es monté en haut en t'attendant que le pop-corn... Tu sais, puis t'arrives trop tard, ça fume, ça pète dans ma tête, comprends-tu? Donc, j'ai lu à un moment donné une phrase que j'aimais qui disait « Une portion d'éternité ». Oh! Le gars avait pris une photo de Félix Leclerc sur l'île d'Orléans. Alors que c'est pas toujours beau, mais en tout cas, celle-là était extraordinaire. Où Félix est en train de courir après une chèvre. Et c'est écrit en bas « Voici une portion d'éternité ». Très bien dit. C'était probablement quelqu'un... du côté du PQ, j'imagine. J'ai dû lire ça d'une affaire de René Lévesque ou quoi que ce soit. Dernièrement, j'ai relu, en parlant à mon frère de toutes sortes de lectures, je suis retombé dans un vieux livre de Lévesque parce que je trouvais qu'il écrivait extraordinairement bien. Je l'ai lu bord en bord. Tu sais, quand t'as du temps... Et je pense que ça vient de là. Une portion d'éternité. Or, quand je prends une photo, je veux qu'elle soit une portion d'éternité. Tu sais. Mm-hmm. Ouais. Et donc, je fais plein de réflexions. Alors... et en même temps que je fais mon entraînement, tu comprends? Je vais toucher le 59 printemps très bientôt. Donc, février, le 4 février, j'aurai 59 ans. Après ça, on va enregistrer 60. Faut voir un peu à sa santé. Je suis dans un trip d'écouter mon corps. J'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission. On a juste 4 heures. Hey, voilà. Je paraphrase l'ami Carl Bolduc qui dit « Yves, 4 heures, t'en auras pas assez ». Or, dans mes réflexions était l'histoire de quantifier tout le temps les... Et l'utilitariste, c'est la chose qui me revient le plus. Est-ce qu'on est amis ensemble ou encore on s'utilise? Quelle est la portion dans le niveau relationnel entre deux personnes? Quelle est l'authenticité de notre relation? Est-ce que je te trouve sympathique parce que tu me sers? Ou est-ce que je te trouve sympathique parce que t'es sympathique? Qu'est-ce qu'il faut dire? Et qu'est-ce qui est vrai? Alors, tout ça est en suspens, tu comprends? On est peut-être rendu en haut du sentier des loups, puis on redescend en bas. On n'a pas changé grand-chose, mais ça tourne. C'est très délicat, l'œuvre caritative. A priori, celle du Grand Tour de roue, que, j'aime pas utiliser le jeu, mais qu'on chapeaute tous ensemble depuis 2004. Je veux pas non plus la quantifier pour qu'elle devienne une performance. Je voudrais pas non plus que ce soit une espèce de levier qui me permet à moi d'être dans la photo. J'eus régulièrement entendu ou vu des gestes posés dans un but de une espèce de pompe à bicycle pour gonfler l'ego, tu comprends? Ou être dans photo, ou encore, comment on dit, donc un opportunisme pour s'amener à faire une pub ou à passer un produit ou à pas. Je veux que tu m'aimes, si tu m'aimes, tu vas venir m'a. Est-ce que tu parles de belle cause? Je ne veux pas ça. Non, pas nécessairement. Et puis, je veux pas toucher personne non plus. Je veux surtout me regarder moi, tu sais, et prendre garde à ça. C'est évident qu'on ne déteste jamais entendre chanter à son sujet, tu sais. Évidemment. Mais tout ça, il faut que ce soit fait dans une espèce de norme d'équilibre. Donc, continuer le grand tour de roue, souvent, je te disais que c'était des choses qui étaient très délicates, je me suis fait ramasser quelques fois cette semaine. Parce qu'au cours des derniers jours, je fais ma grande tournée. La tournée des copains, des gens que je connais depuis 25 et 30 ans. Je suis rendu à parler de ça, Pascal. Oui. C'est pas de toi, mon ami. T'as quel âge, vieux? Genre 36. Ton nombril est encore humide. Je suis encore très jeune. Et toi aussi. Mais je suis rendu à dire que j'ai des amitiés de 25 ans et de 30 ans. Et non, pareil. Qui sont extrêmement importants pour l'équilibre. Quand tu t'isoles, tu t'empoisonnes, tu sais. Mm-hmm. Alors, tu peux très bien rester chez toi, mais si tu as un bon niveau relationnel et simplement le sentiment de savoir qu'il y a des gens qui t'entourent et qui viennent nourrir, évidemment, ton existence, c'est agréable. Donc, je fais ma tournée, bien sûr, des copains et des amis et des gens que je connais et des gens que je connaîtrai peut-être dans le futur parce que je dois quand même solliciter. Tu vois mon problème? Mm-hmm. Utilitariste, solliciteur, mais qui ne veut pas en profiter. Je veux pas que ce soit la pierre angulaire. Je veux concentrer ça sur le noyau. Claude, parle-moi de ton noyau. Quand Marc Labrèche fait... Enfin, comment est-ce qu'il s'appelle le joueur de hockey? Mike Bossy. Ça vaut 500 000. Tu vois, j'ai pensé à ça. Mais le noyau, c'est-à-dire le centre, c'est évidemment ce qui nous intéresse dans le grand tour de roue, l'oncologie pédiatrique du CHU. Oui. Et j'ai pas le choix, évidemment, de solliciter. Or, quelqu'un cette semaine, quand c'est des amis de longue date, quelqu'un est debout, il est franc, il est honnête, il me dit, écoute, c'est pas vraiment le temps, on va revenir là-dessus ultérieurement. C'est parfait. La qualité d'une relation à votre père avec la vérité qui la compose. Donc, être franc, être honnête, avoir de l'égard pour quelqu'un. Tu fais pas un deuxième pas quand tu sens que le premier t'es pas nécessairement invité. Mm-hmm. C'est ça, avoir de l'égard pour quelqu'un, connaître ses limites à lui. Et, tu sais, tu comprends, si tu veux toujours être reçu. Et... Alors, ça, je vis bien avec ça. Mais quelquefois, je vois que la période actuelle est un peu délicate. Il peut arriver que... je sais pas, les gens ont pas le même niveau de tolérance ou sont pas dans la même position que toi vis-à-vis une situation globale qui est celle du COVID. Alors, je me suis fait ramasser un peu quand quelqu'un a dit « Qu'est-ce que tu fais avec ton œuvre, ton histoire du grand tour de roue alors qu'on coupe des postes et que des gens se retrouvent sur le chômage et sont en difficulté? » Je veux bien comprendre ça. Je n'avais pas besoin tu sais, je me suis fait... C'est pour ça que je te dis que c'est un peu délicat. Curieusement, cette année, même si je veux faire attention de ne pas quantifier la chose, on n'a plus d'argent à pareille date qu'on en avait l'année passée. Hein? Et j'ai ni plus sollicité, ni moins sollicité. Donc, je dois, en ouverture de cette émission et de ce spécial, qui sera de 4 heures, parler... de ce qui est véritablement la pierre angulaire du grand tour de roue, c'est la qualité relationnelle, c'est l'amitié, c'est la franchise, c'est la présence, et c'est une réussite, je l'espère, qui est une réussite d'ensemble, de sensibilisation. Oui. Être sensibilisé à la cause. Or, dans les questions qui me sont posées, je te dis pas que les gens viennent me voir en meute de mille et qui scandent mon nom dans les rues quand je me lève le matin à 6h30 pour me souhaiter bonne journée. Pas encore. Bon. Ça s'en vient. Je suis pas d'un magnétisme guérisseur. Pas comme Frank Sinatra. Mais non. mais parfois, quelle belle foi. Naître avec un grain de voix comme ça. Comme le tien aussi, d'ailleurs. Ça dessine le reste de la planète. Tu vois, quand j'ai commencé à faire de la radio, on m'a dit que ce serait mon pire, la chose qui me nuirait le plus. Ah oui? La voix. Absolument. Pourtant. Tout le temps. Alors, tu vois, c'est paradoxal. Alors, j'allais dire que on me pose la question, pourquoi fais-tu ça? Oui. OK. L'histoire, je l'ai racontée régulièrement, et je fais ça parce que je suis comme tout le monde. Alors, quand il y a une souffrance à quelque part, j'ai de la difficulté aussi, tu comprends? Et je trouve ça terrible. L'amour et l'attirance que j'ai pour des enfants et l'importance qu'ils ont dans ma vie est la même que la tienne, que celle de mon frère, puis les siens, puis de mes sœurs. Puis... Alors, les victoires et le bonheur dans ma famille est venu avec l'arrivée des enfants. Ma sœur Hélène, qui vient livrer Marie-Pierre à ma mère tressaille quasiment de joie, est plus capable de parler, elle pense en français, mais ça sort en grec, tellement elle ne croit pas ce qu'elle a là dans ses mains, qu'est la petite Marie-Pierre. Ma sœur Muriel, qui vient nous livrer François, qu'elle a badigeonné avec de l'huile de bébé, en y mettant son petit pyjama bleu, et qu'elle nous le passe pour qu'on le berce, on est en amour, et puis notre vie commence à avoir du sens, tu comprends? Oui. L'arrivée des enfants, son frère Maxime. Donc, moi, je suis imbibé très jeune, par une joie absolument folle qui est celle de l'arrivée des enfants, de s'en occuper, de les sentir, de leur donner une chaleur et de les accueillir. Ça te reconnecte avec la vie. Avec la vie, et je suis profondément touché par ça. J'ai été chanceux. J'ai promené mon neveu Martin, j'ai un petit neveu Martin qui aujourd'hui, c'est un 6'2", 2'40 probablement. Je l'ai promené sur mes épaules des heures et des heures de temps. Il y avait une particularité, Martin, le soleil passait à travers ses oreilles. Il y avait des panneaux, des beaux panneaux. C'est un magnifique bébé. Et ma sœur, généreuse, puis en même temps, j'y donnais un break, me le donnait, tu comprends? Oui. C'est quand même quelque chose de gros. Elle me donnait ce qu'elle avait de plus cher. Mais elle savait qu'avec moi, il serait bien. Alors, j'ai percé. L'amour pour les enfants, il est à la source. Avant de raconter n'importe quoi, je parlais en début de d'être vrai, d'être franc, elle vient de là. Quand t'entends une réflexion d'enfant aussi. La fragilité. J'ai aujourd'hui des petits-enfants. Es-tu capable de me faire jouer la petite toune aux petits-enfants? Il y en a une petite cote, là. Oh. C'est Jules, c'est mon petit-fils. Tu vas trouver ça quelque part dans l'intemporel. C'est une petite bande, puis probablement que t'as l'intro. En cliquant dessus, ça va jouer. C'est Jules, il commence à parler. C'est un vrai show d'entendre ça. Je pense que sa mère l'a fait reprendre à peu près 10 fois. Elle a été patiente, tu sais. Et d'entendre le langage, de voir comment communique un enfant. Bonjour, c'est tout mon papy l'intemporel. Jules, vous écoutez mon papy l'intemporel. Pur. Tu sais, il est 9, là, il y a 2 ans et quelques, là. Il a commencé à parler très jeune. La fragilité de l'enfant, c'est l'enfant qui... Ce qui importe dans l'esprit d'un enfant, j'apprends rien à personne, c'est est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu es mon ami? Est-ce que je suis important pour toi? As-tu vu mon jouet? Veux-tu jouer avec moi? C'est... La base. Et ça commence par là, tu sais. Or, il y a des tonnes d'innocence dans un petit être. Imagine-toi que comme premier combat en arrivant dans ce monde-là très insécure, tu sais, c'est... Arriver au monde, c'est que t'émerges du lac et les îles sont loin. La sécurité, le pied à terre, la stabilité, c'est ton père, c'est ta mère, c'est l'accueil. Oui. Sinon, tu coules psychologiquement et physiquement. Dans ce nouveau monde. Alors, imagine-toi que comme premier état et premier combat, t'as à te battre contre un cancer. Imagine-toi un instant qu'un médecin vient te voir et qui te dit que ce que tu as de plus cher, c'est ta chair. J'ai déjà raconté cette histoire-là, l'histoire de ta chair. Non. Moi, je ramasse des bridges, je les colle dans mon cerveau, puis ils restent là, ça devient des exemples. Oui. Et aussi capoté que ça puisse paraître, ça se rattache avec Gilles Villeneuve. Il faut que je fasse une histoire courte. Je suis à Trois-Rivières. Oui. Et la mère de Gilles Villeneuve est là. C'est une personne qui est froide. C'est pas une personne qui est très nécessairement chaleureuse, un peu comme l'était Gilles Villeneuve, coureur automobile. Un gars qui a foutu un coup de hache dans l'histoire du sport canadien, c'est inévitable. C'est une star mondiale. Tu t'en vas au Brésil aujourd'hui, ça fait 35 ans qu'il est mort, tu parles d'Ayrton Senna, ils te disent oui, tu parles de Gilles, il braille. Il y a eu un impact très fort. Oui. Elle est là à Trois-Rivières alors que son petit-fils, c'est-à-dire Jacques, roule en Formule Atlantique et que son fils, Jacques, senior, court également en Formule Atlantique. Tout le monde veut lui parler. Et elle veut pas trop parler. Alors là, il y a un scrum, un paquet de micros autour. La mère de Gilles est là. Alors, elle s'exclame sans répondre aux questions en disant « Pourriez-vous dire à vos gens de la TV qui arrêtent de passer mon fils? » Parce que Gilles est éjecté de sa voiture dans l'accident et à chaque année, il met le crash où Gilles est éjecté de la voiture. Puis bon, c'est un événement mondial. Alors, je m'approche d'elle, une histoire vraie, n'est-ce pas? Je dis « Je vous comprends, madame. Je comprends ce que vous venez de dire. » Elle me regarde et elle dit « Vous savez, monsieur, c'est ma chair. » Oui. C'est ma chair. Et c'est ce qu'elle a voulu communiquer. Puis après, elle est partie, puis elle n'a pas parlé. C'est ma chair. La partie du corps. Mm-hmm. C'était son enfant. Voilà. Bon, Gilles, le pied au fond, c'est une vie de fou, baigné dans l'orgueil, dans des prouesses qui peuvent t'amener à la... On comprend le niveau de dangerosité. Mais j'ai retenu la réflexion et le faciès qu'elle avait quand elle a exprimé en disant « c'est ma chair ». Or, imagine-toi qu'un médecin rencontre un couple et il dit « Bon ben, votre enfant est atteint d'un cancer et c'est une maladie qui peut entraîner la mort. Nous devons procéder dès maintenant à des traitements qui sont les suivants pour avoir une espérance de guérison. Sinon, nous avons de fortes chances de croire que les complications vont s'additionner et qu'on devra parler non pas nécessairement par la même chose, mais de le reconduire en terre. Ça va finir comme ça. Ce sera la fin de son corps. Fin de la chair. Pour ton enfant. Oui. Or, ma perception et mon énergie à continuer le grand tour de roue, c'est celle-là. OK? On vient de parler du socle. Est-ce que j'ai été weirdo et que Mgr Gauthier de Stimoville, c'est quoi? C'est Giffard. Ils ont eu un appel et quelqu'un vient me chercher d'un panel avec des straps blanches ou on m'a bien compris? C'est clair ce que je viens de dire? Tu as parlé de deux choses. Tu as parlé de la source de ton amour et voilà. Pour les enfants. Et voilà. On se comprend bien? Donc, c'est pas trop weird. Excellent. Voilà. Ça, c'est le but. Ensuite, l'élément déclencheur. Oui. L'élément déclencheur, il vient aussi de plusieurs chemins. Je prends le temps de ces 4 heures pour bien expliquer d'où vient tout ça. Je suis issu d'une famille où, malheureusement, et ce n'est pas unique, où les deux parents seront lourdement atteints par la maladie. Mon père jeune va se retrouver avec un cancer des ganglions qu'on appelle un cancer, un Hodgkin. Il a autour de 40 ans quand ça y arrive. Il est né en 24, c'est en 67, 68, 44 ans. Et il devient un cobaye parce qu'on va le traiter au cobalt. Alors, ma mère et les autres membres sont obligés de s'habiller de plomb pour aller le visiter, et il en mange une sincère. Il en sortira jamais vraiment, il va vivre 15 ans quand même, mais bon, il sera très, très, très esquinté, diminué et fragilisé. Et ma mère, à la mode, avec un cœur qui, à la base, était fragile, va se retrouver aussi dans ce qu'on appelle la démence ou l'Alzheimer. Donc, je suis, je dirais, familiarisé, c'est le cas de le dire, avec l'effet de la maladie, ce que crée la maladie dans la vie des familles. Quand tu as de la maladie, le travail s'en ressent, les entrées d'argent s'en ressentent, la qualité de vie s'en ressent, le stress s'installe, l'insécurité et toutes ces choses sur lesquelles aussi tu dois adjuger une impuissance. Tu es impuissant devant la maladie quand elle t'abonde, elle t'accueille, elle entre dans toi, tu sais. Ça, c'est inscrit dans mon esprit. Je suis sensibilisé à ça. Je connais des gens qui n'ont jamais attrapé une grippe. Alors que chez moi, j'ai l'image de la souffrance facile et régulière. Nous avons tous un oncle, une tante, un frère, une sœur, un cousin, une cousine atteint d'un cancer qui va mourir très jeune. Additionné à ça, on a une consœur de travail qui s'appelle Joanne et qui devra quitter la terre dans des conditions très tristes parce qu'elle a deux jeunes enfants de 2 ans et 4 ans, qu'elle, elle en a 36 ou 37 à l'époque, et qu'en l'espace de 13 mois, elle disparaît. Son corps devient tout petit, elle pèse à peu près 70 livres. Je vais la voir le 17 janvier 2004, à midi, et elle décède à 21h15, 21h30 en soirée. On parle, on échange un peu ensemble. Je lui raconte que j'ai pendant un match de boxe, je l'ai fait rire avant de mourir, parce que pendant un match de boxe, j'ai déclaré gagnant devant à peu près 6000 personnes celui qui était perdant. Mike Bro, pour ne pas le nommer. Alors, je trouve ça drôle. Mais et ça l'a bien fait rire. Et on échange ensemble et elle me dit que elle, de vivre le cancer, est une charge quand même importante, mais que des enfants aient le cancer, elle ne peut pas comprendre ça. Et elle a des enfants du même âge que mes petits-enfants, que Jules, que tu as entendu tantôt. Et, alors, Marie-Laurence et Félix, 2 ans et 4 ans à cette époque-là. Alors, elle me dit, Yves, tu devrais faire quelque chose pour les enfants, avec ta grande trappe, puis ton initiative et tout. En quelle année, ça? 2004. Et c'est là qu'est démarré le Grand Tour de Roue. Additionné à ça, je participe à un show de radio, à l'époque, avec en tête Jeff Filion, Marie Saint-Laurent, Denis Gravel. Il y a un paquet de gens dans ce show-là, avec Jeff qui a des idées nouvelles et un front de bœuf, travaillant, une idée. Il est un peu avant pas mal de monde. Et ce show-là va connaître un succès phénoménal. Dans un court laps de temps, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, des cotes d'écoute extraordinaires, et je deviens, malgré moi, en participant à ce show-là, un peu, entre guillemets, quelqu'un de connu. Mm-hmm. Alors, comme je te disais tantôt, je refuse pas les compliments, mais ça ne sert pas à grand-chose à un moment donné. « Hey, telle affaire, ou tu sais, conter une histoire. » Alors, je m'aperçois que, pas que j'ai un pouvoir, mais que ça pourrait servir, ça. Oui. En même temps, des gens m'engagent pour faire des reportages, pour faire des textes de pub. Je connais beaucoup de monde, finalement, de par cette émission-là qui était à choix à l'époque. Qui a ouvert des portes. Qui a ouvert des portes. Alors, avec l'événement de Joanne dont je viens de vous raconter et l'amour des enfants, je décide de démarrer le Grand Tour de Roue. Par le biais d'un contact que j'ai, qui est Jacques Gagnon à Clinique Dentaire Centre-Ville, je vais voir Jacques, je dis « Jacques, il faut faire quelque chose pour les enfants, Joanne vient de quitter, j'ai l'idée de produire quelque chose, je crois que je peux avoir de l'effet, ça peut être bon, il faut faire quelque chose. » Il me dit « Va voir ma sœur qui est médecin au CHUL. Elle va pouvoir te guider. » Alors, je vais voir sa sœur qui, elle, me renvoie au département d'oncologie pédiatrique. Et là, ça tombe pile avec ce que je voulais. Les enfants atteints de cancer de 0 à 16 ans. Parce que le cancer chez l'enfant n'est pas du tout la même méthodologie de protocole de traitement que chez l'adulte. Okay. Pour des raisons que le docteur Michon va nous expliquer tantôt. Alors, au départ, je parle au médecin qui est là en chef. Et il me dit « Moi, ça me donne rien d'avoir un lit... en or massif. Si couché dedans, j'ai pas le traitement qu'il faut pour guérir celui qui doit se lever un moment donné pour aller faire sa vie. Oui. J'ai besoin de recherche. » Il me raconte que, dans son job à lui, qui est un oncologue spécialisé dans les cancers du sang, il a besoin de recherche et de se brancher au Children Oncology Group. C'est un consortium qui partage les protocoles de traitement avec le monde entier. C'est-à-dire que, si par exemple, en Italie, aujourd'hui, une petite fille, Francesca, par exemple, un nom italien, j'ai connu une Italienne qui s'appelait Francesca, une très belle Italienne. Oh, sûrement. Pascal, une très belle Italienne. Oh! Troppo culturale, troppo distanza, così possibilità di affinire primo. Viens con toi, ti divertir la vita della bella ragazza. La bella ragazza. Et... on traite donc Francesca. Oui. On bâtit un protocole. Le protocole est une méthodologie, une façon d'appliquer une chimiothérapie Il y en a plusieurs sortes. De quelle façon? Par quelle intraveineuse? Je commencerai pas à faire mon médecin. Mais il faut compiler tout ça et voir également les réactions afin de maximiser à la fois la rémission et aussi minimiser les effets secondaires. L'avantage de travailler avec le Children Oncology Group, c'est que je découvre un cancer à une journée donnée et j'ai un protocole typiquement adapté pour ce cancer-là. Oui. Faire une histoire courte, c'est pas vraiment deux petites minutes, ouais, faire une histoire courte, et je le dis souvent et je le donne comme figure de style, si on avait à traiter le type de cancer dont était atteint Charles Bruno, il faut reconnaître que c'est Pierre Bruno, son père, il a fait une grosse job, Pierre. Il a fait connaître le cancer. Tu sais qu'il y a peut-être 25 ans, quand un petit enfant avait le cancer à l'école, les enfants ne voulaient pas jouer avec lui, ils avaient peur de l'attraper. L'avènement de Québécois, TVA, l'antenne qu'avait Pierre Bruno a bien servi à familiariser et à faire connaître, à humaniser le cancer chez l'enfant et à enlever plein de stigmates qui n'avaient pas d'affaire à être là. T'sais. On le guérirait aujourd'hui. Grâce au partage de protocoles, il y a maintenant des victoires à raison de 80 à 90 sur certaines leucémies. Or, ce médecin-là me dit, si on est capable cette année de garder le Children avec nous, on sera en mesure de guérir davantage. J'en suis convaincu. Moi, en tant qu'oncologue, travailler sans équipe de recherche, je ne suis pas convaincu que je m'arme des meilleurs outils qui soient. J'ai dit, d'accord, vous allez devenir ma cause. Alors là, je suis parti et j'ai dit, dans mon affaire, je vais instaurer un système et une thématique. C'est qu'on n'utilisera jamais l'argent des dons pour créer nos événements. Je vais aller voir les copains qui me trouvent drôle et puis ils vont payer si je fais un événement. Au début, je faisais beaucoup de vélo. Mais le vélo, ça génère des coûts, ça. Des pneus, des chandails, des gourdes, des tickets, du gaz, la police, le ruban coupé, le... Le grand tour de roue, est-ce que ça vient... Ben, ça vient de là. Tu sais, au début, je faisais beaucoup de vélo. C'était capoté. Je partais à Trois-Rivières, des fois, des camionneurs. Parce que, tiens, 53 pieds, c'est pas facile à arrêter. Là, le gars, c'est Jacob Brake, débarque, me donne un 50$. Tu sais, okay, ouais, ouais. Ah, là, c'était fou au début. Oui. L'antenne était très forte. Le show marchait très fort, tu sais. Ouais. Donc, tout ça pour te dire que on n'utilisera jamais l'argent des dons pour créer nos événements et je ne serai jamais celui qui manipulera l'argent. Alors, c'est là où je vais voir la Fondation du CHU pour leur dire, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide pour pouvoir populariser, mais surtout crédibiliser l'initiative. Alors, quand on fait un chèque au nom de la Fondation du CHU, le Grand Tour de Roue, et c'est le CHU qui a à charge de prendre l'argent et de l'amener au docteur Michon pour générer ses recherches. Hein? C'est sur quel site Internet qu'on peut... Oui, www.landrytour.com. Mais Yves, on va aller en pause publicitaire. En pause? Oui. Déjà? On va revenir, ça passe vite. On vient de commencer. Mais il me reste un petit bout. Ben, tu peux continuer. Allons-y, oui. Alors. Alors, le petit bout, c'est juste pour dire que j'ai rencontré M. Réaume à ce moment-là à la Fondation du CHU. Et j'ai su après qu'il a dit à sa secrétaire, c'est une très belle secrétaire. Ah non, une Italienne? Non, c'est une Québécoise. Ah, bon. Et qu'il a dit à sa secrétaire, encore un autre rêveur. Ah là, il m'a piqué. Là. Oui. Je suis très compétitif. Je mesure 5 et 7. Donc, j'ai beaucoup de frustration. Oui. Et là, il m'a piqué. Or, la première année... Je parlais d'entrée de jeu que je ne voulais pas quantifier. J'étais quand même heureux. On a ramassé 44 000 $ et ils ont pu, avec cet argent, garder l'oncologie pédiatrique au CHU. Ça l'a sauvé le... Ouais. Alors, 17 ans plus tard, on continue de le faire. On ne pouvait pas faire de rassemblement cette année. On le fait par le biais de CKRL. Il va falloir que je remercie tout mon monde. Tous les gens qui, pendant l'émission, tu as vu mon scroll tantôt sur www.landrytour.com, vont aller faire un don. Oui. Eh bien, on va récompenser les gens après le 4 heures. On va remettre, entre autres, merci à Mélanie de chez Desharnais, Desharnais Pneus et Mécaniques, d'où je travaille d'ailleurs. C'est un 1000 $ Nokian qu'on va remettre en fin de la journée. Tous ceux qui iront faire des dons sur le site, vous allez avoir, bien sûr, votre reçu d'impôt imprimable pour votre don. Alors, vous pouvez aller faire ça dès maintenant, www.landrytour.com. Aussi de chez La Tulipe, 5 fois 100 $. Mon ami François Latulipe, j'aurai l'occasion de te raconter une histoire avec le père de François et de Louis. C'est extraordinaire. Ils sont là chaque année. Et également 500 $ de chez Tanguay. Oh, tu sais comment je suis allé chercher mon 500 $ chez Tanguay? Il y a exactement 17 ans, je suis allé faire Stéphane Ouellet à Jacques, dans son bureau. Il fallait que je m'en aille. J'étais rendu avec Régis Lévesque. La secrétaire ne savait pas ce qui se passait dans le bureau de Jacques. Mais beaucoup d'amitié, une belle fraternité avec Luc Babin, avec François Beaulé et tous les gens de Tanguay qui sont là depuis le début aussi. Donc, on va donner un beau cadeau de 500 $. Mais il faut aller faire des dons. J'avais 14 500 quelques dollars cette semaine de ramasser. Oui. On est à 16 710 présentement. Et j'ai un objectif. J'aimerais bien passer le 20 d'ici 19 h ce soir. Je compte sur votre participation. C'est le temps d'aller faire vos dons et de surcharger le site web. On fait une pause, on revient. Dans l'émission, j'ai une maman qui va venir nous dire ce que je vous ai raconté d'entrée de jeu, ce que c'est que d'apprendre que son enfant est atteint d'un cancer et comment on l'a traité et avec quel protocole. Je parle à Pat Carpentier, une entrevue. J'ai jamais entendu parler Pat de même. Il faut pas que vous manquiez ça. Et le docteur Michon nous explique c'est quoi un protocole, qu'est-ce qu'un cancer. Puis le copain Mark Hamilton aussi, microbiologiste. C'est le temps de faire notre pause? Allons-y. J'ai plus rien. On y va pour la pause. On revient tout de suite. C'est... Vous écoutez Le Grand Tour de Roue avec Yves Landry. Pour un sourire étincelant et de belles dents en santé, la clinique dentaire Centreville vous offre des soins très diversifiés dans une ambiance des plus chaleureuses. Venez rencontrer une équipe qui prend le temps de comprendre vos besoins. De l'examen de routine en passant par l'esthétique dentaire, la chirurgie, le traitement de canal, la restauration dentaire avec la technologie CEREC et les traitements au laser, tout est mis en œuvre pour votre confort. Pour l'expérience et le professionnalisme, la clinique dentaire Centreville. Située dans la gare du Palais, au cœur du Vieux-Québec. CDVC.ca, 418-524-2444. Eurofins Environnex sont des laboratoires environnementaux spécialisés dans l'analyse de votre eau potable, de votre air ambiant et amiante. Vous avez un puits? Eurofins Environnex peut analyser votre eau pour s'assurer de sa potabilité. Problème avec votre qualité de l'air? Problème d'odeur et d'humidité? Notre équipe de professionnels vous assistera pour effectuer les vérifications et analyses nécessaires pour trouver les causes de contamination de votre air. Eurofins Environnex, votre partenaire de confiance dans l'excellence. Labenvironex.com. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Félicitations à la directrice générale de la brasserie artisanale La Korrigan, Catherine Dionne Foster, nommée jeune personnalité d'affaires de l'année dans la catégorie tourisme, restauration, hébergement par la Jeune Chambre de commerce de Québec. Le gala Jeune personnalité d'affaires Banque nationale vise à faire rayonner 8 jeunes personnalités inspirantes reconnues pour leur réalisation personnelle et professionnelle et qui se distinguent pour leur vision, leur détermination et leur leadership. La 29e édition du gala sera diffusée virtuellement le 25 février 2021 à 18h. L'Intemporel, édition Le Grand Tour de Roue pour le Centre Mère-Enfant, vous est présenté par les suppléments XPN, Clinique Dentaire Centreville, Eurofins Environnex et Clinique Médicale La Croix. Allô, c'est Émilie, vous écoutez mon père, l'Intemporel, à CKRL 89.1. Oh, bel effort, Milou. Notre thermomètre va bien. Oui. On est déjà grimpé, on commence à grimper. Alors, c'est merveilleux. Ça a un impact. Donc, entre, l'argent sera bel et bien dirigé, et puis on va faire du bien. vont faire du bien. Cours des prochaines minutes, donc, Bruno Michon, pas facile de parler à Bruno, mm-hmm. pour une raison simple, une très bonne raison, c'est qu'il est hyper occupé. Ce gars-là a tenu le département d'oncologie pédiatrique du CHU pendant 6 à 7 ans en étant presque seul. Il s'est retrouvé avec une consœur de travail. Les oncologues, tu donnes pas un coup de pied d'une poubelle puis en sort 50. Là, là, pas comme un comme des boxeurs à Philadelphie. Exactement, ou un guitariste, tout à fait. Alors, c'est pas évident. Donc, tout ça pour te dire que à certains moments, il était seul à tenir à bout de bras le département, c'était pas évident. Et il avait doublement besoin, tu comprends, de l'équipe de recherche. Alors, on ne vit pas que de ça. Ce n'est pas un pourcentage aussi effarant que la pandémie que l'on connaît présentement. Mais le cancer, il est toujours actif. Et la recherche fait toujours des choses supra-bénéfiques. Et les victoires sont extraordinaires et encourageantes. Et il faut continuer de faire en sorte qu'on ait une espèce de turbo d'installer dans notre équipe. Ici au CHU de Québec. N'oubliez pas qu'il y a un protocole qu'on travaille présentement avec Boston qui est partie intégrante de l'équipe de recherche ici à Québec. Et nous allons écouter Marie-Joëlle qui est mère donc de deux ans. À l'époque, c'est son seul enfant. Et elle va nous raconter comment tout ça se déroule, tout ce que ça a pu jouer également dans le couple et dans la famille. Et qu'est-ce qui est venu à bout? Quelle fut finalement la solution au bout de quelque chose qui, il y a peut-être une dizaine d'années, n'aurait pas connu d'issue favorable? On écoute ensemble Marie-Joëlle. Je me suis entretenu avec elle un peu plus tôt cette semaine, histoire que cette fin de semaine-ci, pour la petite famille, c'est le temps d'aller en ski et de se divertir un peu, mais ils participent intensément au grand tour de roue pour l'oncopède du CHU parce qu'ils sont, vous allez le découvrir, absolument sensibiliser, on va le comprendre. Je parle à Marie-Joëlle. Marie-Joëlle, bonjour à toi. Bonjour. Marie-Joëlle, on s'est croisés de par le grand tour de roue depuis, je pense, plusieurs années, sans trop nous vieillir quand même. Oui. C'est toi qui, par le biais des plateformes de communication diverses, il y en a plusieurs, ils sont pas toutes négatives, il y a des bonnes affaires là-dedans, me faisait part d'une expérience que tu as vécue qui est à même du grand tour de roue. Le pourquoi on fait ça depuis 17 ans, entre autres, c'est-à-dire une terrible nouvelle que tu as eue à un moment donné, il y a de ça plusieurs années, et qui, évidemment, va toujours demeurer gravée dans votre histoire. Raconte-moi ce que tu as vécu cette journée-là où tu es avec tes enfants, où tu es avec ton mari, où ça va bien, où vous avez deux enfants, vous travaillez fort tous les deux pour parfaire votre confort et les choses que vous voulez acquérir, et soudainement, un bon matin, arrive un événement qui vous sort un peu de ce fameux confort-là et de l'espèce de sécurité. Oui, en effet, Yves, écoute, tu me parles de ça, puis je me remets, ça fait déjà 11 ans, puis l'émotion n'est jamais trop loin quand on parle de ça. C'était le long week-end d'octobre, donc on se rappelle la date, octobre 2009, ma fille, 4 ans, Marie-Sophie, toute blonde, toute cute, jamais malade, elle n'a pas de carte d'hôpital encore. Ça va bien, on est heureux. Puis là, tout d'un coup, elle a un autiste qui ne guérit pas. Donc, pour la première fois, on va à l'urgence du CHUL, là, parce que ça fait déjà quelques jours. Et ben, on est sorti de là, plusieurs jours plus tard, finalement, ils ont gardé. Pour le long week-end, ce qui n'était pas vraiment bon signe, là, on se comprend. Ben là, il y a eu le diagnostic, leucémie, l'atteinte au système nerveux central. Donc, c'est le drame. C'est le drame. C'est la panique. La vie, là, vient de prendre un autre tournant. C'était assez épouvantable. On se rappelle de cette journée-là. Je m'en rappelle toute ma vie, c'est certain. Mais à ce moment-là, il y a trois mots, moi, qui me viennent en tête. Protocole de Boston. Donc, une fois que la poussière retombe un peu, je rencontre le docteur Michon ici et là. Donc, je commence à me faire un peu à l'idée là, de ce qui va se passer. Mais déjà, à cette époque-là, j'avais commencé, dans le fond, à la radio, à nous éduquer, je peux dire, à nous parler de ce protocole-là. Les avancements, la recherche qui était faite en oncologie pédiatrique. Puis ça m'était resté dans la tête. Des fois, j'écoutais ça d'une oreille, mais en même temps, ce jour-là, c'est ça, dans le fond, qui a été ma bouée, mon plan. Donc, lorsque Dr. Michaud a sorti vraiment le protocole de Boston, parce que c'était une leucémie lymphoblastique aiguë, donc au moins, je me suis rattachée à ça. Puis on savait qu'il y avait un taux de guérison de 85% et plus. Et ça a été vraiment ça là, qui nous a sauvés, là, dans le fond. Donc, le fameux protocole de Boston est en lien direct avec ce dont je parle et je reviens régulièrement, c'est-à-dire le Children Oncology Group. C'est une base de recherche qui fait qu'au moment où j'applique un traitement, il est à la fine pointe, il est de ce qu'il y a de plus récent en matière de traitement contre le cancer. Une guérison à 85%, mais quand même un cancer important, atteint du système nerveux central. Comment ça s'annonce? Comment tu reçois ça? Comment ils vous ont annoncé ça? Ils peuvent pas annoncer ça en ce sens que, bon, ben, il s'agit d'une maladie X à laquelle on va trouver un médicament. C'est une maladie qui, inévitablement, peut, dans un monde conditionnel, évidemment, idéalement, entraîner la mort. C'est quelque chose de très grave. C'est incroyable, ça. Quand notre enfant peut mourir, ça s'explique pas, là. Ça s'explique pas qu'est-ce qu'on ressent. La manière qu'il nous a expliqué ça, ben, tu sais, il y a pas 10 000 manières de le dire non plus, hein. Puis, quand ils nous l'ont demandé, ils nous l'ont expliqué, ben, on veut pas, de comme chance, son équipe avait commencé à mettre un peu la table, là. C'est les différentiels, les autres maladies qui auraient pu être, la cause de la de comment Marie-Sophie se était, ben il commence à en avoir moins. Là. On s'en allait plus vers la leucémie, mais on n'avait pas le diagnostic final. Donc, c'est sûr que l'atteinte au système nerveux central entraînait également pas seulement de la chimiothérapie, mais de la radiothérapie. Donc, tu sais, c'est un learning curve aussi, dans le sens que quand tu n'as pas trop passé de temps dans les hôpitaux, tu dois te mettre en... faut que tu apprennes, là. Tu dois te revenir sur tes pattes, c'est toi le parent. Puis là, tu dois dire, OK, là, je vais prendre ça en charge, puis je vais avancer. J'ai le plan. Ça fait assez longtemps que j'en entends parler, dans le fond. On est chanceux. On a ça dans notre ville. C'est incroyable. Puis on let's go. On avance. Puis je cochais à toutes les fois qu'il y avait un traitement. Parce que les traitements, là, c'est sur 2 ans. OK. Donc, on a le temps de faire, là. C'est 2 ans. OK. Donc, rien, il n'y a rien de gagné. On attend traitement après traitement. On a des résultats. On suit ça de près. C'est ton enfant, Marie-Joëlle. Vous en avez deux, toi et ton chum. Et puis, on dit toujours ce en quoi je mets tous mes espoirs, tu sais, puis ma raison d'être et ma raison de vivre. Donc, j'imagine que à l'intérieur d'un couple, ça vient bousculer des affaires. D'ores et déjà, il y a des rendez-vous que on doit planifier. T'es obligé de te rebâtir une vie pendant 2 ans, veux pas. Ça prend quelqu'un pour aller au traitement, reconduire, revenir, regarder les résultats et tout ça. C'est pas évident non plus à vivre pour un couple, pour une famille. Oui. Puis Yves, c'était notre enfant unique à cette époque-là. OK. Notre fille était seule, donc c'est fou, là. En pause, moi, j'ai arrêté de travailler. Pas le choix pour le premier. Parce que là, on doit faire un parallèle. À présentement, on est en confinement. Faut faire attention, il y a un virus. Mais c'est pareil, on l'a déjà comme un peu vécu. Okay. Donc, on peut plus sortir. Moi, il y avait des pancartes à la porte. Lavez-vous les mains. Ma soeur venait me voir avec son masque. Donc, c'était vraiment la vie qu'on a vécue, là, première année, le premier 10-11 mois, quand c'est le pire. On attend aussi des résultats difficiles à entendre. Cette première année-là, là, c'est des montagnes russes. C'est fou, là, c'est des montagnes russes. Tu sais jamais quelle nouvelle que tu vas avoir. Tu dois avoir 2-3 résultats positifs pour t'assurer que tu es sur le bon chemin du protocole. C'est assez fou là, comme la première année. La deuxième année, c'est d'autres choses. Moi, je retourne travailler. Marie recommence l'école, pas un cheveu sur la tête en maternelle. Les joues grosses à cause de la cortisone. Donc, on doit aussi gérer le fait que les autres amis à l'école doivent être un peu éduqués pour ça. Elle a des traitements encore à toutes les semaines. Les petits traitements, elle peut retourner à l'école l'après-midi. Encore une fois, vu que c'était à Québec, ça lui permettait de continuer une semblant de vie normale. Lorsque c'était le gros traitement, aux 3 semaines, il y avait un gros traitement, donc ça oublie ça. elle restait l'après-midi. Donc, moi, je restais à la maison aussi. Mais c'est toute une réorganisation familiale. Puis, c'est pas facile non plus au niveau du couple parce qu'on prend pas tout nécessairement. C'est un deuil. C'est un deuil de voir ton enfant malade. Puis, on prend pas tout ça au même, à la même vitesse, la même manière. Donc, oui, il y a pas mal d'adaptations, là. Mais ça s'appelle une épreuve. Mais, je veux pas faire non plus dans l'incitatif ou encore la démagogie ou quoi que ce soit, mais ce qui m'a toujours motivé, qui a toujours fait rouler ma machine et cette espèce d'initiative, c'est-à-dire l'énergie à poursuivre l'initiative, était justement la présence d'un protocole qui soit avancé et qui permette à celui qui est en train de vivre une épreuve comme celle-là, à ceux qui sont en train de permettre une épreuve comme celle-là, une lueur d'espoir réelle. Donc, le protocole de traitement qu'on travaille ici à Québec, spécifiquement l'oncologie pédiatrique du CHU, avec en tête le docteur Bruno Michon, a fait qu'un jour, tu as eu une nouvelle, je dirais pas inespérée, au contraire, elle était espérée, mais extraordinaire, qui s'appelle guérison complète. Et ça, ça vient pas tout de suite, mais ça vient un jour. Et j'imagine qu'à partir de là, on se met à dire merci et on reconnaît à quel point les initiatives et la recherche, qu'on entend peut-être trop souvent parler, sans que ce soit explicite, assez bien pour qu'on comprenne sa valeur puis l'importance qu'elle a. Donc, et ça, vous l'avez vécu, et c'est comme ça un peu que vous avez embarqué dans le Grand Tour de Roue, entre autres. Raconte-moi un peu cette journée-là où, finalement, tu l'as, le résultat, et on dit, bon, ben c'est derrière vous. Oui, bien, c'est sûr qu'à peu près, après 5 ans, là, donc, de la rémission partielle, là, il y a une rémission, là, au tout début, là, après la période d'induction, là, le premier partie du traitement, il y a une rémission partielle. Donc, après ça, dans le fond, la guérison, là, c'est après 5 ans. Et lorsqu'on fait ça, c'est que ça fait... parce que je veux pas, après les 2 premières années qu'on y va chaque semaine, ensuite, ben on a un petit congé, on y va peut-être à tous les mois, tous les 3 mois, je m'en rappelle pas exactement, mais on est quand même assez connecté, disons, là, à notre abonnement au CHU Québec, là. Mais on est abonné. Mais le jour que à 5 ans, tu t'es guéri, et puis tu regardes la courbe, là, pour... puis là, ben elle est guérie. Puis elle prend pas de médicaments, on s'en va de là, c'est t'as un poids qui tombe de tes épaules. Vraiment, là, c'est une nouvelle incroyable. C'est une renaissance. C'est exceptionnel. Il y a des gens il y a des gens qui ont travaillé, il y a des chercheurs qui se sont mis à table, c'est cliché, mais c'est ça pareil. Oui. Et évidemment, des journées durant, le docteur Michon passe littéralement presque toute sa vie, si c'est pas 15 heures, 20 heures par jour, à chercher, à travailler. Et en bout de ligne, on obtient une guérison complète. Souvent, il était dit que si on avait les données que nous avions présentement, l'un des cas les plus populaires au Québec, en raison évidemment de son père, qui était Charles Bruno, donc que si il était question de Charles aujourd'hui, nous aurions ce qu'il faut, je suis même au conditionnel, mais on est certain à 100%, le type de cancer qu'il avait se guérit aujourd'hui. Et ça, c'est la recherche qui l'a fait. C'est quand même fabuleux. Marie-Joël, je te remercie infiniment, parce que du coup, tu m'as dit, hey, je suis ici, puis regarde ce que j'ai vécu, et c'est en lien direct avec le Grand Tour de Roue. Vous avez donné généreusement. Ton chum est venu me rencontrer. Vous êtes venu à nos événements. Évidemment, cette année, on peut pas créer de rassemblement, mais vous êtes là par le biais du téléphone. Marie-Sophie, que j'ai rencontrée, qui est une merveilleuse petite fille, aujourd'hui, et donc dans les premières étapes de ses rêves. Oui, elle a 15 ans, secondaire 4. Extraordinaire. Extraordinaire, qui joue du piano, fait du ski, une vie que des amis, donc vie normale, ne prend pas de médicaments. C'est incroyable. Là, elle commence à s'apercevoir un petit peu de qu'est-ce qu'elle avait, mais ça fait pas si longtemps qu'elle pensait que c'était une mauvaise grippe, là, qu'est-ce qu'elle a tout vécu. Donc, tout l'environnement aussi était là pour bien... amortir ce choc incroyable. Ouais, absolument. Et en plus, elle est bien éprouvée parce qu'elle doit tolérer aussi sa petite sœur qui est hyper vivante. J'ai cru voir. Oui, ça, c'est une histoire. Marie-Joëlle, bonheur à vous. Merci infiniment pour l'appui au Grand Tour de Roue. C'est un bon exemple. Je le disais tantôt, je vais pas faire dans l'incitatif ou de la démagogie ou quoi que ce soit, mais le travail qu'on fait, puis le rassemblement qu'on crée, et évidemment, cette cause spécifique qui est l'oncologie pédiatrique du CHU qui vient en aide aux enfants, qui prolifère donc inévitablement au niveau de la recherche, qui améliore les traitements et qui fait que, à quelque part, tu sais, toi, moi, Marie-Sophie et compagnie, je le dis, on devient des acteurs de guérison et de soulagement. Il n'y a rien de plus beau, de plus gratifiant et de plus motivant. Dans ton cas, je le souhaite pas à personne d'être obligé de passer par où vous êtes passé, mais vous êtes la preuve tangible que la recherche crée des choses extraordinaire et qu'aujourd'hui, ceux qui hier devaient abandonner la vie, aujourd'hui peuvent la poursuivre. C'est oui. Magique, c'est fabuleux. Oui, surtout avec le protocole de Boston-là, tu sais, quand tu as accès au meilleur protocole en Amérique du Nord, par ce dernier, c'est incroyable. Là, tu te couches le soir et tu te dis, bon, ben, tu sais, je suis en business, j'ai mon plan, je sais que ça va bien aller. C'est sûr qu'à chaque année, moi je pensais souvent, Dr Michon m'en parlait également, qu'il doit ramasser, c'est ça, les fonds annuellement pour s'assurer de rester dans ce consortium-là, puis participer aux recherches également. Donc c'est pas nécessairement couvert là par les assurances gouvernementales. Donc vraiment ces fonds-là, c'est annuellement, il doit aller les chercher. Puis des l'œuvre que tu fais avec le grand tour de roue depuis 17 ans que tu mentionnais. Ouais. C'est incroyable. Ça change des vies, puis ça sauve des vies surtout. Marie-Joëlle, merci infiniment à toi, à ta famille. Au plaisir de se revoir si l'occasion se présente, toujours avec la même amabilité et gentillesse aussi. Merci infiniment. Bravo et salut à Marie-Sophie, à sa petite sœur, à toutes vous autres. Et puis bonheur, puis réalisation de tous les beaux rêves. Vous êtes du beau monde, entre autres. Merci beaucoup, Yves. C'est très gentil. Plaisir, Marie-Joëlle. Au revoir. Merci. Bye. Québec, un traitement, un protocole et une guérison. Alors, oui. Quand tu as besoin, je dirais, une preuve tangible que ce que tu es en train de faire a de l'effet, tu ne peux pas avoir plus fort que ça. 4 ans, un très gros cancer, une très grosse leucémie avec atteinte du système central, nerveux central, et cette nouvelle de guérison totale, absolument complète. www.landrito.com. Est-ce que je fais partie du grunge des années 90 et que je crois que je suis encore dedans, mais que je suis vieux, reculé par le tonnerre, de tout le temps parler du www? Est-ce qu'il est opportun de le faire? Oh, c'est encore actuel. Landrito.com. Tu peux dire ça de même aussi. Mais j'ai tout le temps l'instinct de mettre le triple W comme s'il y a 20 ans, il fallait le dire. Oui, dans le temps, il n'avait pas compris. Maintenant, je pense qu'il a compris. Ben, tu sais... Landrito.com. CKRL.QC.CA. Et voilà. Pour nous écouter. Et Landrito.com. Site sécurisé, entretenu par mon neveu, Joël, gratuitement. Il y a toujours des frais additionnels. Je dois remercier les gens qui font que le Grand Tour de Roue est là depuis 17 ans. Malheureusement, je vais en oublier. Donald de Gagnon est un copain d'ici à Québec, un restaurateur, Donald, un gars avec un grand cœur, un gars travaillant, un winner. À un moment donné, m'appelle, dit « La cause que tu fais, je veux seconder, je veux être là, je veux être présent. Que puis-je faire pour toi? » Il a fait beaucoup. Entre autres, couvrir des frais additionnels. Pour ne pas aller prendre l'argent dans l'argent des dons, souvent, je vais voir des gens qui me donnent un coup de main pour dire « Bon, ben on va payer la papeterie, on va payer l'essence, on va payer une tente que tu n'as pas pu avoir en échange. » À un moment donné, je faisais une présentation sur un stationnement et on n'avait pas de courant, on n'avait pas prévu ça. Or, j'ai été incapable, la fin de semaine, c'était d'avoir gratuitement une génératrice. Il y avait une entreprise de location d'outils. Le monsieur était prêt, donc, à ouvrir son... Mais je devais le payer. Alors, on a défrayé ces frais-là avec des gens comme ça. Toujours des bons samaritains. On a fait la production d'un livre à un certain moment donné. Il est arrivé toujours des impairs. Il a fallu payer des choses dont on n'avait pas prévu. Il fallait les payer. On ne pouvait pas dégager de montant pour des raisons multiples. Alors, je suis allé voir Éric Saint-Gelais. Qui est un homme d'affaires de Charlevoix, Honda Charlevoix, et Bon, et Eric dit, bon, ben, où est ton problème? Quel est, bon, ben, j'arrive, j'ai une facture ici de temps pour mes livres que je dois publier. Mets-moi ça sur mon bureau, je m'en occupe. Les frères Teach également, depuis de nombreuses années, ont toujours été là pour me seconder et rajoutent également. Donc, la qualité relationnelle, Marc Hamilton de chez Environex, Eurofin Environex, aussi, j'ai des problèmes à un moment donné, il faut payer le site Internet, il faut payer l'hébergement, il faut payer... Et tous ces gens-là sont toujours d'accord pour pouvoir défrayer ces coûts-là et éviter qu'on aille chercher l'argent des dons pour créer des événements. Donc, quand vous faites un don sur landrytour.com, tout l'argent que vous mettez se dirige distinctement, sans écart, à l'équipe d'oncologie pédiatrique du CHU, la responsabilité en chef de Bruno Michon. Voilà pour cette partie d'émission. Il nous reste encore 3 heures. On va en manquer. On fait une pause et on revient. On a plein de patentes. Comment ça a commencé, la radio? Ça a été quoi, les balbutiements? T'sais? Pourquoi Yves à la radio? Je vais vous raconter ça. C'est absolument capoté. Pierre Pelado, père, a joué un rôle. Et Mario Tremblay, le joueur de hockey. Une histoire vraie et 2 personnages connus. Un qui est plus sur la planète, l'autre qui est encore bien là. On a assisté à des prouesses de Yves, qui, dans le courant de cette rivière existentielle, a fini par l'amener et le faire échouer d'un poste de radio. Comment ça s'est passé? Je vous raconte ça au retour de la pause. Vous écoutez Le Grand Tour de Roue avec Yves Landry. Savez-vous qu'à la Maison de la famille de Québec, située à Limoilou, des intervenants qualifiés sont disponibles pour vous offrir des services d'écoute téléphonique et de consultation individuelle, de couple ou familiale? Peu importe les difficultés que vous vivez en ces temps d'incertitude, la Maison de la famille de Québec est là pour vous soutenir et vous accompagner. Contactez-nous au 418-529-0263. 418-529-0263. Faites le plein de bonheur à la boîte à pain grâce à nos 5 spécialités. Les viennoiseries croustillantes et croquantes, nos sandwichs savoureux et originaux, les pizzas authentiques et napolitaines, nos pâtisseries exquises et délicates, et bien entendu notre pain succulent et nourrissant. La boîte à pain, du plaisir à tous les jours. Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boiteapain.com. Vous vous réveillez souvent la nuit, vous ronflez et vous êtes toujours fatigué? Vous pourriez souffrir de l'apnée du sommeil qui touche environ 10% de la population. Les cliniques médicales La Croix offrent un service de préévaluation sans frais avec une inhalothérapeute spécialisée. Appelez-nous en tout temps au 418-871-1911 et prenez rendez-vous sans attente pour votre préévaluation sans frais du trouble de l'apnée du sommeil. Cliniquemédicalelacroix.com, la référence en médecine privée au Québec. Eurofin Environex sont des laboratoires environnementaux spécialisés dans l'analyse de votre eau potable, de votre air ambiant et amiante. Vous avez un puits? Eurofin Environex peut analyser votre eau pour s'assurer de sa potabilité. Problème avec votre qualité de l'air? Problème d'odeur et d'humidité? Notre équipe de professionnels vous assistera pour effectuer les vérifications et analyses nécessaires pour trouver les causes de contamination de votre air. Eurofin Environex, votre partenaire de confiance dans l'excellence. Labenvironex.com. Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec. L'Intemporel, édition Le Grand Tour de Roue pour le Centre Mère-Enfant, vous est présenté par les suppléments XPN, Clinique Dentaire Centre-Ville, Eurofin Environex et Clinique Médicale La Croix. Bonne série de copains, ce que j'ai oublié de mentionner tantôt. J'ai parlé de Jacques, évidemment, à la Clinique Dentaire Centre-Ville, Marc Lacroix aussi. Marc, depuis une bonne dizaine d'années, 2010, sûrement que participe intensivement au Grand Tour de Roue et XPN, les suppléments XPN, extraordinaire histoire, ici à Québec, avec son fondateur Dan Bérubé, avec un pic et une pelle, a bâti une entreprise exceptionnelle. La famille est en train de prendre la relève, Dale Dan, et alors c'est exceptionnel. Éric Letourneau, donc, de chez les suppléments XPN, vous retrouvez sur Pierre Bertrand. C'est gros, ça. Ouais, c'est un entrepôt, c'est bon, ouais. Compliqué. Avec des conseillers, les gars connaissent ça. C'est exceptionnel, la qualité du produit, fiabilité, puis c'est reconnu aussi également. La valine, l'isoleucine, les suppléments, il faut savoir comment les utiliser, évidemment, parfaire son entraînement aussi. Il y a beaucoup de connaissances là-dedans, j'ai eu l'occasion de m'y tremper un peu. C'est une belle gang, et c'est des gens généreux qui vont promouvoir davantage l'activité physique, la réussite, les buts, les objectifs. C'est rempli de ça, hein? Tu parles d'un supplément alimentaire pour pouvoir parfaire ton entraînement et atteindre tes buts. C'est exceptionnel. Une belle gang. Je les salue aussi. Ils sont là. Ils font partie du Grand Tour de Roue. Oui. J'entretiens ça tout le temps. Tout le temps. À chaque année, ils sont là. C'est quasiment... C'est gratifiant. Oui. Et en bout de ligne, il se produit des choses comme on vient d'entendre tout à l'heure. Mm-hmm. Avec oui. La jeune maman. Les miracles. Qui nous a parlé, Marie-Joëlle. Mm. Comment ça s'est passé, Yves, à la radio? C'est complètement capoté. Et encore plus facile, c'est que j'ai pas besoin de ne rien inventer pour vous le dire. Si mon bon vieux frère écoute, il y a 4 ans avec moi, Pierre, je pense, ou Hélène, on en a 8, on a 4 ans de différence, on est 4 enfants, il en reste 3. Muriel, la plus vieille, est partie, mais... Et ils ont toutes vu mes sparages. Jeune, mais très jeune. Je sais pas pourquoi... Je suis d'un modèle 62. Je suis très atteint par la télévision et ce que j'entends à la télévision. Et je répète, je ne sais pas pourquoi, ça vient me chercher. Utilisant la capsule bêta, Hayata devient Ultraman. Frindade de rire, rindade de flin. Les émissions qui sont présentées à mon jeune âge sont magnétiques. C'est le Pirate Maboule, c'est Midas. Monsieur Tranquille, ça vient beaucoup plus tard. Squid Lee. C'est quoi déjà? Alors, je finis par les imiter et faire pareil. Tellement ils me rentrent dedans. J'étais en fin de semaine dernière avec mes petits-enfants et je leur faisais écouter la fusée XL5, les sentinelles de l'air. Ah oui. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Toi, à 30-quelques années, t'es gars, j'en ai 59, t'es 30 ans too late. Oui, j'ai vu d'autres choses. Mais t'as vu d'autres choses. D'autres époques. Oui. Évidemment, est arrivé les Power Rangers après ça, puis Goldorak. Et voilà. Mais là, j'ai 20 ans, moi, là, à Goldorak. Là, j'en ai même 25. T'sais. Alors, c'est ces émissions-là qui viennent animer mon esprit et qui, je sais pas, moi, sont en train de nourrir le jardin d'idées qui est dans ma tête. Le popcorn qui boucane, qui éclate de partout. Et bien sûr que, dans la quête d'attention qui est normale chez un enfant éveillé, il n'y avait pas le Ritalin puis les diagnostics aussi d'hyperactivité à l'époque. J'étais sûrement d'un de ceux-là, mais il n'aurait pas trouvé ce qu'il fallait pour me guérir. Ça aurait pas pris une intraveineuse, ça aurait pris une hausse à pelouse, pas compliqué. J'éclatais de partout. Homme invincible, tu vas connaître la puissance du mandarin. Alors, quand j'arrivais à l'école, j'avais tout le temps un de ces personnages-là, et je les faisais en s'en allant d'un case, en marchant dans le centre social. Il y avait tout le temps une place où je pouvais la pousser, et on me le demandait. Donc, ma quête d'attention était nourrie. On m'aimait, on m'écoutait, et je faisais rire. Alors... quelqu'un employait un mot cette semaine, je ne sais pas s'il existait, je ne suis pas allé vérifier, il employait le terme « genré ». Les émissions étaient genrées. Je faisais écouter à mes petits-enfants la fusée XL5, et eux, ils ne sont pas de cette génération-là, ils étaient soudés devant mon téléphone. « Mon cœur serait un fireball. » Les tounes oui. étaient très créatives et amenaient l'esprit... si tu veux, à fleurir de par lui-même. Il y avait un bout d'imagination qui était sollicité. Oui. Aujourd'hui, avec Grand Theft Auto que tu connais, qui c'est que tu veux que ton cerveau travaille alors que tout est fait devant? C'est vrai. Ça donnait au lieu de... Le Zazou. Soyez les bienvenus. Et Robert, demi-tour à droite. Ça a l'air complètement enfantin, puéril et idiot et cave. Mais ça sollicitait les esprits beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à créer autour d'un personnage... tu sais, une lecture d'esprit que tu avais avec ton esprit à créer autour de ce personnage-là, ouais. Des mouvements et des choses que tu répétais. On voulait être Robert et on voulait voir Steve Zodiac. Mais c'est complètement... Les sentinelles de l'air. Virgile. Virgile avait une personnalité. On voulait tout le numéro 1. Il y en avait qui voulaient le numéro 3 parce que lui, il laissait tomber une top. Puis dans top, il y avait le petit numéro 4, jaune, qui s'en allait sous l'eau pour aller foutre rien, là. Il était équipé pour tout, sauf pour l'eau. Et il y avait leur babine qui jouait avec leurs yeux. C'est quoi l'espèce d'affaire qui est arrivée sur le web, là? Je veux, c'est fâché, je sais. Qui parlait comme ça, c'est devenu, ça a couru sur le web, là. C'était un jeu, là, de, tu voyais rien que les yeux bouger. Il y avait un nom. Et il faisait plein de sketchs. C'était québécois, ça. Avec des patates, comme des... Exact. Bon, ça ressemblait à des patates. Mon recherchiste va travailler, mais pas. C'était un peu, si tu veux, un retour de ça, je dirais 35, 40 ans plus tard. Têtes à claques. Les têtes à claques. Exactement. Ouais. Bon, ça a disparu avec le temps, c'était amenuisé. Il fallait que ça passe. Mais ça venait un peu de là, tu sais. On te fait travailler des yeux puis une bouche, puis tu mets un texte là-dessus, et t'enchantes du monde et des esprits. Or, j'arrivais à l'école, et je faisais ça. Des fois, je le faisais trop, tu comprends? Oui. Mais j'étais très généreux. C'était réciproque, c'était nutritif pour tout le monde. Exact. Alors, à 4, 5, 6 ou 7 ans, quand arrivait Noël ou encore le jour de l'an, ma sœur Muriel, la plus vieille, m'avait vu faire une coupe de singerie et c'est elle qui ouvrait le bal pour que je fasse mon propre show, tu comprends? Oui. Devant la famille. Ça a commencé comme ça. Mais à un moment donné, ça s'est écarté et ça s'est étendu. Et il arrive des histoires aussi invraisemblables que celle-ci. C'est que moi, je fais mes twistages et mes affaires un peu partout. Ça devient... Une façon de vivre. J'arrive pas à la radio par le biais d'un cours d'art et technologie des médias. J'arrive à la radio parce que dans ma tête, j'ai la voix de Roger Beaulieu qui fait les annonces de Isle Green. J'ai Jacques Beauchamp qui présente un produit. J'ai Jean-Pierre Coallier qui faisait la poule aux œufs d'or. Il y avait... À ce moment-là, et au Saguenay, on avait les frères Kenville. Ils avaient une richesse de communicateurs. René Le Cavalier. Dieu de la passe, ici René Le Cavalier. Gilles. Eh bien oui, Claude, l'expérience d'un Robinson. Prends la rondelle dans le haut du filet, René alimente son défenseur. C'est là, je ne l'ai pas travaillé, mon gars. Alors, il y avait le gars à qui je parlais employait le terme « genré ». Il y avait des gens très colorés. Oui. Que ce soit Claude Ryan ou encore le maire Drapeau. Les Jeux olympiques auront lieu. Il y avait des gens très colorés, très genrés, et ça habitait mon esprit. Or, je les faisais, je les imitais. On pouvait pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est ce qui rendait la chose joyeuse et intéressante. Or, à un moment donné, j'allais à la patinoire. On voit tout à patinoire quand on a 7, 8 ou 9 ans. Il faut apprendre à patiner. Je viens dans une ville un peu enchanteresse, très petite et très chaleureuse, qui est séparée par la grande et la petite décharge. Et il y a l'île Sainte-Anne qui propose une glace extérieure qui est proche de la rue Harvey, d'où j'arrive quand j'ai 7 ou 8 ans à peu près. Il y en a un peu partout des glaces extérieures. T'sais. Il y en avait une à Saint-Pierre. Chaque quartier avait sa glace. J'allais à celle de Sainte-Anne pour une raison bien simple. C'est que un joueur du Canadien s'entraînait là, à l'extérieur, et c'était Mario Tremblay. Ah oui. Mario Tremblay, le joueur de hockey du Canadien. Enfin, il n'était pas encore arrivé. Il jouait pour le Junior de Montréal. Mais il était déjà reconnu parce qu'il jouait au Saint-Édouard. Mais en fait, il a joué un bout de temps pour les Aigles dans son hockey junior. Et quand il est devenu un peu plus populaire, la patinoire Sainte-Anne était encore plus habitée et utilisée et fréquentée en raison de ça. Oui. Et évidemment, l'hiver, dans le temps, moins 30, c'était parfait pour aller patiner. Aujourd'hui, on nous parle de moins 10 avec un facteur senti de moins 25 et les gens ne sortent plus dehors. C'est une tempête. Moins 30, on allait là, là. C'était courant. Et il y avait, bien sûr, la cabane dans laquelle on allait s'habiller pour mettre nos patins et tout ça. Et on rentrait se réchauffer et on ressortait. Oui. Et moi, j'avais fait une twist qui était le Malexor marbré. Je te zippe, je te crotte, je te zippe, je te crotte, oh oui. Et avec mes hanches, non, je te le jure, Elvis, c'était de la petite bière. En plus que je faisais ça avec la pointe de mes patins. Oui. Fait qu'à un moment donné, je rentre dans la cabane et Mario est là avec son frère. Mario, il doit avoir à peu près 10 ans avec moi. Mario, j'ai 59, il doit être dans le coin de 69. Mario, ça veut-tu dire ça dans ces eaux-là? Et il est là avec ça. Et quand je rentre, je suis justement, j'ai froid, il faut que je me réchauffe, et je fais le Malexor marbré. Il rit tellement, ça n'a pas de sens, et il me demande tous les deux de le refaire. Et je me suis parti de la patinoire Sainte-Anne à chez nous, en Malexor marbré. Oh oui, ben, je venais d'épater le joueur de hockey, Mario Tremblay. Je flottais. J'étais une vedette. J'étais une sœur. Je te zippe, je te crotte. Je te zippe, je te crotte. C'est le Malexor marbré. Puis là, je chante ça, mais c'est parce que tu me vois pas faire avec mes hanches. Le fais encore très bien aujourd'hui, 50 ans plus tard, le Malexor marbré. Donc, avec Mario Tremblay. C'est très, très beau, cette histoire-là de la patinoire Sainte-Anne, parce que quelques années plus tard, le père de Mario, Gonzague, venait à la patinoire Sainte-Anne où des gens, parce que tu sais, la patinoire extérieure, t'avais des gens qui étaient moins entiers, qui avaient moins de sous. C'est très, très beau ce que faisait son père, qui était un homme très racé. Un homme pas nécessairement grand. Il pouvait pas te parler du théorème de Pythagore, nécessairement, mais il était généreux. Et imagine-toi ce qu'il faisait pour les jeunes au hockey. À l'époque, avoir un représentant dans la Ligue nationale, c'était avoir accès à Dieu. Et les gens passaient en avant de la côte Taché, il était sur la rue dans ce coin-là, à Alma, tout près de la petite décharge, les gens passaient en avant de la maison pour se faire un plaisir de dire qu'ils passent devant la maison de Mario Tremblay. Et sa mère, qui était là aussi, même l'été, s'occupait des fleurs, était dehors, elle saluait les gens qui venaient la saluer. Ah oui. C'était un événement. Oui. Elvis à Tupelo, c'était Mario à Alma. Là. Oui. Pas compliqué, là. Et Rose, Maude, je ne sais pas trop. C'était du beau monde. Oui. Très racé. J'ai connu les cousines de Mario. Mario a de très belles cousines. Oui. Les Tremblay. mais du beau et du bon monde. Oui. Et le père de Mario venait donner les patins que Mario ne portait plus. OK. Carole Hudon, que j'ai connue, qui demeurait tout près de chez Mario, entre autres, venait à Patinoire Sainte-Anne, et à un moment donné, il y a les patins avec le numéro 14 dessus, écrit à la craie ou peinturé. C'était le père qui... Quand Mario avait des hockeys fêlés, il les donnait à son père, qui lui venait les donner à la Patinoire Sainte-Anne, à l'extérieur, pour les gens qui venaient jouer. Ouais. Imagine-toi pour un petit gars ramasser le hockey de Mario, qui vient de la Ligue nationale. C'était très, très beau. Mais le Malexor marbré a connu beaucoup de succès là. Oui. C'était son moment de gloire. C'était son moment de gloire. Mais tu vois, à un moment donné, je m'en viens à la salle de billard, puis la salle de billard va me pitcher à la radio. C'est capoté. Mais ça commence par le Malexor marbré. C'est ça, le déclencheur, l'élément déclencheur. Ouais. Là, je sais que j'ai beaucoup d'énergie, puis que je peux faire quelque chose de hot. Et les gens sont réceptifs. Ébahis aussi. Oui. Donc, ça marche, ma patente. Mon père, avec la maladie dont je te parlais tantôt, se retrouve à être un réparateur itinérant. Tu sais, c'est péjoratif de dire itinérant. Un réparateur de tout et de rien. Pas de tout et de rien, mais un réparateur multiple. Oui. Or, évidemment, il se trouve à s'accouder à des gens qui ont besoin d'hommes comme lui. Oui. Souvent des gens qui ont des bebelles que d'autres n'ont pas. Entre autres, Marcel Simard, un très, très gros bateau, qui est à quai au Quai d'Inzé. Ce bateau-là s'appelle le Corsaire. Comme je suis très vivant et que je fais beaucoup le Malexor marbré, même à la maison, ça devient dur pour ma mère. T'sais, un Malexor marbré sur le tapis, ça à l'aise, ça à la table, c'est mon succès. Alors C'est ton premier hit. Alors, mon père, pour donner un break à ma mère, m'amène avec lui. parce qu'il entretient ce bateau-là, qui est un immense bateau à moteur, à voile oui. également, mais à moteur, il y a un gros moteur là-dedans, allemand, un 6-cylindres, diesel, très complexe, que peu de gens arrivent à bien faire fonctionner, oui. à part mon père. Marcel Simard, qui est le propriétaire de ce bateau-là, se lie d'amitié avec mon père, ils deviennent ensemble de très bons copains, oui. et tellement que mon père a accès à ce bateau-là. C'est le plus gros bateau, sûrement, avec celui de M. Jean, qui est un bateau tout en bois, qui était un prof de musique, Daniel Jean, d'ailleurs, qui est le violoniste de Paul Pichet. Le violon que tu écoutes dans Heureux d'un printemps vient de quelqu'un une belle culture qu'il y avait à Alma. Alors, il y avait ce bateau-là, qui est un bateau à trois mâts, M. Jean, mais le corsaire est un ancien bateau de pêcheur, lequel avait un gros mât lui aussi. Et mon père avait accès à ce bateau-là. On pouvait partir avec ah oui. sans que le propriétaire Marcel soit là. À un moment donné, mon père m'amenait avec lui pour le réparer et arrive une occasion très spéciale qui est celle de la traversée du lac Saint-Jean. Marcel Simard, qui est un homme de dignité, c'est un avocat reconnu, le pantalon bleu avec la ligne blanche et la casquette de capitaine, il joue... si tu veux, le rôle du capitaine de façon amusée, mais il a aussi un faciès et un galbe, si tu veux, tu sais, de capitaine et de monsieur très digne, très propre. C'est un monsieur de classe, tu comprends? Oui. Et qui réussit. Alors, pour, évidemment, démarrer le bateau et que tout marche bien, pour te dire la grosseur de ce bateau-là, il y avait une cuisine. Ah oh oui, dans le bateau. Oui, et tu pouvais coucher 10 personnes et en accueillir 25. C'est beaucoup. Sur le pont en haut. Ben ça avait trois étages. Ouais. Je pouvais servir à mon père, entre autres. Je descendais dans le réservoir à eau. Le réservoir à eau était immense. Il y avait un trou qui me permettait d'aller à l'intérieur parce qu'il y avait une espèce de petit gauge, si tu veux, de température pour la répartition d'eau chaude et d'eau froide. Ouais. Je rentrais dans le gros... C'était un très gros bateau. Or, la traversée du lac Saint-Jean se prépare et, bien sûr... Marcel Simard invite des dignitaires avec lui pour faire cette traversée et mon père se trouve à être l'homme de sécurité sur le bateau au cas où il y arriverait un problème. Le journal Le Lac Saint-Jean, je ne sais pas s'il était pour l'acheter ou quoi que ce soit, et Pierre Pelado de Vidéotron et de Québecor, oui. le monsieur Pelado, est également sur ce bateau-là. OK. Or, moi, j'y vais pour participer aux préparatifs et le voir partir sur le quai. Évidemment, je ne pars pas avec la gang parce que je représente un risque. Tu comprends? Donc, tantôt, il y avait Mario, mais là, j'avance un peu en âge. Et là, je vois donc Pierre Pelado qui est là et des gens sur le pont. Et ils sont en train de jaser. Mon père est occupé donc à descendre dans la cale pour faire quelques préparatifs. Et je vais voir ce monsieur-là avec des lunettes noires qui parle drôle un peu. Il m'attire un peu comme mes dessins animés. Ouais. Il rit de bon cœur. Et puis, je vais le voir pour lui demander s'il connaissait le Malexor marbré. Alors, il me regarde. T'es qui, ça? Alors là, il y a la femme de Marcel qui est là. Elle dit, c'est le petit garçon Albéric. J'ai dit, je vais vous faire le Malexor marbré. Je te zippe, je te croque, puis j'y fais. Mais je te le twist, là, mon gars, là, ben comme faut. Version de luxe. Écoute, on va l'attacher. J'étais renfermeur. mais j'étais heureux d'y faire le Malexor marbré. Il riait tellement qu'il a enlevé ses lunettes et à deux reprises, refais-moi les, Chris. Refais-moi ça. Il riait de bon cœur, ça n'a pas de sens. Et sais-tu quoi? Plusieurs années plus tard, je rencontre Pierre Carl ici au FM 93 oui. et j'y raconte l'histoire du Malexor marbré. Et tu sais ce que Pierre Carl me dit? Ce qui est extraordinaire dans mon histoire, c'est que son père a sorti un 2$ de ses poches pour me le donner. Pour, ah oui. pour ma performance du Malexor marbré. Chose qu'il ne faisait jamais. Ben, je sais pas, on suppose, tu sais, qu'il était gripsou, c'est ce qu'il se dit. Mais il a quand même enlevé ses lunettes. Il a enlevé ses lunettes et il m'a donné un petit 2$. Et quand mon père, évidemment, m'a entendu. Ouais, il t'a entendu. Il est sorti. Ben là, je me suis ramassé sur le quai, évidemment. Ouais. J'ai vu le bateau passer. T'as pas fait la traversée. J'ai perdu ma ronde avec la Malexor marbré. Ensuite, j'ai dû assimiler qu'il fallait que je me calme les nerfs un peu. C'est un grand pouvoir, hein, faut que tu l'utilises avec parcimonie, oui. Comment est-ce qu'on fait avec le Malexor marbré à la patinoire extérieure de l'île Sainte-Anne, avec le joueur de hockey Mario Tremblay et son père Grand Cœur qui vient donner des hockey et des patins? Et ensuite, Pierre Pelado, président de Québecor, qui voit un drôle de petit bonhomme, habillé en matelot en plus, ah oui. qui fait le Malexor marbré. C'est un mélange d'Elvis en 1957 à Mexico et de Michael Jackson avec le Moonwalk. Oui, OK. Okay. C'est vraiment capoté, mon affaire. Alors, on s'en va où avec ça? Je grandis. Oui. Et bien sûr, je suis à Alma et je suis au lac Saint-Jean. Quelque chose de tout à fait typique avec le lac Saint-Jean et Alma, c'est les belles femmes. Ah oui? Oui. Je pensais que c'était en Italie, là, tantôt, tu me disais. À Francesca? Ouais. Oui, mais c'était une Italienne qui était venue ici au Québec. OK. Mais au lac Saint-Jean, il y avait des records du monde. OK. Oui. Les filles étaient très belles. Les filles, c'est l'oxygène pour un garçon. Oui. Oui, oui. Ça permet de rêver et ça donne une raison d'être. Oui. Ça, c'est enivrant. Il y avait des records du monde. Il y avait des reines. Ouais. Mon frère, d'ailleurs, a marié une des... Il y avait un trio qui était Linda, René et l'autre dont j'oublie le nom. C'était trois jolies filles, les Charlie's Angels. Ah oui. Tu sais pourquoi ce show-là a marché? Avec Farrah Fawcett et Jacqueline Smith. Oui, ben c'était des records du monde. Des records du monde. C'est des records du monde. Moi, Alma, il y avait Mona Girard. Je la voyais traverser la rue Sacré-Cœur avec ses babouches et sa camisole rose. Et je tombais, je défibrillais. J'ai eu des problèmes cardiaques. Oui. Ça startait là. Absolument, les ventricules travaillaient. Est-ce qu'elle barrait ou a débarré les portes? Les deux. J'ai dit ça à ta blonde l'autre fois, hein, c'est vrai. Qu'elle était belle, ça n'avait pas de bon sens. J'en parlais à tout le monde. Il allumait pas comme moi. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Or, comment faire pour pouvoir y accéder, avoir une proximité avec elle? Mm-hmm. Le Malexandre Marbré commençait à tirer de la patte un peu. Il avait fait son temps. Ben oui, tu sais, il fallait que je sorte d'autres choses. Oui. Or, je suis un peu plus vieux, j'arrive à l'école secondaire, je vais à l'Agora, qui est le centre social, et arrive en 76, 77, 78, Rocky. Ah oui, oui. Il y a encore une dernière chose que je voudrais dire. Moi, ce que je veux dire, Adrien, quand je te vois, j'aime bien quand même. Quelquefois, Pauly, il semble pas vraiment correct avec toi. Moi, ce que je veux dire, Adrien, c'est quand même ton frère. Mais oui, je trouve ça sympa quand même, mais il pourrait se retenir un peu, Pauly. Hé, Rocky, c'est ma sœur, c'est une tocarde. Tu feras rien avec elle. Alors là, évidemment, je me mets à faire Rocky. Oui. Mais je fais Rocky partout. Mm. Alors, et là, comment on va faire? Je suis à la messe, je fais Rocky. C'est Rocky, Rocky marche. Puis qu'est-ce qui a marqué l'imaginaire québécois aussi? Marqué l'imaginaire québécois, celui... Alors, on me demande de faire Rocky. Ton nouveau hit. C'est mon nouveau hit. Alors là, les filles trouvent ça super drôle. Manon Gagnon, c'est celle qui était toutes les championnes du monde, là, qui trouvait ça très drôle. Donc... J'avais accessibilité. J'avais une nouvelle clé. J'avais une nouvelle clé. Mona était trop vieille pour... elle avait une dizaine d'années de plus vieille que moi, Mona. Je pouvais pas accessible, Mona. Ouais. Ah. Ouais. Mais elle n'était pas partie, de toute façon, je pense, avec les gens qu'elle fréquentait pour un prix Nobel ou s'occuper du système électromagnétique de la navette, tu sais, pour aller... Mais qu'importe, elle avait le droit quand même, mais... c'est ça qui est... Et là, à un moment donné, je me retrouve à la salle de billard aussi, où je suis appelé à m'exécuter. Oui. Et Plastique Bertrand fait un espèce de hit à l'époque qui s'appelle Stop ou encore. Oui. Et là, je fais Plastique. Je suis plus capable de le faire comme dans le temps, mais dans le temps, je l'avais vraiment pareil, tu sais. Et chez toi, tout enlacé, bien écrasé d'une longue journée. Je compose un texte parce que quelqu'un est en un bar qui s'appelle la discothèque Le Contact. Alors, il dit, je te vois faire tes imitations, puis tout ça. Voudrais-tu faire un spot à radio? Hein? Un spot à radio? Es-tu sérieux? Il dit, ben oui. Il dit, essaye de me faire de quoi en 30 secondes, puis tu vas voir. Et on va arranger quelque chose. Alors, ben, et mon gars, je n'en croyais pas mes yeux. Oui. Là, j'arrive, et j'avais une petite machine track 4 pistes chez moi. Je réussis à coller 3 fois l'intro de Stop ou encore pour y mettre un texte par-dessus. Tu es chez toi tout enlacé, bien écrasé, une longue journée. Tu viens nous voir, on te recevra comme un grand roi, tu t'amuseras. Stop ou encore. Mais là, je disais stop ou contact. OK, ouais. Et c'est comme ça que je suis rentré à radio. Ta première. Ah oui, c'est ça. Ça a été mon premier spot. La première porte qui s'est ouverte pour toi. Qui m'a payé, qui m'a donné 75$. C'est comme ça que Yves est arrivé à la radio. Le Malexandre Marbré. C'est transformé. L'Agora, Rocky, les imitations et Plastique Bertrand. Et la radio. Et la radio. Et là, après ça, c'est venu les reportages. Oh. Là, il y a un monsieur qui m'a pris sous son aile, qui est André Lécuyer, qui est un homme d'affaires, au château de la Bidalma. Je me suis mis à faire des reportages à la boutique Le Cirque. Ouais.

vous est présenté par les suppléments XPN, Clinique dentaire Centre-Ville, Urofin Environex et Clinique médicale La Croix. C'est vrai également qu'à ça vient s'ajouter le soir, jeune, parce que je te parlais des balbutiements de Yves à la radio, j'avais un micro de bois. Un micro de bois? Oui, j'avais un micro de bois. C'était simplement pour faire office de micro. OK, un faux micro, un micro imaginaire. Donc, il y avait probablement un focus directionnel envers ça, sans le vouloir. Oui, dans ton subconscient, ça voulait aller. Oui, c'est ça, qui venait du Malexor marbré. Faudrait que j'explique aussi le pourquoi du marbré. Hein? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a du brun, il y a du noir. Il y a du noir, c'est-à-dire qu'il y a du brun, noir et du blanc. Un jour, je le ferai. OK, parfait. Et avec mon frère, notamment, on avait donc une émission le soir qu'on mimait un peu dans le vide, tu comprends? Ouais. Votre émission du samedi soir. Du samedi soir, ça s'appelait La Poste des cochons. La Poste des cochons. Ouais. Alors voilà. Ça vient de vieilles affaires. Oui. Je n'ai jamais eu d'angle distinct pour me diriger à faire la... Et quand je suis arrivé pour véritablement en faire, c'est-à-dire des reportages et des émissions de radio comme telles, ou présenter des tunes, j'étais pas vraiment ferré à ça. C'était pas les choses qui m'attiraient. J'étais plutôt un diseur. Oui, t'es un conteur. Diseur, raconteur, mise en scène. Malaxeur. exact, tu comprends? Ça finissait par des heures. Quand est venu le temps de faire le job comme tel, je n'y avais pas beaucoup d'intérêt. Les choses qui étaient plastiques, qui étaient systématiques, tu sais. Alors, c'est sûr que le rôle que je pouvais jouer dans une station de radio, je pense, à cette époque, je pouvais quand même le faire un reportage commercial, j'ai aucun problème. Même que je peux dire, entre guillemets, c'est moi qui me le dis moi-même, avec la modestie qu'il faut, là, j'ai aucun problème. On me réengageait régulièrement pour faire des reportages, donc probablement que je faisais le travail. Oui. Ni mieux, mais pas moins bien que les autres, tu comprends? Mais la passion primaire était... C'est ça. Les spots publicitaires, les spots et tout, j'ai pas le grain ou la facilité. Enfin, ça fait... Tu sais, quelqu'un aurait... J'en ai fait un là, pour des harnais... Mm-hmm. Puis, bon, beaucoup de commentaires disant que c'était bon et tout. C'est sûr que quand les gens te rencontrent, ils viennent pas te parler pour dire que t'es mauvais, tu comprends? Ouais. Bon, mais il faut que tu saches peser. C'est quoi l'histoire? Il y a plein de chiens qui jappent. Faut que tu devines lequel est important puis celui qu'il faut pas que tu te fies. Dans le cas. Mais je veux dire, mais c'est pas ma tasse de thé première. Tu sais, il y a des gens qui sont vraiment équipés pour ça. Quand j'étais jeune... ou plus jeune, où il y avait Guy Aubry, il y avait des as de ça, de la pub, avec des grosses voix. Les gars se sont mis à faire beaucoup de production aussi, tu sais. Peut-être qu'eux autres aussi étaient insécures. Oui, moi, c'était pas tant de l'insécurité comme un inconfort. Un inconfort. Okay? Alors, c'est pour ça que choix est devenu, au début, 97-98, une plaque qui était quasiment essentielle à moi, tu sais. Parce que pas beaucoup d'autres auraient pu me recevoir. Oui. Dans ces noms. On se présente dans un show de radio en ayant une spécialité ou en étant indiqué dans un angle précis, qui est celle de commenter l'actualité, de faire du sport, ou encore d'être au sport, d'être à la météo, d'être... tu comprends? Oui. Faire les vox pop ou des choses du genre. Moi, j'ai toujours eu l'accent un peu déglingué. Oui. Alors... Mais bref. Il te fallait un terrain propice pour pouvoir exploiter ce talent-là. Ouais, si on veut, oui, peut-être. Et il n'y a pas eu l'occasion pour en faire un show comme tel, véritablement, construit et basé autour de ça. Ouais. Ça se ferait, mais ça prend une décision, je te dirais, à quelque part, tactique. Ouais. Tu sais, où on travaille véritablement dans cet angle-là. Faut que tu sois très, très, très, très chanceux, que les planètes s'alignent et qu'on travaille dans l'angle que toi, tu présentes. Tu sais? Mais c'est pas évident. Quand t'as une radio et qu'elle se doit d'être profitable, t'as des salaires à payer, il faut que t'entres dans une espèce de bloc qui soit général. Donc, ça te prend de l'actualité, ça te prend des sports, ça te prend... T'sais, tu peux pas construire uniquement sur de l'humour. On est moins dans la création, on est plus dans le mercantile. Non, exactement. Et c'est une question économique et c'est une question de logique aussi. Oui. Je me l'explique un peu comme ça. J'ai été très chanceux en bout de ligne, de pouvoir sortir avec autant d'attention. Tu sais. Oui. Alors, voilà. L'oncologie pédiatrique, j'ai dit tantôt d'où était la source et le pourquoi de tout ça. Il est difficile de parler au docteur Michon parce qu'il n'a pas beaucoup de temps, parce que c'est un homme de vocation. Ils sont maintenant installés dans de nouveaux bureaux pour mieux travailler avec un peu plus d'espace. C'est épouvantable dans les conditions dans lesquelles cet homme-là s'est retrouvé à travailler. Il est le sauveteur de je ne sais trop combien de familles à Québec. C'est un homme également aussi d'une très, très, très grande humilité. D'ailleurs, il se fait appeler Bruno. Jamais j'entends docteur Michon. Oui. C'est toujours Bruno et il le dit, il le précise. Mon nom, c'est Bruno. Grande humilité, grand travaillant, homme de vocation. Et que l'argent du Grand Tour de Roue soit dirigé vers lui est un plus-value, je pense, aux œuvres caritatives, tant qu'elles seront conduites par des hommes comme ça. Voilà. Bruno Michon. Il n'est pas évident de pouvoir entrer en communication avec lui, puis il y a une bonne raison. C'est le docteur Bruno Michon, oncologue, parce qu'il est très occupé, parce que c'est une vocation, parce qu'il a beaucoup de travail et parce qu'à l'instant même où on lui parle, il est d'ailleurs en clinique. Bruno Michon, oncologue pour l'oncologie pédiatrique du CHU. Bonjour. Salut Yves. Bruno, toujours heureux de te parler, de voir qu'on peut bénéficier d'un peu de temps pour communiquer avec toi, parce que la pièce maîtresse du Grand Tour de Roue, c'est bien sûr l'équipe de recherche de l'onco du CHUL. Dans les questions qui me sont posées et qui reviennent régulièrement, enfin, il y en a deux, et la première, c'est, Yves, quand tu nous parles de recherche et d'équipe de recherche, quand on te donne de l'argent, quand on fournit de l'argent, à quoi elle sert? Qu'est-ce que c'est que la recherche en tant que telle? Aurais-tu quelque chose pour nous vulgariser afin que on puisse bien partager la compréhension de tout ça, Bruno? Oui, en fait, c'est de la recherche clinique. Donc, c'est pas de la recherche en laboratoire avec des éprouvettes. La recherche clinique, c'est vraiment la recherche qui est directement le traitement du patient. En oncologie pédiatrique, c'est les cancers d'enfants. Donc, moi, je fais ça à longueur de journée, mais ça demeure des choses rares, le cancer chez l'enfant. Donc, on est regroupé dans des regroupements d'oncologie pédiatrique à travers le monde. Et les protocoles avancent d'année en année et c'est ce qu'on appelle des protocoles de traitement. Et ces regroupements-là, chaque, mettons, 3-5 ans, ils renouvellent les protocoles et ils font des ajouts de nouveaux médicaments, de nouveaux tests pour mieux analyser le cancer, de nouvelles molécules. Mais souvent, c'est des ajouts de médicaments qui sont pas encore, disons, arrivés, approuvés par Santé Canada, mais qu'il y a des études qui, pour nous, oncologues, nous disent qu'il faut absolument donner ça à ces enfants-là, peut-être ajouter ça au traitement standard. Donc, la recherche clinique, c'est d'avoir accès à ces traitements-là qui sont clairement les meilleurs traitements pour traiter mon enfant, mon patient, mais de façon standard avec ce qui est approuvé par Santé Canada, ce qui est payé par le système de santé, qui est bien correct. Le traitement standard, il est bien correct, mais le traitement que j'ai accès via le protocole de recherche clinique, est beaucoup mieux. Et c'est ça qui a fait avancer les survies d'enfants atteints de cancer dans les 30 dernières années. C'est le fait qu'en oncologie pédiatrique, c'est comme ça qu'on fonctionne. Avec la recherche clinique, tous les enfants qu'on peut, on les met sous protocole et ça leur donne accès à un traitement à la fine, fine pointe. Vu qu'ils sont sous études, ça me donne accès à des traitements que j'aurais pas accès si je les mettais pas dans des protocoles de recherche clinique. Mais pour avoir accès à ces protocoles-là, c'est très, très, très compliqué au niveau éthique, au niveau administratif, Santé Canada. Il y a des médications, des regroupements américains là-dedans. Ben là, faire venir ça au Canada. Donc, ce que ça paye, finalement, les dons comme ton Grand Tour de Roue, c'est d'avoir une équipe d'infirmières de recherche qui me permettent de tout avoir cette rigueur de recherche-là, d'éthique, pour avoir accès à ces protocoles-là, les passer au comité d'éthique, les faire approuver par Santé Canada, par tous les organismes et participer à ces consortiums-là, puis donner accès, même si on est ici au Québec, puis on est même le même traitement qu'on peut offrir ici, c'est le même traitement qui va être offert partout à travers dans les meilleurs centres américains grâce au fait qu'on participe à ces protocoles-là. Mais c'est très, très compliqué compte tenu c'est des consortiums internationaux et c'est souvent des molécules, des médicaments qui sont pas encore commercialisés ou pas encore homologués au Canada, puis ça peut prendre des longs délais. Et moi, j'ai des exemples dans les traitements que je donne que si j'attendrais cette approbation-là, je serais en retard de 5 à 10 ans. Donc, les mettre sous protocole de recherche, ça me permet de les traiter tout de suite selon le meilleur traitement, alors que ce traitement-là du protocole, il va devenir standard seulement, genre, dans 5 à 10 ans. Donc, le traitement standard, il est un peu passé date. Donc, c'est vraiment essentiel. Moi, je ne serais pas d'oncologie pédiatrique si je ne pouvais pas traiter les enfants avec ces protocoles-là. Ça ne serait pas correct de faire ça. Et c'est essentiel, donc, d'avoir l'équipe de recherche. Mais l'équipe de recherche n'est pas payée par l'hôpital, n'est pas payée par les soins de santé, vu que, entre guillemets, c'est de la recherche. Mais pour nous, oncologues pédiatres, c'est pas de la recherche, c'est du soin que je devrais donner, mais on appelle ça de la recherche. Donc, c'est pour ça que quand on dit, quand tu dis recherche, recherche, les gens pensent qu'on fait de la recherche en laboratoire. C'est pas du tout ça. C'est une équipe de 6-7 infirmières qui sont payées par les fonds, comme tes dons du Grand Tour de Roue, qui nous permettent d'avoir accès à ces traitements-là, puis que je peux les donner d'une façon éthique et légale aux enfants ici même à Québec. Parce que la RAMQ ne paye pas ce genre de traitements-là, qui sont des traitements nouveaux, expérimentaux, appellerons ça comme on voudra. Donc, c'est ça que ça paye l'équipe de recherche. Donc, ça ne paye pas les docteurs, c'est pas de la recherche en laboratoire, c'est le soin direct au patient, c'est le protocole de traitement que l'enfant qui rentre dans mon bureau qui va recevoir. Donc, pour la leucémie, ben, c'est le protocole de Boston qui se renouvelle d'année en année, ce protocole-là. Puis si je veux avoir la nouvelle version, ben il faut que j'aille le nouveau protocole. Puis pour y avoir accès, il faut que j'aille cette équipe-là. Alors, merveilleux, et d'autant plus qu'on avait un bon exemple dans l'entrevue précédemment avec Marie-Joëlle, mère d'un petit enfant de 4 ans, petite fille, avec une leucémie, je pense qu'elle était très grave. C'est toi d'ailleurs qui en a fait l'annonce, avec atteinte du système nerveux central. Et ouais, déjà là, le protocole de Boston était à portée. On l'avait ici à Québec, et quelqu'un de Québec allait en profiter, comme tous les autres également de la province de Québec en même temps, parce que le Children Oncology Group sert à tout le monde. Aussi, donc, ouais. Le côté salvateur de ça est quand même exceptionnel, et la voilà guérie. Autre question, c'est qu'on dit, bon, ben, si on est rendu à 90% de résultats positifs au niveau de la guérison, tu viens de répondre un peu à la question, pourquoi donne-t-on encore, pourquoi fait-on encore de recherches? Parce qu'il y a toujours une évolution à la maladie, j'imagine, et le fait du fameux protocole, c'est d'y ajouter à chaque année cette espèce d'élément qui va faire le maximiser en frais d'efficacité, c'est bien ça? Ben, en fait, le 90% dont tu parles, ça, c'est la leucémie aiguë lymphoblastique, le cancer le plus fréquent chez l'enfant. Mais les cancers, globalement, en pédiatrie, c'est peut-être 80% de chances de guérison. Puis, dans tous ces types de cancers-là, il y en a encore qu'on guérit pas très bien. C'est pas la majorité, mais il y en a des très mauvais. Et ceux-là, c'est d'autant plus important d'avoir accès à des protocoles qui évoluent d'année en année. Parce qu'il y a encore des... Tu sais, oui, la leucémie, ça a vraiment amélioré, puis ça, grâce à la recherche clinique, clairement, là, c'est vraiment ça la raison. Mais il y a plein de tumeurs que ça n'a pas évolué comme ça, puis eux, il y a beaucoup de chemin à faire encore. Certains types de tumeurs cérébrales, certains types de cancers. Et une autre partie de la réponse, c'est, ben, on a causé beaucoup d'effets secondaires aussi. On a guéri de plus en plus, mais on a causé beaucoup d'effets secondaires. Mmh. Fait que maintenant, les protocoles de recherche, ils sont aussi... dans le but de diminuer les effets secondaires. Donc là, il y a de la thérapie de plus en plus ciblée pour avoir moins d'effets secondaires. On diminue les doses de chimio pour ceux qui ont des risques moins grands. Donc, il y a des tests qui ont été développés en recherche pour savoir finalement lequel des leucémies on pourrait traiter moins fort pour que lui ait moins d'effets secondaires, puis si on y arrive. Lequel patient ne pourrait pas avoir de la radiothérapie pour éviter les effets secondaires. Donc, protocole encore utile pour guérir des cancers qu'on guérit pas si bien et pour diminuer les effets secondaires, parce qu'il y a des patients qu'on a guéris mais avec beaucoup d'effets secondaires. Donc ça, on veut diminuer ça. Donc on veut guérir avec une meilleure vie possible dans le futur. Est-ce qu'il y a une façon d'expliquer et également de vulgariser ce qu'est un protocole en tant que tel? Je parle de la chose, ce n'est pas nécessairement palpable, j'imagine que c'est une méthodologie de travail, mais le protocole en tant que tel, il est quoi? Comment il est représenté quand tu dis « j'utilise le protocole de Boston », qu'est-ce qu'un protocole? Ah, ben le protocole, en fait, des fois on réalise pas la terminologie médicale complexe, mais en fait, le protocole, c'est juste une recette. Donc, le protocole de Boston, ben, c'est la recette de traitement, de chimiothérapie pour guérir une leucémie. Donc, le protocole Boston, un mois de chimiothérapie hospitalisée au début. Après ça, il y a une autre phase de traitement. Puis voilà les doses, voilà les traitements qu'on donne. Puis tout ça d'une durée de 2 ans de temps, par exemple, pour la leucémie lymphoblastique. Donc, ça nous dit les médicaments donnés, quelle dose donner, quel test faire à quel moment pour ajuster le traitement. Donc, c'est comme finalement le feuillet explicatif de comment comment guérir tel cancer. Finalement, ça donne c'est individualisé en fonction de quelle leucémie on a devant nous. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle protocole, c'est protocolisé là. Donc c'est vraiment quelque chose de très très bien expliqué. Puis c'est ça qui évolue de protocole à protocole, parce que le frame de la recette est semblable depuis plus de 15 ans, mais le frame se bonifie en ajoutant certains médicaments, en retirant ceux qui sont les plus toxiques, en ajoutant les analyses qui nous permettent de dire, ah ben lui c'est un bon répondeur, on va retirer telle affaire. Mais c'est comme la recette, finalement. Le protocole, c'est la recette de chimio à donner pour guérir. Et c'est ça qu'on obtient de ces consortiums-là. Puis c'est une recette qui se bonifie de version de protocole à version de protocole grâce à tous ces chercheurs-là qui sont... Moi, je suis un des 200 investigateurs principaux, parce qu'il y a 200 centres qui participent à ce regroupement d'oncologie pédiatrique là nord-américain. Il y a 200 centres d'oncologie pédiatrique finalement en Amérique du Nord. Puis on envoie d'autres données là. Le patient qui participe à l'étude, ces données sont envoyées. Donc ça permet de regrouper tout ça, de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Puis là, avec ces résultats-là, ben on pond le nouveau protocole tous ensemble, la nouvelle recette. Puis là, encore une fois, on analyse les résultats, puis on se dit, oh, là, faut... c'est comme ça que ça a évolué. Puis c'est pour ça qu'en oncologie pédiatrique, on a un success story, peut-être mieux qu'en oncologie adulte, parce que nous, on est vraiment, vraiment, on s'en tient à ces protocoles-là, et tout le monde fait partie de ce regroupement-là, puis traite avec ces protocoles-là. Donc, on a les données de tout le monde, puis ça évolue beaucoup plus vite versus si tout le monde traitait un peu différemment à sa façon, ben là, il n'y aurait pas de données, puis les choses n'évolueraient pas. Fait que il y a vraiment une rigueur incroyable, mais la contrepartie difficile, c'est que nous, moi, pour avoir accès à ça, j'ai pas le choix d'avoir une équipe de recherche, parce que c'est toutes des choses hors du système de santé québécois, cette affaire-là. C'est des choses internationaux, américains. Il y a des protocoles pour un type de tumeur plus rare qui s'appelle l'histiostose. Il y a un protocole que je prends de d'Europe. Donc là, c'est toute la dans les Pays-Bas. Puis il y a toute la traduction à faire. Ça, faut tout que je fasse ça. C'est pas payé du tout par l'hôpital, la traduction. Après ça, tout le lien avec ces pays-là qui n'ont pas les mêmes lois, puis ont pas les. Fait que, mais pour moi, si je juge que c'est là le meilleur protocole, le meilleur regroupement pour l'histiostose, ben là, c'est pour ça que je fais affaire avec ce regroupement-là. Donc moi, il faut que je vois toujours où est le meilleur regroupement pour chacun des types de patients que j'ai à traiter. Tu as affaire à combien de cas nouveaux à chaque année ici à l'Oncopète du CHU, Bruno? Bon, ça c'est une chose qui me fascine dans les dernières années. Ça, d'année en année, depuis que je travaille, ça fait juste augmenter. Quand il y a 20 ans au CHU, j'étais pas là, mais il y avait genre une trentaine de cas. L'année passée, il y a eu 90. L'année passée, il y a eu 90 annonces de cancer chez des enfants au CHU. Ça augmente d'année en année. Je sais pas si c'est parce qu'on a plus de références ou si l'incidence augmente. Ça, c'est pas si clair, mais ouais, 90. Sure. Donc, puis ça paraît pas beaucoup par rapport au nombre de cancers chez l'adulte, sauf que c'est des enfants qu'on suit des années, parce que, tu sais, c'est des enfants en croissance. Il y a des cancers qui ça prend 2 ans à traiter. Donc, ce 90-là, ben, ça cumule, parce que, tu sais, le traitement dure plus qu'une année. Puis, donc, c'est vraiment, d'année en année, il y en a de plus en plus. Bruno, je dois parler également de la relève. Tu es là depuis plusieurs années. Tu travailles très fort. Tu comptes pas tes heures de travail aussi. C'est une vocation pour toi. C'est long. de bâtir un oncologue, de produire un oncologue, de former un oncologue, on devrait dire plus précisément, au niveau de la relève, au niveau de l'équipe, au niveau des gens pour te seconder, tu viens de le dire, 90 cas, tu peux pas travailler tout seul dans le département, évidemment tu es accoudé, mais est-ce que il y a des sources fraîches, est-ce que tu vois une relève pour que on puisse poursuivre à bonifier notamment les traitements et aussi à poursuivre ce combat-là contre le cancer, spécifiquement et a priori en ce qui me concerne et ce qui te concerne au niveau des enfants? Oui, ben en fait, oui, les choses ont beaucoup évolué. En fait, on a été longtemps en grosse pénurie de médecins dans la région de Québec ici, puis c'était effectivement stressant pour les familles parce que tout reposait sur un individu. Puis toi, t'as connu aussi avant ça, ça a été longtemps aussi avec mon collègue qui était là avant moi. Mais non, en fait, dans les dernières années, avec justement, quand on a consolidé une grosse équipe de recherche comme ça, qui est primordiale, comme je disais tantôt, ben ça, c'est attirant pour les nouvelles recrues. Puis, il y a eu le pavillon Charles Bruno qui a aussi créé un bel environnement de travail, des belles chambres pour les patients. Mais bref, on est rendu 5, là. Je t'avais peut-être pas dit tout ça, mais donc, tous ces gens-là aussi contribuent à la recherche. Il y a donc une collègue qui fait de la neuro-oncologie, puis trois autres collègues que moi qui font un peu la même pratique que moi. Donc, mais quand même, même là, on n'est pas suffisamment parce que ici à Québec, on a peut-être on a peut-être la moitié, même, ben, en fait, si on donne un comparatif, souvent les gens pensent que les cancers chez les enfants, c'est juste traité à Sainte-Justine, mais à Sainte-Justine, il y a à peu près 120 nouveaux cas par année de cancer, et ils sont 17 hématologues, 17 hémato-oncologues. Donc, j'ai été longtemps très déficitaire en termes de médecins dans l'équipe ici, mais là, on commence vraiment à avoir une belle stabilité, puis on va avoir d'autres recrutements dans les prochaines années, parce que je pense que quand on a une équipe stable, là, ça fait juste après ça être attirant, puis là, la recherche qui va se développer encore davantage. Et au-delà de la recherche clinique, ben là, il y a des gens qui vont faire aussi la recherche fondamentale, qui est pas toi, ta mission par ton grand tour de roue, mais ça, c'est un autre volet quand même qui est important, qui est plus quelque chose de qui va avoir des répercussions beaucoup plus tard parce que là c'est de la recherche vraiment en laboratoire, mais quand même c'est toutes des facettes qu'il faut développer si on veut faire avancer l'oncologie. Donc oui, c'est tout ça, c'est des choses super. Il y a des belles avancées, des belles évolutions dans mon département là, dans les dernières années. Merci Bruno, merci pour le travail que tu fais, pour la passion aussi. Toi, Yves, parce que ça fait, en fait, tu l'as vu toute l'évolution du département. Oui. Tu as été là depuis le début, tu as vraiment sauvé. À chaque année, les gens savent pas toujours, mais il faut aller ramasser cet argent-là parce que pour boucler notre budget, nous, c'est pas payé par le système de santé. Puis pour payer cette équipe-là, pour avoir accès à ces traitements-là qu'on parle depuis tantôt, ben il faut des donateurs comme ton grand tour de roue. Puis merci infiniment de pas nous lâcher. Puis je suis éternellement reconnaissant de ce que tu fais. Ben moi pareillement, Bruno, et surtout faut dire, parlons pluriel. T'es l'acteur principal, bien sûr, parce que t'es le médecin traitant, mais il y a de belles victoires phénoménales, et on est en train d'expliquer et de dire depuis tantôt qu'on se bâtit quelque chose de vraiment gros et fort en hémato-oncologie ici à Québec, avec nos protocoles et tout, c'est merveilleux. Bruno, merci pour ta passion. J'ai appris que t'étais rendu père trois fois, donc t'es occupé à ta job, puis t'es aussi occupé à la maison, puis tu viens de nous donner 15 minutes, on est vraiment chanceux. Ben, ça me fait toujours plaisir pour toi, Yves. Merci infiniment à toi. Salut Bruno, bonne journée à toi, docteur Bruno Michon, oncologue à l'Oncopède du CHU. Merci. Merci. Vous écoutez Le Grand Tour de Roue avec Yves Landry. Eurofins Environex sont des laboratoires environnementaux spécialisés dans l'analyse de votre eau potable, de votre air ambiant et amiante. Vous avez un puits? Eurofins Environex peut analyser votre eau pour s'assurer de sa potabilité. Problème avec votre qualité de l'air? Problème d'odeur et d'humidité? Notre équipe de professionnels vous assistera pour effectuer les vérifications et analyses nécessaires pour trouver les causes de contamination de votre air. Eurofins Environex, votre partenaire de confiance dans l'excellence. Labenvironex.com. Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec. Eurofin Environex sont des laboratoires environnementaux spécialisés dans l'analyse de votre eau potable, de votre air ambiant et amiante. Vous avez un puits? Eurofin Environex peut analyser votre eau pour s'assurer de sa potabilité. Problème avec votre qualité de l'air? Problème d'odeur et d'humidité? Notre équipe de professionnels vous assistera pour effectuer les vérifications et analyses nécessaires pour trouver les causes de contamination de votre air. Eurofin Environex, votre partenaire de confiance dans l'excellence. Labenvironex.com. Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. Vous avez de la difficulté à obtenir un rendez-vous avec un médecin de famille? Saviez-vous qu'il est possible de consulter rapidement un médecin même le week-end? Les cliniques médicales La Croix offrent plusieurs services de médecine privée dans leurs 5 cliniques de la région de Québec. Aucun frais d'ouverture de dossier et promo découverte pour les non-membres, disponible pour seulement 179 $. Consultez cliniquemédicalelacroix.com pour tous les détails et connaître l'adresse de leurs 5 cliniques de la région de Québec. Cliniquemédicalelacroix.com, la référence en médecine privée au Québec. L'Intemporel, édition Le Grand Tour de Roue pour le Centre Mère-Enfant, vous est présenté par les suppléments XPN, Clinique Dentaire Centre-Ville, Eurofin Environex et Clinique Médicale La Croix. Ça, c'est la madame qui fait les matins éphémères, si je ne me trompe pas. Hein? Ah oui? Oui, je reconnais sa voix présentée ici à CKRL. Et puis, j'écoutais cette semaine CKRL, ça m'arrive régulièrement. Ah oui? Je ne sais pas qui fait les spots de la boîte à pain. C'est une très belle voix. Ben oui. Je veux remercier donc les gens ici. On ne passera pas dans la veuse à spin pendant 10 heures de temps les remerciements. Mais Danny, qui est directeur de la station, et également Jessica, direction des programmes, pour accueillir cette émission-là. Ils savaient à quoi s'attendre, évidemment. Avec moi, pas trop de préparation. Bon, on a fait ça à bonne franquette. Il le faut. Je le veux que je sois ici. Parce que les choses trop préparées sont trop carrées et j'ai peur qu'elles manquent de sincérité. Alors, quand on faute de temps en temps et qu'on tombe un peu à gauche et à droite, je tends à croire, en tout cas, en ce qui me concerne, que c'est simplement plus sincère. Plus sincère, plus riche, meilleur, plus durable et plus d'effet aussi. Alors, merci à Danny, merci à Jessica et aussi à CKRL, où je grandis ici une nouvelle perception, rencontrer du nouveau monde. Tu sais, quand on est sécurisé sur le plan relationnel, on devient un peu stationnaire. Et parfois, il nous arrive de pas sortir de son confort et de rester au même endroit, mais j'ai l'impression, personnellement, je ne parlerai pas pour les autres, de ne pas avancer. Rencontrer d'autres personnes, avoir de nouveaux contacts, serrer les mains différentes, discuter et échanger, nous fait aussi avancer. CKRL est un rassemblement de gens très typés, qui sont reconnaissables, où on remarque une chose, c'est la qualité des individus quant à leur sincérité. Les communications ici, elles sont pas... Le thème principal n'est pas la rapidité et le bruit, mais la présence et la sincérité. Alors, je remarque ici les gens, le calme des gens, comment ils travaillent, et aussi de façon avec une implication qui est très posée puis qui est vraie en même temps. C'est une belle gang, CKRL. C'est une belle radio. C'est un OSBL au bout de ça. Ça n'a pas une tendance et une saveur qui est de compétition et économique à la fois, mais il y a inévitablement un grain et un désir de qualité. Tu sais? Et je le sens vraiment. Alors, quand j'ai amené cette idée-là de faire un 4 heures, il fallait bien sûr respecter ce pourquoi la station est très ancrée, c'est-à-dire les règles actuelles en rapport avec la pandémie. et qu'on minimise évidemment les manutentions à l'intérieur des studios. Même, comment on appelle ça, nos bonnettes pour les micros sont attitrées. J'en ai un, j'ai le mien. Et puis bon, ben, je me trouvais à brasser la cage un peu à venir ici. On est deux en studio, on a nos masques, on désinfecte, on respecte. Mais ils ont quand même accueilli ça et c'est bien fait. T'as vu, j'ai des trames sonores. J'ai appelé Yves, qui est le producteur aussi. Il m'a donné une date. On s'est rencontrés à l'heure. Il a fait les enregistrements des entrevues que j'ai là à l'avance. Vraiment, merci. C'est un beau travail qui est fait. Aujourd'hui, je suis ici et tout ça est rendu possible grâce à la contribution d'un paquet de gens. T'sais? Entre autres, les amis, j'en parle depuis tantôt, Marc Hamilton est un vieux copain. On l'a au bout du fil. Salut, Marc. Oui. Marc, t'es avec le Grand Tour de Roue depuis qu'on s'est rencontrés. Ça fait plusieurs années aussi. On a des atomes crochus avec l'automobile. T'es un grand historien d'automobile. Je voyais l'autre fois Jay Leno qui est en train de nous présenter son garage et ses autos. Je suis convaincu que tu pourrais en faire autant, tant en tout cas en ce qui a trait à l'histoire des véhicules que t'achètes, mon Marc. Ben absolument. Comme je te dis, moi, ça fait quand même une dizaine, bon, je dirais depuis 2009 que je m'intéresse beaucoup à les automobiles, puis à leur histoire, puis que tu sais, derrière l'automobile, il y a une histoire, que ce soit pour l'individu qui l'a eu, que ce soit pour l'historique derrière, si on veut, le pedigree du véhicule. Moi, il faut que le véhicule vienne me chercher. Marc, tu es aussi microbiologiste, tu es un homme d'affaires, un travaillant, un battant. Je suis privilégié parce que je peux entrer en communication avec toi et puis tu me donnes toujours une réponse et un appui, Marc, incommensurable pour le Grand Tour de Roue. Ton égard envers la cause et envers les enfants, elle est aussi sincère. Tes pères, toi aussi. Ta blonde a des enfants. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais. Puis en cette période de pandémie, tu as été très, très, très couru. On t'a vu à TVA et un peu partout à la télévision pour nous parler, évidemment, du fameux COVID-19. Tu as été un des premiers, d'ailleurs, à le vulgariser. Je voudrais pas en faire une émission spéciale parce qu'on est dans notre Grand Tour de Roue, mais tu as sûrement quelques points d'intérêt à nous parler. On en est où avec la pandémie? Je veux pas t'ennuyer avec ça, tu le fais souvent, mais est-ce que toi, il y a, selon toi, une lueur au bout du tunnel qui s'avérerait être autre chose qu'un train? Tout ça commence à être long, pénible, difficile pour les entreprises. Tu es d'ailleurs directeur de plusieurs entreprises. Parle-moi un peu de notre situation actuelle avec ce qu'on est en train de vivre, qui est une situation, il faut l'appeler telle quelle, appeler un chat et un chien, mondiale. Ben écoute, c'est évident que oui, il y a une lumière au bout du tunnel, puis cette lumière-là vient principalement de toutes les percées au niveau de la vaccination. Comme tu le sais, il y a deux vaccins qui sont présentement approuvés par Santé Canada. Il y a le Pfizer, le Moderna, des vaccins à ARN messager, une nouvelle technologie. Mais un des problèmes que nous avons, qui est criant, c'est l'approvisionnement. Donc, l'approvisionnement, si je vous donne un peu le plan de vaccination du gouvernement du Québec, le gouvernement du Québec a, et on espère, être en mesure d'avoir plus de 1 million, je dirais, entre 1 et 1,2 million de doses du vaccin, que ce soit un ou l'autre que j'ai nommé, d'ici le 31 mars. Et ce plan de vaccination-là, avec ces 1,2 millions de doses-là, va nous permettre de vacciner 75 % des personnes les plus à risque. Donc, on parle des gens en CHSLD, c'est déjà terminé. Les 40 000 personnes dans les CHSLD, c'est terminé. Le personnel soignant qui prend soin des gens en CHSLD, le 75 % est très, très proche. Après ça, on va aller dans les gens de 80 ans et plus, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les aidants naturels, les gens aussi qui sont dans les communautés éloignées, là, entre autres au niveau des autochtones. Donc, toute cette classe d'individus-là, d'ici le fin mars, le plan, c'est de vacciner 75 % de ces personnes-là. Donc, le problème qu'on a, ça nous demande d'avoir au moins 100 000 doses de vaccins par semaine, et ça, ça a commencé la semaine dernière, pour pouvoir être en mesure d'avoir ces 1,2 ou 1 million de doses-là. Mais le problème qu'on a, Yves, c'est qu'on accumule du retard avec la vaccination, pas à cause qu'on n'est pas capable de vacciner, à cause des stocks, on les a pas. Et l'inquiétude qu'on a, c'est d'être obligé de reporter ce plan-là de quelques semaines, voire plus, et c'est ce qui donne un stress supplémentaire, sachant que, comme tu le sais, il y a un nouveau variant qu'on redoute, qu'on veut surtout pas qu'il vienne au Québec, le fameux variant qui vient de la Grande-Bretagne, qui est soi-disant 40 à 70 % plus infectieux que la souche de COVID qu'on utilise présentement. Et c'est notre peur, parce que s'il faut qu'il y ait une souche qui vienne amplifier le pourcentage de contagion, bien, on n'est pas sorti de nos peines. Donc, c'est pour ça que plus vite on va être vacciné, plus vite on va faire mieux, face mieux à ce nouveau variant, parce que le vaccin crée une protection, je ne dis pas optimale, mais crée une protection qui est suffisante pour ne pas être affecté par le nouveau variant. Et je dirais, au moment où on se parle, c'est pour ça aussi que le gouvernement, comme tu le sais, a mis des nouvelles normes sanitaires au niveau des voyageurs, au niveau des aéroports. Donc, on le voit que la panique est en guillemets pognée. Là, les gens qui reviennent au pays devront rester au moins 3 jours en isolement avec un test négatif pour pouvoir continuer leur quarantaine à la maison. Et on n'a pas le choix, Yves, si on veut éviter, je dirais, le pire. On peut faire un tour de la Terre en 48 heures aujourd'hui avec les avions et tout. Il faut éviter de mixer les variants pour arriver avec un vaccin, pas un vaccin, mais un virus qui est supérieur à lui qu'on a. Et comme tu le sais, on n'a pas été suffisamment vaccinés. C'est pas gagné. Il faut continuer à faire ce qu'on est en train de faire. C'est la seule solution, de toute façon. Je pense qu'il n'y en a pas 1000. On ne peut pas tergiverser dans les façons et les décisions qui sont prises. Je pense que l'effort, quand même, et la sensibilisation, en gros, quand on regarde sous le plan global, elle est quand même très présente. T'es directeur d'entreprise, toi aussi assujetti à des réductions. Tu me parlais notamment de tout le travail que tu as à faire, entre autres avec les restaurants qui présentement sont fermés. C'est des choses qui entrent moins. Tu es obligé d'opérer dans des coupures. C'est sûr que tout ça va sûrement laisser des traces, mais on n'a pas le choix. Ben, écoutez, comme notre premier ministre a dit, il faut combattre le virus avant de combattre toute forme d'autres problématiques. L'autre jour, j'étais en entrevue. Et il disait, oui, mais le fait que les gyms sont fermés, le fait que les gens se voient plus, la détresse psychologique est là, les gens. Mais ce que le premier ministre, lui, se rend compte, il dit, bon, les gens qui sont en détresse psychologique, c'est pas eux qui vont augmenter le niveau d'hospitalisation et engorger les soins intensifs et engorger les urgences. Donc, il disait que le virus est plus important à combattre que toute autre forme de maladie, ouais. Parce que c'est le virus qui présentement monopolise toutes nos ressources hospitalières, du moins dans les régions les plus chaudes. On sait qu'heureusement, c'est pas toutes les régions du Québec là, qui sont aux prises avec les éclosions qui en finissent plus. C'est vraiment concentré dans la région de Montréal. On sait que Québec fait faut féliciter nos gens de Québec autant qu'ils étaient dans les pires il y a quelques mois, surtout au début de la deuxième vague qui avait débuté en octobre dernier, autant que maintenant, je dirais statistiquement parlant, on est rendu dans des statistiques qui avoisinent les zones oranges, comme on l'était là l'année dernière. Donc, mais il reste que si on continue, puis je pense que le couvre-feu a fait vraiment une différence dans la propagation du virus au niveau communautaire. Je pense que c'est très bien respecté. Puis pour appuyer ça, l'autre jour, ben comme tu sais, on avait passé une soirée ensemble. Puis j'ai quitté plus tard pour me retourner à la maison et quasiment pas de véhicule hein, dans les chemins. Et je me disais que avant qu'on ait le couvre-feu, où allaient ces véhicules-là? Autrement dit, il y a 50 fois moins de véhicules dans le chemin passé 8 heures. Donc je me disais, avant le couvre-feu, ces véhicules-là allaient où? Est-ce que c'était pas nécessairement toujours des véhicules qui étaient en tour d'auto, comme on dit, en tour de char? Donc, on voit que ça a contribué beaucoup à la diminution de la transmission communautaire. Tant mieux, on est dans un sujet sérieux. J'allège le tout avec des microbiologistes. Je ne sais pas si tu as travaillé là-dessus, mais tu connais l'effet du convecteur temporel et tu es propriétaire d'un DeLorean. Si on pouvait l'utiliser et fouter notre camp dans le futur, on pourrait peut-être faire quelque chose pour raccourcir tout ça puis trouver une résultante positive, Marc. Ben moi, ce que je ferais... Je retournerai dans le passé, puis j'irai voir le cas numéro 1 pour essayer de comprendre, pour l'isoler tout de suite, pour éviter qu'il y ait eu l'éclosion. Je pense que je referais comme le Doc Brown, de dire « Oups, on a fait une gaffe, on va retourner dans le passé, pour mieux influencer le futur. Parce que le futur, ben, on, au moment où on se parle, on va toujours être pris en train d'avoir peur à des éclosions de nouveaux types de virus. Donc, je pense que j'irai un petit peu plus en arrière. Marc, ce que je remarque de toi et ce que je connais de toi depuis que on se connaît bien, c'est ton sens de la compétition et ton côté créateur. C'est un gars qui a réussi, qui réussit des belles affaires, et t'es toujours en train de penser à quelque chose et de bâtir de quoi. Et là, dernièrement, tu me parlais de ton Star Science, qui est une branche à toi présentement. T'as un produit qui va te pair, entre autres, avec la pandémie, qu'on doit utiliser et qu'on n'utilisait pas autant avant, mais il n'y a jamais été autant de circonstances. T'as un petit produit spécial qui est vraiment trippant. Ben effectivement, Yves, t'as entièrement raison. C'est un nouveau gel antiseptique pour les mains. On sait que tout le monde connaît ça aujourd'hui, là, pour se laver les mains plusieurs fois par jour. On en a dans toutes les entrées de magasins, dans l'épicerie, donc ce petit gel-là. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a différents grades de gel. Hein. On sait qu'on a eu toutes sortes de gels qui sent de la tequila, qui sent des odeurs bizarres, des odeurs qui persistent sur les mains, des problèmes de gel aussi qui rend les mains gercées, les mains sèches. Et moi, ben, je me suis dit, écoutez, non, pourquoi pas en créer un qui a que des positifs. Donc, quand on dit positif, c'est qu'il n'y a soit aucune fragrance, qu'il y a des gens qui aiment quand ça sent rien, et ou une odeur naturelle de citron très léger, et en rajoutant des ingrédients qui ne dessèchent pas la peau. Je pense à des ingrédients tels l'huile d'argan, de l'aloès et du tocophénol, qui est un dérivé de la vitamine E. Et aussi, comme ingrédient épaississant, j'ai changé le gros produit chimique, le carbopol, par une formule douce qui est issue des crèmes à main qu'on appelle de l'hydroxyméthylcellulose. Donc, c'est un gel à main, mais qui a des propriétés de crème adoucissante pour les mains, tout en désinfectant. Donc, c'est un produit qui est nouveau. Il n'y a pas aucun produit qui compétitionne les qualités du produit et son efficacité. Et c'est ce qu'on a créé, l'Abondance Star Science, depuis, je dirais, plus d'un mois et demi maintenant. On fait beaucoup de bouche à oreille. On dit, j'ai peu de temps à distribuer. Mais pour les gens qui nous écoutent, peuvent toujours aller voir sur notre site web labstarscience.com et voir un peu bon, les différents produits aussi qui vont venir dans les semaines à venir. On ne fait pas que des gels, mais il y aura d'autres types de produits pour la maison, des 4 dans 1, des savons aussi de très haute qualité, vegan. Donc, mais à court terme, je pense que le gel antiseptique pour les mains, c'est vraiment un gel exceptionnel de très haute qualité, un produit qui ne se compare pas à ce qu'on voit dans le marché présentement. Marc, tu es tout le temps en train d'inventer quelque chose et de travailler. Je te permettais de faire ça à raison pour tout ce que tu fais aussi pour le Grand Tour de Roue depuis le début. Extrêmement généreux. Grâce à toi, très régulièrement, je n'ai jamais à aller fouiller dans l'argent des dons pour pouvoir continuer, perdurer, que ce soit pour des panonceaux, que ce soit pour des roll-up, que ce soit pour tout ce genre de... Tu as participé depuis le début, tu nous supportes de façon extraordinaire. Merci Marc, merci de t'être prêté à nos micros quelques instants. Salutations à toi, Star Science et compagnie, et au plaisir de se revoir et de se recroiser. Puis surtout, merci encore une fois cette année pour le Grand Tour de Roue. Ben écoute... Je relance un compliment, Yves. C'est grâce à toi hein, que le Grand Tour de Roue existe. Depuis combien d'années déjà, Yves, cette année? 17e année. 17e année. Mais je pense que toutes les félicitations vont à toi. Hein. Tous les sacrifices que tu as faits, c'est grâce à toi. Je pense que le Grand Tour de Roue ainsi que tout le CHU doivent être très, très fiers de toi. Puis bonne continuation. On se relance ça. On se rend des services. Merci, Marc. Merci. Merci infiniment. Le Grand Tour de Roue va bien. Je viens d'avoir un super de bon don. Tu sais, je veux pas tomber dans... je parlais de quantifier tantôt, mais t'as pas le choix. Tu sais, si tu sollicites pas, si tu crées pas aussi un incitatif, eh bien, tu ramasses rien. Alors, l'argent, on en a besoin. Tantôt, le docteur Michon l'a dit, hein, il y a été un temps où ils étaient en train de perdre l'adhésion au Children Oncology Group. Ben oui. Et c'est l'argent que tout le Grand Tour de Roue avait ramassé qui a réussi à sauver ça. Oui. C'est bon, tu sais. Famille Saint-Gelais, je viens d'avoir un don extraordinaire. Les Lacs D, tu sais, c'est un beau 100$. Ça, c'est un vieux copain d'Alma, un guitariste, je vais le nommer, c'est André Genet. Toute la famille Genet sont des musiciens extraordinaire. Sylvie, Marlène joue du piano. Je sais pas, Michel, Pierre qui est décédé, ma famille que je connais d'Alma, du bon monde. Tu sais, je te parlais de Jean Racé tantôt, oui. Du bon monde. Alors, il m'écrit ça, les Lacs D, c'est que nous, on avait des vélos. À qui étaient les vélos? Ça restera à déterminer, mais on avait besoin de fourches pour nous chopper nos vélos. Alors, on chopait nos vélos de 3 fourches, en fait, faire des choppers, tu comprends? Okay. 3 fourches de vélos, ça prenait beaucoup de vélos. Et c'était les Lacs D, on avait on était à pédale, évidemment, des Bessig à pédale. Et on voulait notre club, il y avait les Hondix à Alma et les Lacma. Et nous, c'était les Lacs D. Fait qu'il m'écrit ça. Les Lacs D, très bonne cause, là, je sais pas, félicitations. C'est super trippant. Patrick Carpentier. Oui. Les gars, des fois, disent tout. Hey, Yves, arrête avec ton Patrick Carpentier, il court plus. J'ai parlé à Pat, tantôt, quand même un bonhomme exceptionnel, Patrick. J'ai eu l'occasion de l'aider aussi au début de sa carrière. Il va le dire dans l'entrevue. Mais il me parle comme jamais il a parlé avant. C'est vraiment capoté ce qu'il va nous dire tantôt. L'entrevue que j'ai faite avec mon chum Patrick Carpentier, qui m'a toujours aidé également pour le Grand Tour de Roue. Tu sais, je te disais d'entrée de jeu, la qualité relationnelle... Oui. Accueillir les gens, aussi être capable de vivre dans des thématiques de différence aussi, tu sais. Toi, Chucky, t'es différent de moi. Ah, c'est vrai, Chucky est mort. Chucky est mort cette semaine. Toi, Pascal, t'es différent de moi, mais on fait une belle collabo, tu comprends? Oui, absolument. Même que t'es ici à soir, si t'étais pas là, ce serait différent. Oui. C'est bon. Merci, en passant, d'être là. Ça fait grandement plaisir. On va arrêter de licher, là, mais il faut se dire pareil. Tu comprends? Oui. Les compliments ont le droit d'avoir une place, hein? Aussi. Ben oui, des fois, on a de la misère. Faut dire aux filles qu'elles sont belles. Est-ce que tu penses que je l'oublie? Ah, je sais très bien que tu le fais. Tabarouette! Mais c'est devenu glissant, parce que quand tu rentres dans cette trail-là, mm-hmm. là, souvent, tu es identifié. Il y a des usurpateurs, évidemment, de compliments. Oui. Ils scrapent les compliments, puis on vient pour en faire, puis on passe pour des profiteurs. Et voilà. On est toujours profiteurs un peu. Mais Pat Carpentier, entre autres, me donne un casque. Oui. Et j'ai un chum qui est un gars fabuleux. C'est un gars très habile de ses mains. C'est un homme d'affaires en même temps, travaillant, puis en même temps, il est collectionneur. Okay. Tu sais? Et c'est pas un gars qui travaille à moitié. Tu comprends? Quand il fait quelque chose, il le fait bien, puis il le fait de façon totale et très généreux. Il m'a donné des grands coups de main aussi pour le Grand Tour de Roue. On tient debout grâce à des bonhommes comme ça. Et à un moment donné, Pat me refile un casque qui lui a servi dans le temps qu'il était en Indie. Il est allé faire une course au A1 Ring en Europe avec ça, un casque véritable. Je savais pas, ce casque-là vaut 8 000 $. La peinture vaut très, très cher. Il y a un système de communication dedans. Avec en fibre de carbone, il y a un design qui était fait. Il valait très cher. Alors, il décide de le donner pour le Grand Tour de Roue. Mm. Et je pense qu'on est monté aux enchères tout près de 3 000 $ pour ce casque-là. Tu sais. Okay. C'est mon ami Éric Saint-Gelais qui avait acheté ça, qui est un gars qui a fait du sport automobile également, un homme d'affaires. Il m'a amené faire un voyage extraordinaire dans le coin de la rivière Pascagama. Je suis un gars aussi privilégié. Tu sais, le Grand Tour de Roue, là, c'est pas pour me mettre en avant. Je suis déjà payé de tous les gens riches d'êtres et d'individus que j'ai la chance de côtoyer. Oui. Qui sont très souvent, parce qu'ils n'ont pas le temps, tu sais. Éric peut pas partir, là, avec son bicycle à pédale, puis venir faire le tour du lac Saint-Jean, ramasser de l'argent pour le Grand Tour de Roue, tu comprends? Oui. Alors, il fait des choses généreuses comme ça. Mais il a le même cœur que moi. Oui. Sur la cause. Comme Marc Hamilton, à qui on vient de parler, Marc Lacroix, tous ceux que j'oublie, c'est tous ces gens-là dont je vais faire le tour. Carl Bolduc aussi, qui est de Filtre Plus. Tous les gens que j'ai pu rencontrer. Grâce aussi à la source, je dois pas l'oublier, à Jeff Filion. Oui. Qu'à un moment donné, il dit, Yves, t'es dans le corridor, pourquoi tu rentres pas dans le studio? C'est comme ça que ça a commencé à choix. Hmm. Si j'appelle Jeff ce soir pour lui demander une entrevue demain, parce que j'ai besoin de grimper un peu, de souffler ma patente, il est dans une antenne très puissante, ben c'est oui. Toujours oui. Oui. Tu comprends? On a une qualité relationnelle encore qui est là, avec un respect, et nous sommes des gens bien différents. Tu comprends? Mmh. Alors, je suis très chanceux de pouvoir fréquenter et d'être en contact avec ces gens-là. Et qu'en bout de ligne, tu comprends? Traduire tout ça par un don qui, à quelque part, soulagera un petit enfant. T'as vu ce que j'ai mis sur ma page aujourd'hui? C'était une patente. Des fois, je lis des histoires, et puis je te l'ai dit en début d'émission, j'étais tombé sur un livre, il a fallu que j'arrête parce qu'il était vraiment... c'était capoté, là. J'étais en train de faire un doctorat, ce qu'on devrait arrêter, là. Non, mais là, je finis, je me lave plus. Oui. Non, mais il était un soir avec... Je suis tombé d'un livre, j'ai été 3h15 sur le divan, jamais changé de position. Il y a du binge-watching, puis ça, c'est du binge-reading. La seule affaire que je faisais, c'était changer de page, puis ça me coûtait, je voulais pas être dérangé. Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Oh. Hein, c'est beau, pareil. Des belles phrases. Hein? C'est Pythagore. C'est Pythagore? Ouais. Bon. On dira pas que le théorème de Pythagore, quand même. Je suis content qu'on la donne à Pythagore. On les donne toutes à Churchill. Churchill, il les a toutes, lui. C'est drôle, pareil. Oui. Des citations de Churchill. On leur dit. Tu sais, un gars qui est alcoolique, qui a fait des dépressions, le cigare, les crises de cœur. C'est un grand homme politique et tout, là. Mais vers la fin, les gears étaient ça se fait pas mal. Le pressure plate. Ça dépend qu'est-ce qu'on met dans le char. Les bushings, tout. Non, mais il est venu, on va tous devenir maganés. Oui. Mais lui, il a passé, il a fait la guerre, puis tout. Faut dire qu'il est allé dans le gravel, là, son char, il l'a pas laissé dans le garage, tu sais, avec une chaise soleil à le regarder, puis à le chaîner à toutes les deux heures. C'est une belle phrase. On peut la répéter, je crois. Un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. C'est tellement vrai. Puis quand tu vas dans LandryTour.com, il y en a un autre que j'ai là, et une photo que j'ai prise d'ailleurs à la Vallée Jacques-Cartier. C'est moi qui ai pris cette photo-là au centre. Quand vous arrivez dans la page LandryTour.com, celui à qui la souffrance est épargnée doit se sentir appelé à soulager celle des autres. C'est Schweitzer, qui est un gars qui a fondé un hôpital et tout. Son histoire est merveilleuse. Elle est très, très belle aussi. Hein? Quelqu'un qui était. Puis on voit la photo également de la petite Marie-Sophie avec. Oui, il y a des belles photos. C'est ça, Joël, avec qui on a parlé un peu plus tôt, qui est une miraculée du Centre Mère-Enfant d'oncologie pédiatrique du CHU. C'est tout l'Est du Québec, hein. Le docteur Michon le disait tantôt également, les gens de cette île et de tout viennent profiter de ces fameux protocoles de traitement. Faut-tu arrêter? Tu me fais des signes, toi? Ah, non, pas tout. Il nous reste 7 minutes d'aventure. La vie est un combat, il n'y a pas un qui sort vivant. On a l'ami, c'est vrai, puis on a une heure aussi. Ah, on a en masse de temps. J'ai fait l'intro, là, moi, là. Le malaxeur marbré, on peut plus revenir là-dessus. Mario Tremblay, c'est fait. Le père Pelado, c'est fait. J'ai même dit, Pierre-Carl m'a dit, ouais, t'as bien un 2$, 2$ en papier. En papier, dans le texte en papier, oui, avant qu'il fasse en rond. C'est pas jeune, hein? C'est un certain temps. Le temps passe c'est vite. Un certain temps. Ben, donc, quand on est jeune, là. Ce soir, jusqu'à 19h, c'est à ckrl.qc.ca. Le grand tour de roue, absolument spécifique. Tous ceux qui feront des dons ce soir, pendant notre 4 heures, seront éligibles à des participations. Je parlais tantôt de Desharnais. Je suis parlé avec Mélanie, quoi, une quinzaine de minutes. Oui. Elle est aussi mère d'un petit garçon qui l'appelle régulièrement dans la journée. Elle est à même de savoir à quel point la santé est quelque chose d'exceptionnel et de fragile aussi. Elle est très rattachée à son enfant. Ça a été oui tout de suite pour la participation. Tu sais, on va donner 1 000 $ de pneus. Donc, je trouve ça bien. C'est pas un concours, c'est pas... Et, un incitatif. Un incitatif, mais il est là et merci, donc... à Nokian et à Desharnais qui fait ça, qui sont hyper sollicités. Tout comme Tanguay également. Il y a la fondation Tanguay. Oui. Et ils donnent des milliers de dollars. Et quand je suis allé rencontrer Jacques pour avoir son appui, il n'y avait qu'une chose qui était... Monsieur Tanguay, je devrais dire, je suis en train de m'exprimer comme si j'étais un habitué de Jacques. Là. On n'est pas des amis, mais on se connaît très bien. Puis d'où vient cette connaissance? Par le biais de la radio. OK. Tu sais, comme je te disais tantôt, ça a été un pouvoir, une rampe de lancement. Ça t'a débarré beaucoup de portes. On avait des... pour te dire comment c'était hot, à l'époque, le show du matin à lequel je participais, puis il y a raison aussi, tu sais, il y avait des gens là-dedans qui étaient très... qui avaient beaucoup d'effets. Tu sais, Marie Saint-Laurent, universitaire... elle avait fait en géographie ou quelque chose. Marie est une très grande créatrice, tu sais, puis elle avait un style vraiment épicé. Tu sais, il n'y avait pas rien dans ce show-là, c'était capoté. Un beau mélange pour te dire la puissance de ça, c'est que moi, je partais de la rue Saint-Louis, qui doit donner à peu près, je te dirais, 3 kilomètres pour se rendre à ce que Jeff appelait mon bésodôme, c'est-à-dire mon petit loft de la rue Saint-Louis, ici à Québec, passer la rue Saint-Louis. J'avais un appartement qui datait des années 1800, dans lesquels ne comprenait aucun clou. Il n'y avait que des chevilles de bois pour tenir les poutres et les armoires. Alors, c'est en haut d'une boutique qui s'appelait les Trois Colombes. Ouais. Je salue d'ailleurs les filles des Trois Colombes que je connaissais très bien, que j'ai très bien connues. Mais c'est une famille. Oui. Le père, les filles et tout ça, les Trois Colombes. Alors, je demeurais là. À 3 kilomètres, Alors, après le show, je marchais beaucoup. J'ai toujours aimé marcher parce que je pensais à mes histoires et je recréais d'autres affaires. Or, je partais de la station, je faisais mon 3 km sur la Grande Allée. Et tu as tout le temps des plaques de trottoir. Je sais pas comment est-ce que ça a de distance. C'est-tu quoi, 1 mètre? C'est-tu 3 pieds, 4 pieds? Ouais. J'en faisais 2 et quelqu'un passait en voiture en baissant sa vitre et disait « Du pâte au poêle, pas ici! » C'était une ligne que j'avais fait à la radio. OK. Tu te faisais reconnaître. Mais les gens me voyaient et me répétaient une phrase que je venais de faire dans le show. Ben oui. Et ça pouvait arriver. Tu sais, une histoire de pêcheur, la truite est toujours plus grande, c'est toujours exagéré. Je vous dis la vérité. Sur mes 3 kilomètres que je devais faire, je sais pas, ça devait me prendre quoi, 30 minutes, faire ça, 20 minutes, je marche assez vite, ça pouvait m'arriver jusqu'à 3 fois. De te faire interpeller. Oui, le pouce en l'air, salut Yves. C'était très fort. Tout est hit. Partout où j'allais, au restaurant, le patron vous fait dire merci, c'est correct, Yves, c'était partout. Je sais pas pourquoi, c'était pas moi qui étais le lead du show, là. Tu marques l'imaginaire. Je sais pas, mais en tout cas, alors, évidemment, le pourquoi du Grand Tour de Roue, tu sais, qui avait autant d'effets, tu sais. Alors, c'est ce que je dis. C'est comme ça qu'on s'est connus. Je me demandais comment on s'était connus avec Jacques. Oui, avec Jacques. Alors, c'est ça, c'est par le biais. Et moi, je voulais, évidemment, quand j'ai démarré le Grand Tour de Roue, crédibiliser tout ça. T'sais. Et la seule chose qui lui importait, c'est que les chèques soient faits au nom de la Fondation du Sud. Absolument, oui. Et c'est comme ça qu'il m'a conseillé. Ne touche pas à l'argent. Non. Tu comprends? Des dons. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours eu un appui de leur part. Et ils ne sont pas obligés de faire ça, ils ne le font pas. Ils ne demandent même pas que j'en fasse mention. Mm-hmm. Ils ne l'exigent même pas. C'est automatique. Ils veulent un travail propre, évidemment, de la dignité. Ils ne veulent pas de tu comprends? Alors, merveilleux. On s'arrête un petit bout. Et puis, OK, c'est vrai, il y a quelqu'un qui me demande de faire Stéphane Ouellette. Ah, ben allons-y, on a encore un petit 2 minutes, là. Bon. Stéphane Ouellette. C'est vrai que je suis rattaché à ça. T'sais. Il y avait des imitateurs dans mon temps. Jean-Guy Moreau, tu parlais de Jean-Guy Moreau, c'était René Lévesque. Ou le maire Drapeau. Il ne faisait que ceux-là. Oui. Il les avait parfaitement. Il rentrait dans le personnage. Oui. C'est un peu la même chose pour moi. Quand je fais Régis Lévesque, ou encore Stéphane Ouellette, je peux en faire une quinzaine. Mais ceux que j'ai vraiment dans le centre de la bourzaille... C'est-tu bourzaille qu'on dit ou bullseye quand on joue? Bourzaille. Je ne m'en rappelle plus. Moi, je prononce les affaires bien. La bourzaille. C'est un peu. Ouais, je dis n'importe quoi. Il y a un bonbon qui s'appelle la bourzaille, mais la bullseye, je pense que c'est... La Red Bull, non, c'est pas ça. Non plus, non, jamais, je bois pas. Mais, en tout cas, je les ai à côté d'en bas. Et je sens que je les fais aussi. Faut pas oublier qu'à un certain moment, Stéphane Ouellette devient une valeur média de premier plan au Québec. Stéphane Ouellette, le nom de Stéphane Ouellette véhiculé, Et d'importance majeure à la grandeur du Québec. Et très, très fort, les combats de Ouellette-Hilton ont marché. Mm-hmm. Et on a utilisé beaucoup Stéphane. Et il y a quand même quelque chose de profond à l'intérieur de Stéphane Ouellette, c'est-à-dire quelqu'un qui tombe dans ce qu'on peut appeler une déchéance peut-être psychologique, appelons-la ici, et aussi de son corps et tout, il va vieillir très vite. Et il va dépérir en raison de consommation de diverses substances. Et à un moment donné, il y a sur YouTube du titre « Je suis en vie ». Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez voir ça. C'est très prenant parce que le gars devient abstinent, va poursuivre ses formations pour devenir camionneur au centre de formation professionnelle ici. Et puis, il est dans la sobriété, il retrouve la vie... Il revient de loin, il essaie de se racheter et de faire amende honorable. Au bout de tout ça, Stéphane Ouellette est quelqu'un de remarquable. Mais bien sûr, dans la caricature que j'en fais, c'est un casse à l'huile. Oui, à la période. Dire, moi, j'étais content. Moi, je suis arrivé dernièrement. Je me suis sorti de ça. Moi, je suis le championnat du monde. J'avais la ceinture devant moi. Moi, j'étais content. Mais c'est quelque chose qui n'était pas à l'intérieur. Vraiment. Je ne l'avais pas calculé. C'est le rêve que j'ai, mais ce n'était pas le mien. C'était le rêve des autres. J'ai trouvé ça, je me suis retiré, je suis tombé, je trouvais pas ça plaisant, je sais plus comment. Je suis monté dans la game, j'avais une clôture, je suis allé construire Saint-Dave Wilson. Je suis arrivé devant lui pareil, j'ai réussi à le vaincre, j'ai réussi mon but. J'arrivais au bout de tout ça, j'avais comme je n'étais plus capable de me découvrir. Aujourd'hui, je suis bien, je regarde, je me lève le matin, je me dis enfant, je regarde dehors le soleil. le café. Je suis content, j'aime ça. Alors, c'est Stéphane. Stéphane dit qu'il a reçu un coup à la gorge et que ça a brisé des canals à l'arrière. Puis son... Je suis content pareil. Donc, je parle comme ça. J'aimerais ça parler autrement. Je suis pas capable. Alors, voilà, je viens de faire mon bout de Stéphane. Parce qu'on me demandait de faire Stéphane, mais je voulais bien dire d'abord et avant tout, parce que ça y fait de quoi d'être imité comme ça, tu comprends? Oui. Mais il sait qu'il a pris la place publique, tu comprends? Oui, oui. Un autre, moi, je l'avais rencontré, Stéphane Ouellet. Moi, j'étais content pour lui, c'était le poète. Moi, il était venu, moi, il m'a organisé un combat. Mais, ben, le gars, j'étais allé voir les bébés, puis il voulait pas le laisser passer. Mais j'étais en prison. Mais il va l'amener chez nous, on va le coucher chez nous, on va le contrôler. Mais c'est un gars correct, puis un poète. Mais il va le monter avec Elton au forum. On va avoir 6 000 payants. On avait également Régis Lévesque. Hey. C'est drôle un peu parce que je connais Richard Spénard. Richard Spénard, c'est un pilote automobile notoire, un grand pilote, un gars qui est reconnu également pour avoir été le coéquipier de Gilles Villeneuve. Ça, il était malchanceux parce qu'il y avait vraiment un as avec lui. Mm-hmm. Et à l'époque de la Formule Atlantique et tout, et Richard est devenu quelqu'un de très important à l'intérieur du programme de développement Players. Et puis, Richard, c'est quand même quelqu'un qui a une personnalité très, quand même aiguisée, tu comprends? La politesse, et, il n'est pas aussi brut ou défait que ces gens-là. Il me disait, il dit, pourrais-tu m'expliquer? Il dit, comment ça? Régis Lévesque, puis Dave Hilton, c'est des vedettes au Québec. Je peux pas vraiment te le dire. Mais c'était des événements sportifs, tu comprends, d'envergure. Et puis Régis Lévesque et Stéphane Ouellet étaient des personnages marqués. D'ailleurs, Michel Baudry... A joué beaucoup avec Régis Lévesque, tellement que lui aussi, imitateur, devient très tendu, si tu veux, à la couleur de Régis Lévesque. On est deux, trois à le faire, puis on s'amusait. On va aller à une pause publicitaire, Yves. Déjà? Oui, ça passe vite. Il nous reste encore 1h30 ensemble. Le grand tour de roue va bien. Merci aux gens généreux. Est-ce que je dis les chiffres malgré tout? Si on ne l'a pas, de toute façon, c'est... ultérieurement, j'aurai des dons. C'est là, l'intention qui compte. Faire des dons. Oui, mais jusqu'à date, je suis flabbergasté de la participation extraordinaire. On a présentement 18 460 $ et j'ai à peu près un 4 000 $ qui s'en vient la semaine prochaine, là, qui ne pouvait pas être là. Donc, ça va bien. Ça va très bien. On va avoir un très, très, très, très beau Grand Tour de roue, 17e édition. Pause, on revient. Vous écoutez le Grand Tour de roue avec Yves Landry. Pour un sourire étincelant et de belles dents en santé, la clinique dentaire Centre-Ville vous offre des soins très diversifiés dans une ambiance des plus chaleureuses. Venez rencontrer une équipe qui prend le temps de comprendre vos besoins. De l'examen de routine en passant par l'esthétique dentaire, la chirurgie, le traitement de canal, la restauration dentaire avec la technologie CEREC et les traitements au laser, tout est mis en œuvre pour votre confort. Pour l'expérience et le professionnalisme, la clinique dentaire Centre-Ville. Situé dans la gare du Palais, au cœur du Vieux-Québec. CDVC.ca, 418-524-2444. Eurofins Environex sont des laboratoires environnementaux spécialisés dans l'analyse de votre eau potable, de votre air ambiant et amiante. Vous avez un puits? Eurofins Environex peut analyser votre eau pour s'assurer de sa potabilité. Problème avec votre qualité de l'air? Problème d'odeur et d'humidité? Notre équipe de professionnels vous assistera pour effectuer les vérifications et analyses nécessaires pour trouver les causes de contamination de votre air. Eurofins Environex, votre partenaire de confiance dans l'excellence. Labenvironex.com. À découvrir sur la fabrique culturelle. Je m'intéresse beaucoup au système d'interaction qui se crée entre les installations que je mets en espace puis l'architecture des lieux de diffusion. L'artiste en art visuel Annie-Charlène Thibaudeau transforme la pierre pour mieux raconter le territoire. Je pense qu'on cherche tous à créer des espaces ou appartenir à des espaces, puis ça se traduit toujours d'une façon qui est différente d'une personne à l'autre. Mais pour moi, ça s'affranchit beaucoup par la rencontre. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Dans le nouveau numéro du magazine littéraire Nuit Blanche, un voyage voyage d'hiver, le garçon qui raffolait des chasse-neige, une célèbre actrice de la Belle Époque qui quitte la scène pour se faire écrivaine et féministe engagée. Aussi, dire et ne pas dire, la liberté d'expression et ses limites. Offrez-vous ou offrez à vos proches un abonnement à Nuit Blanche, le cadeau qui se renouvelle toute l'année. Pour en savoir plus, rendez-vous à nuitblanche.com. Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. L'Intemporel, édition Le Grand Tour de roue pour le Centre Mère-Enfant, vous est présenté par les suppléments XPN, Clinique Dentaire Centre-Ville, Eurofin Environex et Clinique Médicale La Croix. Bonjour, c'est tout mon papy d'Intemporel. T'es assez extraordinaire pareil. J'écouterais ça en spin pendant une heure de temps. Il y avait 2 ans, même pas. C'est bien. Mon petit Jules, imagine-toi que arrive l'effroyable, l'épouvantable situation où c'est un petit être aussi admirable, aussi privilégié dans son corps comme il est arrivé, avec des bons parents, qu'arrive une situation de cancer. Et qu'un médecin vienne me voir pour dire « On travaille ici avec le Children Oncology Group. Nous avons un protocole qu'on partage avec Boston grâce au travail de nos secrétaires médicales et j'ai à charge d'être réaliste envers vous parce que c'est un cancer, que c'est une maladie qui peut entraîner la mort, mais que les meilleurs espoirs sont présentement sur mon bureau pour le type de cancer que présente votre enfant. Mm-hmm. C'est l'oxygène de l'espoir, tu comprends-tu? Oui. Et alors, ma réflexion apporte là-dessus, tu sais. Quelqu'un me dit que tu faisais aussi Louise Cousineau avec crotte et fromage. Oui, mais je peux pas toutes les passer. T'sais. Mon brother qui me ramène, Mario. J'ai une histoire pour ça. Je pense qu'arrive le championnat mondial de hockey junior ici à Québec. Et Mario Lemieux est dans les. Le Colisée de Québec. Et dans le temps, je faisais aussi Mario. Ah, c'est quelque chose. Comment est-ce que je faisais ça? Là? C'est quelque chose que tu vois avec les joueurs. Je pense que lorsque on compte, tu reviens avec la rondelle. C'est quelque chose qui prend beaucoup de vitesse. En tout cas, il y avait une collection de voitures et je le faisais régulièrement en radio. Puis à un moment donné, j'étais au Colisée, puis il y a quelqu'un qui me dit ça. Il dit « Mario est ici ». Ah, je dis « Es-tu sérieux, toi? » Alors, c'est quelque chose avec la Testarossa. C'est une voiture que je voulais depuis longtemps. Et puis, fait que là, les joueurs de hockey ressemblent beaucoup à ça. Est-ce que tu y as fait? Là. Puis là, non, c'est pas que j'y ai fait, c'est que je suis devant la cabane à patates et que Albert Ladouceur passe dans le coin. Puis c'est lui qui me dit ça. Il dit « Sais-tu que Mario est ici? » Je dis « Oui, je sais. » Il dit « Tu le faisais cette semaine. » Fait que là, je me mets à faire Mario. Ça reste comme ça. Puis un peu plus tard dans la soirée, à un moment donné, je sors à la porte en arrière où vont les joueurs, une section où vont les joueurs. Puis je vois mon Mario. Le mieux, mais il est immense, là. Je pensais pas qu'il était une pièce de... Hey, c'est un cheval, ça! C'est pas pour rien qu'il marquait. D'après moi, il avait pas besoin d'autant de talent. Il est tellement gros. Les mains, ça n'a pas de sens. Des grosses mains. Mais non, il doit chausser des 13, je sais pas, ou des 15. Il est immense, tu sais. Tu tasses quand il avance. Si je me tasse pas, la porte va arracher. Un géant. Ça fait qu'il arrive à côté, puis il dit « OK, ça a l'air que tu me mettes. Tu me mettes pas mal. » Puis là, il fait le genre de gars un peu rock'n'roll fâché, tu sais. Ouais, puis là, il voit que je suis off-balance. Il met la main sur l'épaule, puis il part à rire, tu sais. Super fin, le gars. Complètement absent de prétention en partant. Oui. Et il rit pas aux éclats, mais il me donne une petite tape en riant. puis en comprenant que, tu sais, je suis un gars, là, c'est vraiment pas un colon. Mais, en tout cas, j'ai rencontré Mario Lemieux comme ça, et il dit, tu m'imites probablement qu'il a fait une entrevue avec quelqu'un qui a dit ça, tu sais, puis où il en avait entendu parler. P.J. Stock également m'a déjà appelé pour dire qu'il pensait qu'il était en onde, puis il comprenait pas qu'il était dans son char. Je faisais du P.J. Stock, puis ça rentrait à côté dans la barrure, tu sais. Mais je me suis pas préparé pour ça à soir, tu sais. Puis je pensais qu'avec son sport, puis il avait pas de patin. Ça, c'était un peu Dave Hilton. Il en avait plusieurs. Ouais. Tu sais, là, j'en bargassais plusieurs. Mais Stéphane Ouellet. C'est un bon sac d'imitation. Ouais. Ben, tu sais. Mais je sais plus si ça marche encore. L'humour a beaucoup changé. Faut juste que tu en trouves des nouvelles cibles. Oui, mais je t'en reviens à te dire ce que je te disais tantôt du gars avec qui je jasais, qui me disait qu'il y a moins de gens genrés. Ben, Régis, c'est quand même genré. Oui, mais il est décédé. Non, Régis Labeaume. Ah, Régis Labeaume. Ouais, mais pas beaucoup. Pas tant, Régis. Il est comme, écoutez, là... Puis d'ailleurs, ouais, mais tu regarderas les gens qui l'imitent. Ils l'imitent pas. On le reconnaît pas. Parce qu'il a pas... Je trouve pas qu'il est épicé. Ouais, OK. T'sais, manque d'épices. Son faciès, son, tu sais... Ouais. Je sais pas s'ils vont continuer de l'appeler le Canadien, là-bas. Tu sais, René Lévesque, ou, tu sais... C'est la voix de Dieu qui m'a guidé. Je pensais dernièrement, le député d'un fait. Tu sais... Il y en avait que c'était tellement... L'accent était tellement prononcé... C'était clair. C'était t'en joins avec seulement qu'un peu, même en gardant ton fond de voix, t'es capable de ramener le personnage, oui, tu sais. Oui, mais d'autres, non. Régis, il est même très dur. Ouais. Tous ceux qui le font d'un bye-bye ou n'importe quoi, même Jeff Fillion, quand je vois quelqu'un l'imiter, ils l'ont pas pantoute, là. C'est surtout un bye-bye qu'on peut voir... D'un bye-bye, tu sais, il y a une vraie voix, tu sais. En tout cas, bref... C'est un peu ça. Donc, de gens genrés, tu sais, que tu peux régler la voix, tu sais, c'est... Je sais pas pourquoi, le plateau est comme dégarni un peu de gens colorés. Ils sont tous pareils. Ouais. Malgré qu'ils ont l'air différents. Tu sais, M. Legault, tu peux arriver, là, quelqu'un qui le travaille, mais encore là, il est dans une zone flat. Ouais, moi, je comprends. C'est flou encore. T'as des voix qui sont très, très dures à rejoindre parce qu'elles sortent pas du tube régulier, tu sais. Sont vraiment... Écoute, www.landrytour.com, don sécurisé. Vous avez également la possibilité d'enregistrer ou d'imprimer ou de le garder. On fait ça partout, c'est dans tous les sites. Un reçu pour fin d'impôt, ne l'oubliez pas. 17e édition du Grand Tour de roue Loncopède. Le chum Carpentier. Pat Carpentier, ça fait 30 ans que je connais Pat. On est-tu correct pour passer Pat? Oui. Oui. Ça fait 30 ans que je connais Pat. Je parlais de qualité relationnelle, je parlais de choses gratifiantes, c'est vraiment un gars gentil qui en redonne beaucoup, une grande gentillesse. Et souvent, j'avais les réflexions de dire, mais il n'a pas été assez agressif dans sa carrière. Et pourtant, il y a plus de victoires en Indy qu'en a Jacques Villeneuve, là, tu sais. Mais il n'a pas fait de la Formule 1, bien sûr. Mais on est tout le temps en train de peser et de quantifier. C'est sûr que Jacques Villeneuve, fils de Gilles, deviendra vice-champion du monde d'IndyCar, deviendra champion du monde d'IndyCar, vice-champion du monde de Formule 1 et champion du monde de Formule 1. En 4 ans, Jacques Villeneuve a fait un passage météorique comme son père, mais que de victoires. Oui. C'est phénoménal ce que ce bonhomme-là aura créé, même s'il est toujours en arrière de la ligne, pas très généreux, pas très démonstratif, je me dis que si on n'est pas comme il est, on ne peut pas faire non plus ce qu'il a fait. Sa personnalité était une partie intégrante de tous les événements qui se sont déroulés autour de lui, hors de l'ordinaire. Oui. Jean Alési a plus de 100 quelques grands prix en Formule 1, il n'a qu'une victoire. Jacques Villeneuve en a à peu près 100 et il a 10, 11, 12 victoires et un titre de champion du monde. Il n'a pas fait de la musique à un moment donné? Ça, c'est une autre histoire. C'est un gars qui a bien du cash, qui a décidé de gratter sa guitare, puis il le disait lui-même, et il s'en foutait en bout de ligne. T'sais. Non, ça, c'est sûr que c'est une partie de... Mais pour le sport auto comme tel. Oui. Patrick Carpentier, comme Québécois, a battu les records de Gilles Villeneuve, a été accepté. Mais c'est surtout un gars qui est monté dans des sphères très élevées, et que pour un Québécois, en raison de notre économie, les possibilités et des retombées au niveau publicitaire... n'ont jamais été assez valables pour constituer une participation compétitive en sport mondial. Oui. Tu sais, un commanditaire québécois ne peut pas générer les argents que pouvait le faire Kmart à l'époque aux États-Unis ou Target, par exemple. Oui. Parce qu'ils sont 350 millions et qu'on n'est que 6 ici. puis tu peux pas aller annoncer aux États-Unis un produit que tu peux pas vendre là-bas et d'un, puis t'es pas équipé pour fournir la demande si quelqu'un te le demande. Okay. C'est un bon produit, puis t'en as 350 millions qui lèvent la main, puis t'es rien que capable d'en servir 10. Mm-hmm. Tu sais, tu comprends? Oui. Alors, c'est quand même fort qu'il ait pu se rendre là-bas, et j'ai eu l'occasion de lui donner un bon coup de main. On travaillait à l'époque avec un fax, qui n'existe presque plus aujourd'hui. Ça marchait bien. Même les cellulaires et tout, c'était pas la performance. T'avais les grosses boîtes, ah ouais, très lourdes. Je suis allé chez lui avec un fax, on envoyait un téléphone, puis on envoyait une lettre par la poste pour produire une conférence de presse. Hmm. Ça a été capoté, comment on a vécu ça. Écoutez cette entrevue-là, parce que dedans, il s'exprime comme jamais il s'est exprimé auparavant. Ah oui. Le copain Pat Carpentier, qui fait partie du Grand Tour de Roue depuis le début. Pat m'a jamais dit non pour quoi que ce soit. En compagnie de mon bon ami Patrick Carpentier. Patrick, t'es connu au Québec puis aussi au Canada comme étant coureur automobile, mais la place où t'es le plus populaire, c'est pas la place où t'es né à Joliette, c'est ici à Québec, parce qu'il y a un gars à la radio qui arrêtait pas de parler de toi. C'est Yves Landry. T'as-tu déjà entendu parler de ce gars-là? Oui. Ben oui, puis c'est drôle, parce que j'ai fait une entrevue, c'est la semaine passée. Ouais, la semaine passée, la semaine dernière, j'ai fait une entrevue avec Radio-Canada. Puis il me parlait de toi, tabarnouche. Fait que d'après moi, t'as marqué le sport autant que autant que moi. Hey, j'ai fait de toi une méga star. Même que ces dernières années, il y a 4-5 ans où j'étais encore à radio, le monde me disait arrête de nous parler de Carpentier. Il en fait plus de course automobile. Il avait l'impression ben oui. Il avait l'impression que t'étais encore sur l'aval, Pat. Écoute, on a eu tellement de fun. Ça a été une belle et longue histoire. J'ai déchanté un peu là-dedans. Ça prend tout un peu de chance pour réussir le timing dans le sport mobile, dans n'importe quoi. T'sais, c'est pas, on sait tous que c'est pas juste le talent. Faut être à la bonne place au bon moment puis avoir les bons outils. Mais je me rappelle au début, hey, on a commencé ça. On faisait rire de nous autres dans les conférences de presse à Montréal, là, en particulier, là, quand on avait annoncé Lynx Racing qui m'engageait. On pensait pas qu'elle allait m'amener jusqu'en IndyCar à cette époque-là, mais je sais pas si tu t'en rappelles, tu m'avais aidé à écrire le communiqué de presse, on avait envoyé ça par fax, on avait des contacts médias, on avait utilisé tout ce qu'on pouvait, et on avait rempli la salle. D'après moi, il y avait plus de monde à notre conférence de presse, qu'il n'avait pour les Alouettes à Montréal à cette époque-là. C'était fou, il avait fait vraiment un bon travail. Puis écoute, c'est dommage que ça avait parti... dans le sport automobile, puis ça avait été hyper le fun. Une longue ride, comme on dit, avec Players, évidemment, qui est arrivé par la suite. Ouais, une très longue ride. Hey, es-tu encore détenteur, je sais pas si c'est le cas, à Nazareth, du record de vitesse sur un trioval? Es-tu toujours inscrit à ton nom dans le livre des records? Je pense que oui, hein? Ben oui, je suis encore l'homme le plus vite sur la planète sur un circuit d'un mille, imagine-toi donc. Hey, Pat! C'est pas mal bien. Ça, je suis content. Écoute, j'aimais les hommages. J'avais fait du patin de vitesse et tout. Puis, j'étais plus à l'aise, les hommages, à un certain moment donné. La mécanique, la compétition chez vous, ça vient pas ça vient d'un endroit, entre autres, assez direct. Ton père, entre autres, était, puis là on tombe dans nos vieilles histoires, mais était quand même un adversaire de Gilles Villeneuve en motoneige. C'est pas rien. Si je me trompe pas, je pense que Gilles était pour Alouette, ton père était pour Arctic 4, quelque chose du genre. Jacques Carpentier, exactement. Donc. Exactement. Ouais. Exactement. Puis Gilles avait dessiné une machine, s'il était rendu sur ce qui roule à cette époque-là. Il avait tellement dépensé d'argent qu'il était quasiment mis à compagnie en faillite, comme mon père, il disait pour développer sa machine où il était assis. C'est un peu une mini F1 sur neige, là, si on veut. Ben écoute, oui, mon père a couru pendant des années avec Gilles Léjard, qui était des coureurs très, très, très rapides. C'était fou le talent de ces gars-là. Puis c'est comme ça que Gilles, tranquillement, de fil en aiguille, a réussi à monter vers la F1. Ben écoute, mon père, oh, oui, championnat, il a été au championnat du monde à Eagle River, sur Oval. À l'époque, il a couru sur la terre, les dragues, motoneige sur la terre. C'était bien populaire dans le temps. Ça courait un peu partout au Québec. D'ailleurs, Festival de Québec, il y avait une grosse course de motoneige à cette époque-là où Gilles était là, mon père était là, tout le monde était là. Hey, ton père est rendu à quel âge, Pat? Ah, mon père, écoute, il approche 80, il est rendu à 78 ans. OK, 78 ans, est-ce que c'est vrai que parfois, à Joliette, on voit passer une Ducati 998 juste sur une roue? Mais ça, il faut pas en parler à radio, hein? Ben oui, exactement. Écoute, il est encore santé. Il en fait un petit peu moins, mais écoute, c'est lui encore son Ducati qu'il aime vraiment. Il a gardé, ça fait longtemps que ça, je courais à l'époque, puis il avait ça, son 996 original. Dans ce temps-là, là, il est tout en fibre de carbone. Les affaires qu'il pouvait mettre de Cyril, le répare lui-même. Il s'amuse avec ça pas mal. Écoute, il a fait beaucoup de motos. Il a fait la moto quand il était jeune, mon père. Fait que, donc, c'est quelqu'un de très, très à l'aise sur un moteur, avec une machine qui a un moteur. Ah, là, l'histoire de la pomme puis du pommier, pas trop loin. Patrick, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent, tu sais, je veux dire, raconter qu'ils ont dans leur poche 5 victoires en Indy. T'as roulé pas mal, beaucoup, là, Pat. Non seulement t'as fait de l'Indy, t'as fait de l'IRL, t'as couru aux 24 heures de Daytona, t'as fait énormément de séries, t'es même allé au Japon, je pense, en F1 Ring, je sais pas trop comment ça s'appelait, un autre championnat. T'en as couru beaucoup, t'as fait du NASCAR aussi. T'es le seul Québécois d'expression francophone, les Canadiens francophones à être détenteur d'une pole à Loudon. Quand tu regardes ça avec le recul, t'as fait un beau tour, Pat. Ah, j'ai vraiment fait un beau tour. J'ai été béni un peu, parce qu'on sait qu'il y en a des gars avec du talent. Il y en a, vraiment, je suis arrivé à l'époque où Players commençait le programme de développement des pilotes. On investit beaucoup d'argent. Il avait formé l'équipe. J'ai été chanceux d'un côté. J'ai fait partie des bonnes équipes, d'excellentes équipes avec beaucoup de budget. Puis, dans ce temps-là, vu qu'il y avait autant de budget que ça, ben la vie, c'était le fun. T'sais, on était gâtés, on nous mettait en première classe, tout ça. Je peux te dire que là, je suis en coach, là, parce que c'est moi qui paye. OK. OK, là, tu vois. Donc, on a eu bien du fun. J'ai été très chanceux, même en NASCAR. Là, c'est Ravenham qui m'appelle, qui me met en voiture après ça. Ça a été fantastique. Travailler avec bien du monde, Alain Labrosse, Robert Desrosiers, un paquet de gars, Jean-Pierre Bellumeur, Luc Larroux, qui est un de mes amis qui m'a bien aidé. Toi, tu sais, ça prend beaucoup de monde. Comme je regarde les pilotes qui montent en ce moment, là, c'est Raphaël Lessard qui vient de votre coin. Ça prend du monde autour, ça prend du budget. Ils ont beaucoup de budget pour cette année encore une fois. On ne sait jamais, peut-être qu'on va en avoir un autre dans les hautes sphères du sport automobile. Ouais, le sport a changé beaucoup. Patrick, par contre, oui, t'as été aidé. Il faut dire que je regarde Adrien Fernandez, t'as plus de victoires que lui. Et combien d'autres pilotes aussi ont fait des carrières de 10 ans, 20 ans, pis ont pas touché souvent des victoires. Comme tu dis, j'ai participé aux bonnes équipes. Tu sais, l'humilité, là, de ton côté, est quasiment choquante. Parce que c'est très, très rare qu'on t'entend parler de ta carrière. Et t'es pas très, très, très venteur. Puis souvent, les gens ont tendance à dire, Carpentier n'a pas été assez agressif dans ça. C'est pas le winner. Comment est-ce qu'il s'appelle, donc, Montoya, tu sais? C'est le genre de gars que d'une entrevue, il va te placer 4-5 fois que personne ne peut passer en avant de lui parce qu'il est trop bon. Puis s'il y en a un en avant de lui puis qu'il reste un tour à faire, il va y rentrer dans le derrière pour qu'il starte. C'est pas toi, ça, tu sais. Mais ça t'a pas empêché d'aller toucher des victoires. Puis tout. Penses-tu que t'aurais pu faire différemment? Quand tu regardes ta carrière, es-tu, ça fait Morissette un peu, TVA, es-tu satisfait de ce que t'as vécu? Ben, écoute, oui, je suis, parce que c'est tout le temps pris un peu entre l'arbre et l'écorce, si tu veux, parce que j'avais pas d'argent, ma famille, ils vivent bien, il y a pas de problème, mon père des petits business, mais quand tu parles du sport automobile, tu commences à parler des millions de dollars, tu sais, puis on n'avait pas ça, j'avais pas ça. Puis je n'ai pas d'une famille que mon père avait passé avant moi, que ce soit F1 ou n'importe quoi. Fait que, tu sais, à un moment donné, oui, je pouvais, j'aurais pu être plus agressif, ça, définitivement. Des fois, j'y repense, je me dis, avant nous, j'aurais dû faire ci, faire ça, exiger ci, exiger ça. Mais par contre, ce qui fait que j'ai resté là, que j'ai réussi j'étais sur le bord de la fin du contrat. On voulait me sortir un peu. À un moment donné, on voulait me remplacer. C'était des positions difficiles. Tu cherches à pas trop te faire d'ennemis non plus. Tu veux exiger ce que tu as besoin. Puis en même temps, moi, ce qui m'a permis de rester là, c'est vraiment le monde qui venait aux courses, les spectateurs, les admirateurs, le Québec. Je me rappelle quand j'étais allé à Montréal, c'était terminé pour moi, l'entente était terminée. Puis l'ovation, ce que le monde m'avait fait, puis le monde dit yes, ça avait changé l'idée des dirigeants de Players. Puis on m'avait refilé pour une couple d'années, tu sais. Si j'avais été agressif, pas fin, j'aurais-tu eu plus de résultats? Peut-être que oui, mais peut-être que non plus. Puis j'aurais peut-être débarqué bien avant. T'sais, c'est tout le temps... Tu sais, t'as bien les sphères à l'intérieur du sport à juger puis à regarder, à savoir ta façon dont tu peux être. Tu sais, Montoya avait l'argent de la Colombie derrière lui. Tu sais, qui gagne, qui perd, ça change absolument rien pour lui. Tu peux te permettre d'être agressif puis d'aller dans ce mode-là. Puis c'est un client d'écoute hyper talentueux, très, très impressionnant, là, Montoya aussi. Fait que, tu sais, c'est des personnalités aussi. C'est pas ma personnalité. Fait que j'aurais-tu été capable de vendre ça au monde, de jouer cette game-là, tu sais, j'aime mieux être moi-même, puis faire ça comme ça. Puis écoute, j'ai eu bien du fun, parce qu'il faut pas oublier une affaire, Yves. Tu rencontres les mêmes gens que tu rencontres en montant, tu les revois tout en redescendant, tu sais. Si t'as pas été fin, parfois la descente peut être assez rapide, peut être assez difficile. Dieu sait que j'en ai vu du monde, j'en ai rencontré. Puis écoute, je parle encore de sport automobile, je suis à RDS, j'adore ça, je fais ça pour le plaisir, puis ça me change les idées, puis ça me garde en contact avec le sport automobile en même temps, tu sais. Tu parles comme un grand... Tu parles sage, Patrick, mais on voit que l'âge et l'expérience... apporte aussi des résultats, puis un état d'esprit aussi, puis être heureux. T'es père de famille, deux fois, t'es toujours avec ton Annick depuis quoi, 25, 30 ans à peu près aussi? Ben oui, exactement. Écoute, ça fait un bon bout qu'on est ensemble. Annick a connu les débuts en Formule Atlantique, à Trois-Rivières, le Grand Trois-Rivières, puis tout ça. Fait que, écoute, jusqu'à aujourd'hui, la montée, et puis la fin de carrière, l'après-carrière par la suite. Non, écoute, j'ai été vraiment chanceux de connaître Annick, puis ça a été comme mon support aussi, souvent dans le sport automobile, dans des moments plus difficiles, puis Dieu sait qu'il y en a eu quelques-uns. Hey Pat, là, t'es rendu, tu parlais de RDS donc, et de l'après-carrière. Comment trouves-tu la F1 d'aujourd'hui? Ta place où dans l'échiquier du sport automobile, toi qui suis ça depuis tant d'années, en terminant juste en conclusion, parce que c'était pas commun, on voyait Pierre et Bertrand toujours depuis de nombreuses années, et puis là tu viens de te joindre à l'équipe, vous êtes maintenant un trio, donc ils ajoutent dans leur camp quelqu'un qui a vécu le sport à la source, pas fait de F1 comme tel, mais t'as vécu le sport automobile, la compétition en haute compétition. Comment tu situes la F1 d'aujourd'hui? Ben écoute, la F1 d'aujourd'hui, puis je remercie Pierre et Bertrand, ils m'ont accueilli gentiment les bras ouverts tout au long de la saison. Ça a été super le fun de travailler avec eux là-bas. Mais sauf que, écoute, le sport automobile d'aujourd'hui est devenu vraiment beaucoup plus un mélange d'ingénierie avec pilotage. Si t'as pas un bon pilote, tu peux pas nécessairement gagner. Mais si t'as pas la voiture, on sait que tu peux pas gagner. On l'a vu cette année avec George Russell qui a remplacé Lewis Hamilton au Grand Prix de Sakhir, Russell immédiatement en avant, hyper rapide. Faut pas se tromper, Russell, c'est un pilote exceptionnel, facilement autant selon moi que Lewis Hamilton avait gagné deux fois championnat de F2, une à sa saison recrue puis l'année d'après, ça faut le faire aussi. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'ingénierie est très importante. Tu ne pourras pas réussir. Je me fous combien de fois tu as été champion du monde. Si on met Lewis Hamilton dans une Williams, Lewis Hamilton va rouler à l'arrière du peloton. C'est clair et net. Fait que de ce côté-là, c'est plus difficile. Je te dirais que ce soit n'importe quelle série. NASCAR, c'est la même chose. Les séries se cherchent un peu pour essayer d'aller chercher un certain spectacle. J'ai hâte de voir la nouvelle F1 qui va sortir en 2022, comme la nouvelle NASCAR, qui devrait permettre ça, pas artificiellement, mais dont la façon dont les futurs sont dessinés va permettre de se battre puis de se dépasser peut-être un peu plus. Fait que ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner de ce côté-là. On se le souhaite tout. Puis écoute, évidemment, on voit que plus le circuit est grand, plus le circuit est large, moins il y a dépassement, plus c'est difficile de s'approcher de la voiture en avant. Fait que ça aussi, c'est des choses qu'il faut qu'il faudrait que la F1 pense aussi. Mais écoute, moi j'aime le sport automobile. Fait que j'adore la F1, j'adore le NASCAR aussi. Mais des fois, j'aimerais ça qu'on remette peut-être un petit peu plus aux pilotes. Hey Pat, merci pour ta belle sagesse, tes beaux commentaires. On a passé du bon temps. Puis on a fait quelque chose qu'on n'a pas fait souvent ensemble, c'est-à-dire une entrevue qu'on dit quoi, casual, pour parler un peu du bon vieux temps, puis également de ta perception et de la façon de voir tes choses aussi. Merci infiniment pour ta contribution au Grand Tour de Roue, parce que tu sais que ton casque a été acheté par le copain Éric Saint-Gelais et que ça nous a rapporté plus de 3 000 $ cette aventure-là. Il est bien heureux. Ton casque est jouqué en haut dans son garage avec beaucoup de fierté. Donc, par le biais d'un de tes articles, on est allé chercher pas mal de sous pour l'oncologie pédiatrique du CHU. Puis tu sais qu'ici, les protocoles de traitement qu'on travaille avec le docteur Michon sont hyper performants à grandeur de la planète. Donc, tu as toujours été là pour le Grand Tour de Roue aussi. Souvent, tu le fais anonyme. Alors, on vient de s'en apercevoir aussi. Là, t'es pas du genre à pavoiser bien fort. Merci pour tout ce que tu fais et ta disponibilité pour le Grand Tour de Roue. Pour le plaisir de se revoir bientôt, là, dis à Annick que j'arrive puis que ça sera pas tranquille dans la maison. Oui, puis écoute, je voulais, oui, ça va être le fun, on a bien hâte, Yves, de ce côté-là. Puis écoute, je voulais te féliciter, ça fait des années que tu travailles de ce côté-là, puis que tu apportes beaucoup pour les enfants, puis pour aider. Puis félicitations là-dessus avec ton grand tour de roue, Yves, c'est très, très impressionnant. Je sais pas combien tu as amassé de total maintenant, là, jusqu'à date, depuis que tu le fais, mais en tout cas, je sais que c'est plusieurs centaines de milliers de dollars, puis félicitations de ce côté-là. Bon, ben numéro un, thank you, Pat. Du côté de Joliette, on aurait vu passer une moto rouge avec un gars sur une roue. Je serais inquiète pour ton père. On s'en reparle, Pat. Salut. Bye. Hey, dis pas ça, hein, c'est une joke. Ben non, je le sais. C'est bon. Salut, Pat. Ben, à merci, prochaine. Anytime, hein, ça me fait super plaisir. T'es bien. Salut, Pat. À la prochaine, bye. Vous écoutez Le Grand Tour de Roue avec Yves Landry. Dans le nouveau numéro du magazine littéraire Nuit Blanche, un voyage d'hiver, le garçon qui raffolait des chasse-neige, une célèbre actrice de la Belle Époque qui quitte la scène pour se faire écrivaine et féministe engagée, aussi, dire et ne pas dire, la liberté d'expression et ses limites. Offrez-vous ou offrez à vos proches un abonnement à Nuit Blanche, le cadeau qui se renouvelle toute l'année. Pour en savoir plus, rendez-vous à nuitblanche.com. Eurofins Environex sont des laboratoires environnementaux spécialisés dans l'analyse de votre eau potable, de votre air ambiant et amiante. Vous avez un puits? Eurofins Environex peut analyser votre eau pour s'assurer de sa potabilité. Problème avec votre qualité de l'air? Problème d'odeur et d'humidité? Notre équipe de professionnels vous assistera pour effectuer les vérifications et analyses nécessaires pour trouver les causes de contamination de votre air. Eurofins Environex, votre partenaire de confiance dans l'excellence. Labenvironex.com. Eurofins Environex sont des laboratoires environnementaux spécialisés dans l'analyse de votre eau potable, de votre air ambiant et amiante. Vous avez un puits? Eurofins Environex peut analyser votre eau pour s'assurer de sa potabilité. Problème avec votre qualité de l'air? Problème d'odeur et d'humidité? Notre équipe de professionnels vous assistera pour effectuer les vérifications et analyses nécessaires pour trouver les causes de contamination de votre air. Eurofins Environex, votre partenaire de confiance dans l'excellence. Labenvironex.com. Hey, surveillez les coupons rabais de la boîte à pain sur le site Antidote Mobile. 40% de rabais applicable à la boîte à pain de votre choix. Profitez de cette offre avant qu'il soit trop tard. La boîte à pain, du plaisir à tous les jours. Saint-Roch, Sainte-Foy, Les Moileaux et Grand Marché. Boîteapain.com. Vous vous réveillez souvent la nuit, vous ronflez et vous êtes toujours fatigué? Vous pourriez souffrir de l'apnée du sommeil qui touche environ 10% de la population. Les cliniques médicales La Croix offrent un service de préévaluation sans frais avec une inhalothérapeute spécialisée. Appelez-nous en tout temps au 418-871-1911 et prenez rendez-vous sans attente pour votre préévaluation sans frais du trouble de l'apnée du sommeil. Clinique médicale lacroix.com, la référence en médecine privée au Québec. Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infecté par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. L'Intemporel, édition Le Grand Tour de roue pour le Centre Mère-Enfant, vous est présenté par les suppléments XPN, Clinique Dentaire Centre-Ville, Eurofin Environex et Clinique Médicale La Croix. Alors, le copain Pat, à qui on vient de parler, entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt cette semaine, qui est donc un grand collaborateur du Grand Tour de roue, et ce, depuis le début, donc depuis 17 ans, depuis 2004. Alors, on s'est connus dans le temps, en 94-95, et Players a participé, j'ai eu plein de participations et plein d'aides et de cues de la part de l'ami Pat, qui souvent donne et tient à ce que je ne le dise pas. Donc, c'est ce qu'on appelle les dons privés. Alors, merci infiniment à tout ça. Il nous reste encore une bonne heure. Oui. Je vais pas décoller la patente avec le boulier, puis Magdalena, puis les chiffres, puis la teinte, puis... Mais on a parce que il faut comprendre aussi la période restrictive dans laquelle on est présentement. Tu es en train de me raconter que au Linkassis, c'est l'Anincassis. Moi, je dis Linkassis. C'est quoi Linkassis? C'est du cassis, mon œil fille, que tu mélanges, là. Non, ou encore une espèce de boisson ou quelque chose du genre, ou de, je me rappelle plus quoi. Bon. Je mélange ça, c'est ma dyslexie à moi. comment? Ninkasi. C'est quoi Ninkasi? C'est une déesse de la bière. Une déesse de la bière, oui. Voilà. Ben oui, c'est un bar, un restaurant-bar. Oui. Qui a investi des milliers de dollars dernièrement et qui se retrouve fermé. C'est pas compliqué. Temporairement. Même que dans leur cas, ouais, temporairement. Même que dans leur cas, le principe de livraison ou de take-out était difficile. Mais ils sont sur la rue Saint-Jean et tout. Donc, quand je dis qu'on est dans une période restrictive, oui, faut pas l'oublier. C'est pour ça que je te disais, d'entrée de jeu, il y a 3 heures, que tout était un peu délicat, en ce sens que, dans cette période-ci, de faire, je dirais pas du quémandage, mais de poursuivre avec notre initiative caritative, c'est pas évident. Alors, je vais pas non plus pavoiser sur le chiffre, mais on a un bien meilleur résultat que nous avions l'année dernière. Oui. Et on se dirige au total tout des 17 ans. Tu sais, je dis, faut appeler un chat, un chat, un chat. C'est parce que des gens disent, dis-les donc, là, on veut le savoir. Ah, c'est oui. Donc, on est près du 500 000, si je calcule bien, avec le montant déjà entré. Quelqu'un me demande ici, peux-tu l'écrire, www.landrytour.com, oui, sur mon téléphone. Mes amis de XPN également vont faire des dons. Alors, 446, il faut en donner. On est près du 500 000, j'aurai le total peut-être d'ici la fin de l'émission. Toujours au singulier, bien sûr. Toujours au singulier, voilà. Oui, effectivement. www.landrytour.com, vous allez sur la page, le don est sécurisé. Et puis, ça vous donne donc l'occasion également de pouvoir avoir votre reçu d'impôt imprimable en même temps que vous faites votre don. Et vous pouvez écrire dans le commentaire aussi, toujours nos participants. C'est plus tard dans la semaine, j'aurai l'occasion sur ma page Facebook, je n'ai pas de page fan. T'as pas une page, t'as une page personnelle? On est des fans, t'as pas une chie. Ça, c'était quoi? C'était Ding Dong le film. T'es trop jeune, tu te rappelles pas Ding Dong le film? Je me rappelle qu'il y avait un bout de grand guignol qui saignait partout. Exact. Ça m'a marqué, ça, oui. Tiens, si c'est pas notre grand voyageur. Allez, gars. Bref, qu'est-ce que je suis en train de dire, donc? Oui, sur... Donc, www.landrytour.com. Sur ton Facebook, sur Facebook. Sur ma page Facebook, oui. Je n'ai pas de page fan. Mais tu devrais. Mais je donnerai le nom des gagnants. Page personnelle. Page personnelle, et c'est voilà. Ça. Je vais donner le nom des gagnants. Probablement que j'ai l'idée de monter en montagne, faire une petite vidéo. Mais tu sais, une petite vidéo sur laquelle tu écris sur des panneaux. Ben oui. On va faire ça sur une feuille d'écorce. De quoi de spécial? Très bien. Remercier les gens et donner le nom de tous nos gagnants. Oui. Donc, 1 000 $ de pneus Nokian et même plus, c'est 1 200 quelques dollars de chez Nokian, gracieuseté de Desharnais, merci. 500 $ Tanguay et aussi 500 $ en tranche de 100 $ de chez Latulippe. Oui. Les frères Latulippe qui sont là d'ailleurs depuis le début. Merci à tous nos collaborateurs. Tu peux nous appeler le copain de la passion. On va jaser avec un gars que bien du monde connaît parce que il a fait des chroniques plein air longtemps. C'est un épivardé. Comment on dit? Pas épicurien, mais ça, c'est pour... Précisément, c'est un, je sais pas, multidisciplinaire. On devrait dire ça comme ça. Un ardent défenseur, entre autres, de la voile. Il en fait beaucoup. Je l'ai parlé souvent. Il a fait la traversée, d'ailleurs, Québec-Saint-Malo, la Transat. Et là, dernièrement, il y a une passion qui l'habite comme jamais, et c'est celle des airs. Alors, c'est pas évident, et de un, de s'équiper pour ça, et de deux, rendu à un certain âge, il y a quand même beaucoup de je te dirais, de théorie. Tu peux pas prendre des licences de pilote en allant rencontrer un gars qui te parle de ça pendant une heure, puis te dire « OK, c'est correct ». Ça prend de l'apprentissage, ça prend de la pratique, ça prend de l'étude, il y a des sacrifices à faire, mais finalement, il y avait le goût de s'équiper pour aller voler. Il y a un gros rapport pareil avec le vent, c'est Marcel Bouchard. Salut Marcel! Allô? Je suis en train de dire que tu as un gros rapport avec le vent parce que quand tu n'es pas dans ton bateau, tu as des bateaux. Tu m'as déjà dit, Yves, je vivais pour mon bateau, toutes mes économies allaient là, tu en as eu un petit jusqu'à un plus gros. Il y a un gros rapport entre toi et le vent finalement. Là, quand c'est pas dans ta voile, c'est toi qui montes dans les airs. Ouais, puis quand je suis pas dans les airs, je me vante. Hey, mais Marcel, à ton âge, prendre des cours de pilotage, l'aspect théorique, c'est pas très, très, très léger. T'as commencé par faire le véritable cours, donc, de pilote, pour piloter un avion. Finalement, t'as bifurqué vers l'hélicoptère. Bon, moi, je pense que ce qui est difficile, à mon âge, c'est pas tellement le cours, comme c'est le médical que les gens passent pas. OK. Ouais, les gars, ça prend un bon médical, tu sais, pour être capable de faire ton cours de pilote après 60 ans. Raconte-moi comment t'arrives, tu commences à prendre un cours régulier, finalement c'est le soir, tu travailles la semaine, ça te convient pas, tu décides de t'arranger pour prendre ton cours d'hélicoptère, d'auto-giro entre autres, dans un club où ils sont, je te dirais pas à l'état larvaire, mais c'est des bons vivants et des grands passionnés. Et l'équipement, il est un peu rudimentaire, quoique l'enseignement qui est donné est de vraiment grande qualité. Mais raconte-moi la situation un peu, puisque tu es obligé de faire le matin quand tu arrives pour aller à ton cours. Aéroport paramoteur, c'est Éric Sigier, qui est un gars que je connais depuis des années. Éric, qui est un des premiers qui est arrivé avec un petit parachute et un hélice dans le dos. Là. Les gens qui volent avec ça, c'est des paramoteurs. Bon. Okay. Éric, son fils, a gagné des championnats du monde en paramoteur. Il a parti à une école. Puis à un moment donné, il a vu arriver les gyros. Il est allé en Europe, il a vu ça, il a décidé d'importer des gyros d'Allemagne, ceux qu'on a, là, les modèles Cavallon, les modèles Autogiro, ça s'appelle. Alors, il a amené ça. Quand j'ai vu ça, j'ai essayé ça avec lui, j'ai aimé ça. J'ai dit, quand ils vont en faire des côtes à côte, c'est-à-dire un côté de l'autre, ça va m'intéresser. Quand il y en a eu un qui est sorti, il y a un gars qui en a acheté un gars dans le coin de Rougemont, qui en a acheté un que je connaissais, qui est un gars qui a des plantations de soya puis tout, mais un bon Jack. Ça va, le premier tour de Giro, je l'ai fait avec David. Le deuxième, je l'ai fait avec lui. Puis le troisième, j'ai embarqué avec lui dans son Giro côte à côte, parce qu'il y en a deux, lui. Et quand il y a eu le côte à côte, il se foutait d'essayer ça. Je l'ai essayé, mais en débarquant, là, j'ai dit, on s'inscrit, on fait un cours, mon homme. Mais j'ai dit, moi, je fais mon cours le matin. Puis lui, ben, c'est une école, il n'y avait pas 45 étudiants, là. Il y en a eu un autre avant moi, un autre. Il y en a, c'est lui qui distribue les giros au Canada. Il y en a partout au Canada. Il peut y avoir une quarantaine d'aventures, après, là, quelque chose comme ça. Au Québec, moi, je l'ai déjà depuis 6 ans. Ça veut dire qu'on était dans les premiers, là, qui en avait un. On arrivait le matin, on avait une petite salle de cours. C'est comme un ancien petit salle de cours, là, mais tout aménagé intérieur avec les tableaux, fauteuils, puis un petit poêle à bois. On rentrait, chauffait le poêle à bois. Puis après ça, on rentrait là, puis on faisait notre cours. Je passais l'avant-midi là avec lui, il était au tableau, il donnait ses théories. Je prenais mes notes, je faisais mon cours. Fait ça, on a fait 45 heures théoriques. Après ça, ben quand tu as fini ça, faut que tu passes les examens du ministère du Transport. Fait que là, tu étudies tes examens, puis tu vas passer ton examen. Tu sais, c'est pas chinois. En fait, j'ai tout le temps au monde. La différence entre conduire et piloter, c'est que dans un cas, tu es élevé dans une automobile, tu as toujours vu ton père peser sur le gaz, sur le main volant, tu sais c'est quoi le bras de vitesse, tu sais c'est quoi la radio, tu sais c'est quoi le gauge à gaz. Alors, tu connais un avion, tu embarques là-dedans, la plupart du temps, le monde n'a jamais embarqué, tu sais pas c'est quoi les cadrans, sais pas c'est quoi les commandes, je sais pas comment ça se dirige. Alors, c'est un autre monde. Mais une fois que tu as appris ça, ça devient comme conduire. Sauf que tu es toujours là, tu as des protocoles à respecter. En auto, tu pars, tu ne diriges pas ton char deux fois quand tu pars. Hein, parce que quand ça brise, tu arrêtes sur le bord du chemin et tu pars. Ben, les airs, t'arrêtes pas sur le bord d'un nuage. Faut que tu t'assures que ce que tu as fait, tu respectes le protocole, ça se fait selon les règles de l'art. Puis, tu sais, tu as peu de chances d'avoir de malchance parce que tes équipements sont entretenus, les inspections obligatoires et tout et tout. Puis moi, j'ai toujours aimé voler. C'est pas nouveau. J'aimais l'escalade, j'aimais le plongeon. Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait les choses qui se faisaient en l'air. Ça faisait longtemps. Puis je me suis dit, un jour, j'en aurai un. C'est quand même, c'est quand même exceptionnel, Marcel. Et l'Auto Giro Cavallon est une machine exceptionnelle. Les gens ne connaissent pas beaucoup. Ce n'est pas un hélicoptère, mais c'est un appareil donc qui est une technologie très récente, très profonde. Les gens qui ont conçu ça, d'abord c'est allemand, ont remporté des prix et tout. Raconte-nous un peu ce que c'est, moteur Rotax qui pousse à l'arrière avec. En fait, c'est à moitié entre un avion et un hélicoptère. C'est ça. Ça décolle comme un avion, mais dans une très courte distance. Plus le vent est fort, plus tu décolles vite. Et ça atterrit comme un hélicoptère, pas de moteur. L'hélicoptère, quand il manque de moteur, il faut qu'il aille flairer au sol. Il casse, puis après ça, il glisse sur ses patins. Moi, je roule sur mes roues. Alors, et dans les airs, ça se pilote comme un hélico. Je trouve ça fabuleux d'avoir une passion. T'es aux abords de 60, 65 ans dans ces eaux-là. Faut suivre un. 68. Bon, mais faut avoir. Non, mais quand t'as pris ton cours et tout, tu sais, te remettre à l'école. D'abord, t'es un enseignant. T'as fait une maîtrise en activité physique. Tu retournes à l'école pareil, là. C'est 45 heures théoriques. Ce gars-là. C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. J'ai dit, tu t'en vas là-dedans. Puis, quand t'aimes ça, regarde, toi, comment t'aimes. On te fait passer les examens de Formule 1, je t'annonce dessus, qu'ils t'apprendront pas grand-chose dans le cours. non, mais... Parce que t'aimes ça, tu t'intéressais à ça. C'est sûr que les nouvelles technologies, là, tu vas apprendre, mais ça rentre bien parce que tu comprends, tu connais. C'est la même chose pour moi. Je me suis pas levé un matin et dire, bon, ben, je vais dompter des lions, là, tu sais. Non. Ça aurait été plus compliqué à apprendre. Et t'es quand même équipé de tous les appareils et des instruments de navigation, le Garmin et tout à l'intérieur de ça. C'est un bel appareil. Bien les avions qui ne sont pas équipés comme ça. Raconte-moi ce qui te fait triper quand tu pars avec ça, parce que souvent tu me textes, t'es dans les airs, ou je suis parti voler, ou je suis allé voler, la vallée Jacques-Cartier, t'es allé faire un tour dans le coin de Montréal, là il y a de l'avionique un peu, faut que tu travailles avec les tours et tout ça. C'est une passion que t'as développée, je ne sais pas si ça t'a piqué plus fort encore que la voile. Non. C'est sûr que je ne piloterais pas aussi longtemps que j'ai navigué. OK. Non. Ça fait 50 ans que je navigue. Il y a des grosses chances que je ne piloterais pas 50 ans. Tu voudrais bien, par exemple. Mais encore peut-être pour 3-4 ans, là, puis après ça, on va passer à d'autres choses. Mais j'aime ça parce que c'est une bonne machine. C'est fiable. C'est. Tu allais faire le tour de la ville de Montréal. Là, m'a dit de quoi, là? Tu rentres par une place, tu vas pas si tu veux, ou tu marches avec la tour de contrôle. Avec la tour de contrôle, tu marches avec le terminal. En tout cas, il y a tout un protocole de navigation aérienne qu'il faut suivre, qui fait que c'est intéressant. Tu t'en vas pas là en disant, bon, je débarque à Montréal l'après-midi. Non, faut que tu prépares ton affaire. Là. Faut que tu saches où passer. Tu ne pas passer n'importe où sur la ville de Montréal. Faut que tu cailles, il se ramasserait dans un 20e étage, en quelque part. Tu n'as pas l'intérêt, là. T'as passé ta vie à partager l'activité physique et le mouvement. T'as fait des conférences, t'as été un des chroniqueurs, le chroniqueur de TVA pour le plein air pendant à peu près 30 ans. Tu disais tantôt, t'arrives à 68, tu t'entraînes toujours, tu fais du musculaire, tu fais du cardio. Et le mouvement pour toi, ça demeure quelque chose d'important. Mais je te dirais en même temps aussi, peut-être le défi, tu vois, t'en avais un, c'était celui d'aller voler. Mais c'est ancré en toi, faut que tu bouges, faut que ça avance, faut que t'ailles un projet. C'est comme si tu demandes à Yves Landry de ne pas parler. OK. C'est exactement la même chose. Puis toi aussi, tu bouges ailleurs. Puis t'es comme ça. Puis t'es beaucoup plus volubile que moi, là. Dans le sens où t'es plus arrêté à ce niveau-là pour s'échauffer pour lire ou des affaires comme ça. Moi, c'est dans ma nature. Le mouvement, ça a été l'histoire de ma vie. Puis j'étais fait pour faire ce que j'ai fait. Alors, ça m'a permis de tout mettre ce que j'avais dans ça. J'étais chanceux parce que j'ai pu avoir un job dans l'enseignement, ce qui me faisait, qui me permettait de bien vivre, tu sais, à partir de là. Et après ça, ben, j'ai toujours eu comme mission d'être un agent multiplicateur de mouvement, c'est-à-dire que donner le goût aux gens de bouger. Tu sais, on a beau dire, tout le monde le sait que c'est bon pour la santé de bouger, ça donne quoi de sensibiliser? Hein? Ça donne quoi de sensibiliser? Tout le monde sait qu'il y a des maladies qui meurent chez les enfants. Pourquoi est-ce qu'on les sensibilise et qu'on leur demande de donner? Parce qu'on veut améliorer ça. C'est la même chose pour nous autres, pour la santé et le mouvement. On veut améliorer ça. On veut que les gouvernements comprennent, en quelque part, que quand un jeune est en santé, il ne reste rien deux choix. Il s'occupe de sa santé ou il s'occupe de sa maladie. S'il devient malade, il va s'occuper de ça. S'il ne s'occupe pas de sa santé, il va devenir malade. C'est la même chose dans notre vie. Tu te rappelles, nos parents, mon père était mécanicien, moi, des masques dans le visage, je travaillais en l'huile, n'importe quoi. Ils mettaient pas ça, eux autres. Ils mettaient même pas de gants. Puis la vieille huile tombait à terre, ça faisait pas venir l'environnement. Dans ce temps-là, ils étendaient ça dans un chemin gravel pour qu'il y ait de poussière. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas pareil. Alors ça évolue, ça change. Mais le corps humain, lui, là, il est encore comme il était dans le temps des hommes des cavernes. Il faut qu'il grouille. Puis s'il grouille pas, tu limites ton potentiel intellectuel, tu limites ta destinée puis ta façon de te réaliser. Alors à partir du moment où les gens apprennent que bouger, le mouvement, c'est la vie, c'est-à-dire qu'on a tous besoin de bouger, on n'a pas tous besoin de la même quantité de mouvement. Au même titre qu'il y a des gens qui vont apprendre une toune sur la guitare dans deux temps, trois mouvements, il y en a d'autres, ça va les prendre deux heures. Les deux vont bien la jouer, mais ils n'ont pas... Tu sais, chacun, c'est du cas par cas. Mais en quelque part, il y a des grands principes. Puis un grand principe, ça ne se négocie pas. Parce que si tu le négocies, c'est plus un principe. Il faut que tu bouges. Je prends juste le collège Sainte-Foy qui ont enterré leur piscine cette année. C'est un plan d'eau. Hey, on vit dans une région qui fourmille de plans d'eau. Natation, c'est un vocabulaire de base dans l'évolution d'un jeune. C'est une activité, c'est un plan d'eau exceptionnel. Les autres, ils ont dit, on enterre la piscine, on n'a pas l'argent pour la réparer. Puis ils vont mettre au-dessus d'1,5 million pour refaire la façade du collège. Encore une décision sans conviction, sans principe dans le monde de l'éducation. C'est épouvantable. On ne peut pas se permettre d'avoir du monde dans l'éducation comme ça, parce que c'est eux autres qui déteignent sur nos jeunes. Puis c'est eux autres qui créent le problème. Moi, ils me disent, c'est pas grave, on va louer au PEPS, on va louer ailleurs. Mais ça, c'est la même chose que notre gouvernement a fait avec les vaccins. On n'en produit pas de vaccins, mais là, on calque tout le monde. Hein. Puis on est en maudit parce qu'on va être les derniers servis. C'est normal. Quand tu fais les vaccins chez vous, tu vas servir ta gang. Pas ça, tu vas servir les autres. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne développe pas notre indépendance? C'est la même chose pour une institution. Tu rempliras pas tes cours juste parce que t'es un beau devant dans le collège. Mais si tu offres une panoplie d'activités qui sont variées, puis ça se passe chez vous, il y a des grosses chances que le service pour la suivre soit meilleur que c'est obligé de louer ailleurs, sortir dehors en hiver, pour aller faire un cours de natation avec place, pour venir en dehors avant de rentrer dans ton collège. Puis les plateaux qu'on va te donner, ça va toujours les moins bien placés parce que tu vas toujours le dernier servi. Soyons donc indépendants dans notre évolution, puis essayons donc de combler nos besoins. Arrêtons donc de faire seul nos affaires par les autres. Je sais pas si tu le sais, Marcel, mais tu viens de me dire que je suis volubile. Tu donnes pas ta place. C'est toi qui m'as montré ça. On était en randonnée. On a fait une bonne randonnée. Yves, bon, regarde, on parlait du mouvement. Yves, je vais vous le dire, tout le monde, écoutez bien ça. Là. Yves, c'était mon guide. Il m'a amené faire le sentier des loups, section hiver. J'ai fait un topo là-dessus, puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit Yves, mon guide. Yves est devenu un connaisseur d'à peu près toutes les bébites, les arbres, tout ce qui se passe dans la vallée de la Jacques-Cartier. Les baringouins l'appellent par son nom. Il connaît tout le monde là. Il est tout le temps là. Il adore ça. Il est bon. Alors, quand il m'a fait faire cette paroi-là, c'est le fun parce que là, il faisait attention à moi. C'est un vrai guide. Là. Un vrai, vrai guide. Il te prévient. Ça va se passer comme ça. Il sait qu'il y a ça. Là, il y a ça. Regarde, viens voir. Là, tiens, tu peux te tenir là. Mettons. Il fait une maudite bonne job. Mais il a la preuve. Regardez l'événement, l'œuvre caritative dans laquelle il fait partie. C'est lui. C'est généreux. Il donne. Quand il y a de quoi, il donne. Alors, c'est pas compliqué. Ça a été mon guide. On a fait une maudite belle sortie. On a marché 4 heures. 4 heures de temps à se donner, à se dépenser. Puis je vous dirais, là, qu'à toutes les au moins 3-4 minutes, là, il me disait, c'est-tu beau, Marcel, ça? Hein? Regarde-moi, regarde les beaux arbres. Regarde. Quand t'aimes ça, t'aimes ça. On a une belle... On a fait un beau trip de plein air. Puis c'est plaisant de faire quelque chose quand la personne a décidé aime ça autant. Alors, je l'aurais refait encore. Je serais reparti pour un autre 8 heures. Marcel, je voulais te remercier pour ta fraîcheur, ton action, tout ça, et aussi Parce que le Grand Tour de Roue, depuis que je le fais depuis 2004, tu y participes. Souvent, tu veux pas que j'en parle, mais c'est toujours oui. Tu es toujours là avec ton don, puis à participer. Et puis, merci d'appuyer la cause. Et puis, en même temps, je voulais qu'on parle de la tienne aussi, parce que tu fais un bon job. On peut te suivre aussi. Tu as une page pro, on voit Marcel, avec justement les montages que tu as fait. Tu en as fait un aussi, tu as vécu quelque chose de spécifique avec Louis Garneau il n'y a pas longtemps, en rapport avec l'Holocauste. Il fait quelque chose de particulier, rapidement. Louis qui est un homme... Veux-tu que j'en parle? Oui, absolument. Louis qui est un homme d'affaires, puis comme on le sait, les affaires, c'est pas toujours facile, puis il a vécu des périodes dures. Tout le monde a entendu parler un peu de ça, puis il était en Floride il a passé, puis il faisait du vélo, puis il a rencontré un homme qui s'appelle Marcel Zinomski. Puis quand il a commencé à jaser avec ce gars-là, c'est un monsieur de 80... Il avait 85, dans le temps. Il a jasé avec. Le monsieur, il a expliqué son parcours. Lui, c'est un survivant de l'Holocauste. Il a vu son père mourir devant lui. Il a été capturé par les Allemands. Ils ont tatoué son numéro de prisonnier sur l'avant-bras, un petit bonhomme qui a 10 ans. Puis après ça, il a vu sa mère partir faire la marche de la mort. Il appelle ça la marche de la mort parce qu'il s'en allait, les Allemands tiraient dessus. Puis ceux qui réussissaient à s'échapper, ben, sauvaient les autres. Elle a réussi à s'échapper, mais il ne l'a jamais vu, lui, où ce qu'il est allé. Il s'est ramassé tout seul à 10 ans. Il a marché 100 kilomètres pour essayer de retrouver sa maison. Le jour où il a retrouvé sa maison, il y avait du monde qui restait dedans, puis on dit, tu serais ici, puis personne ne nous a gagné ici, puis il est revenu ailleurs. Finalement, il s'est ramassé dans un orphelinat. Après, sa mère, elle a réussi à le retrouver. Ils sont partis, ils ont fait une famille, ils ont été en Israël, et il est retourné aux études. Il a fait un cours d'un génie aéronautique, ça fait une belle parcours. Après ça, il a fini sa carrière chez Bombardier, à Montréal. Alors, lui, il a toujours travaillé, fait du vélo pour son université à l'époque, ce monsieur-là, et il travaillait pour le financement, ramasser des sous pour les survivants de l'Holocauste, pour leur permettre d'avoir une belle fin de vie. Parce que pas tout le monde qui sont sortis de ça comme il est sorti. Là. Alors, quand Louis Garneau s'est fait raconter ça par ce bonhomme-là, il dit, Marcel, j'ai eu un choc. Je me suis dit, hey, j'ai pas de problème. J'ai pas des vrais problèmes. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il a vu Marcel, il a dit, Marcel, j'aimerais ça qu'on soit des amis de vie. Marcel, il dit, aucun problème. Puis là, ils se sont discutés. En tout cas, assez que Louis Garneau s'est fait tatouer le nom numéro de prisonnier de Marcel sur son bras. Et il a toujours, après ça, il s'occupait de lui du financement et tout. Il l'a fait venir à Québec. Il est venu à Québec. Je l'ai rencontré. On faisait des 10 kilomètres en groupe pour chacun individuellement à cause de la pandémie pour ramasser des sous qui vont aller à ce financement-là. Ce que j'ai dit à M. Zelensky, j'ai dit en anglais avec mon anglais espagnol, là, j'ai dit, vous me rendez fier. C'est la première fois de ma vie que je rencontre quelqu'un qui me rend fier de mon prénom. C'est M. Marcel Zelensky. Tout un homme, de la résilience, puis de la détermination. Puis t'es allé participer à ça, t'as fait la run de vélo et tout. Il me reste plus beaucoup de temps, Marcel. Oui. En conclusion, ça a bien marché. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Puis, oui, oui. Exactement. Tu lèves combien sur le bench press le matin quand tu lèves du fer un peu? Parle-toi de ça, oublie ça. Ancien jeune homme. Oublie ça. Hey, Marcel, merci. Puis salutations aussi à tout ce que tu as fait, la motivation. Tu es un éducateur physique. En plus, tu es sorti de ta formation à une époque où un prof de français pouvait donner un cours d'éducation physique. Tu fais partie des gars qui se sont battus pour dire à quel point l'éducation physique est importante. Puis malgré tout, on l'a bardassé d'un bord et de l'autre un peu partout. On reviendra là-dessus. Mais moi, je salue aussi ta polyvalence, la voile, la plongée sous-marine, le canot, le kayak, les airs. Il n'y a pas de place où t'es pas, où ça bouge. Puis en plus, tu performes, t'es un maudit bon pilote. Il n'y a qu'une place que je suis pas, finalement. C'est où? C'est chez nous. C'est vrai, hein? Salut, copain. Salut, Moïse, merci. Merci infiniment. Merci pour ton bonheur. Yes, c'est bon. Alors, donc, le grand tour de roue pour l'onco-pédiatrique du CHU. Je disais tantôt, et je parlais des vieux copains et des qualités relationnelles et tout ça. Je viens de parler à Marcel, Dan Bérubé. Je ne sais pas si tu connais Dan Bérubé, c'est le fondateur des produits XPN, okay, les suppléments XPN. Oui. Travaillant comme Dan, c'est rare. Détester perdre comme Dan, c'est très rare. Et la générosité, c'est un gars qui a aidé énormément de gens. Il déteste être salué et être remercié aussi. C'est pas un gars qui se met en avant ou quoi que ce soit. J'ai la chance, donc... de pouvoir... c'est un ami. Tu comprends? Autant que la mère de ses enfants, Linda, que ses enfants eux-mêmes. L'apport également d'Éric Letourneau, des amis, les gens de XPN et compagnie viennent de défoncer la barre. On est présentement à 20 230 $ avec un don de générosité exceptionnel. La famille Saint-Gelais, j'ai des dons de partout depuis que l'émission a commencé. Merci à CKRL, quelle bonne idée. On vous écoute du côté de Arma. Un don exceptionnel encore aussi de ce côté-là, des gens de Arma, c'est pas à côté. Non. Dans le coin de Bellechasse. Oui. C'est oui, ça, hein? Pas le Mont-Rignal, c'est plus vers les gens de chez Arma qui sont là depuis longtemps aussi pour le Grand Tour de Roue. C'est une très, très belle année. C'est une réussite incommensurable. J'aurais jamais pensé à ça. On vient vraiment. Merci à tous les copains que j'ai pu rejoindre aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui font que le Grand Tour de Roue est là et qui font qu'ici, à l'oncologie pédiatrique du CHU, à Québec, avec en tête le docteur Michon, on est des créateurs d'espoir. 90 cas de leucémie cette année. Mm. T'as vu tantôt ce que le docteur Michon disait? On s'en entend. 90 petits-enfants, alors d'autant de parents, partout, ont été reçus dans un bureau pour dire ce qui ne va pas présentement. Mm. C'est un cancer, ben oui, c'est une leucémie, 90 cas. Et tous ces cas-là... Tout. Vont profiter, oui, des protocoles de traitement les plus récents et sont donc assis sur les plus beaux espoirs. Oui. On dirait que je suis solennel quand je décolle. Alors, on fait une pause, tu m'as dit, oui, mon cher ami. Ouais. Hey, merci à toi qui es venu ici décrinquer. Oui, décrinquer le mot. Puisque ton support à transmission t'a lâché, t'as eu un problème de dos. Oui. T'es allé voir un ramancheur. Le meilleur. T'as pris tous les produits qui existent qui pourraient régler ton problème. J'ai été voir Martin Lessard et j'ai été chez Alimentex où j'ai été très bien reçu. On les mentionne avec à l'appui d'ailleurs parce qu'ils sont aussi des créateurs du Grand Tour de Roue. Ils te permettent d'être ici. Absolument. Si j'étais de l'autre côté de la console, je deviendrais Hulk. Tu comprends? Et ça me coûterait un T-shirt et probablement une console. Oui. Mon frère est pareil. Il faudrait que je vous raconte un jour, mon frère avait un petit Renault 12. Et il y avait une technique pour changer le pneu avec ses pieds pour l'enlever sur le rim. C'est capoté, là. On va aller à la publicité. Parce que si je vous raconte ça, je ne sais pas s'il serait prêt à le raconter, il faudrait qu'il me raconte. Au retour de la pause. L'avoir filmé, c'est un best-seller, on aurait fait de l'argent avec ça. Oui. On va où, sur quel site qu'on va, Yves? www.landrytour.com. Merci de me rappeler alors. On est de retour dans quelques instants. Vous écoutez le Grand Tour de Roue avec Yves Landry. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Ampli Québec, Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Édition Continuité, Alliance Arc-en-Ciel de Québec, La Baratte. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Pour un sourire étincelant et de belles dents en santé, la Clinique dentaire Centre-Ville vous offre des soins très diversifiés dans une ambiance des plus chaleureuses. Venez rencontrer une équipe qui prend le temps de comprendre vos besoins. De l'examen de routine en passant par l'esthétique dentaire, la chirurgie, le traitement de canal, la restauration dentaire avec la technologie CEREC et les traitements au laser, tout est mis en œuvre pour votre confort. Pour l'expérience et le professionnalisme, la Clinique dentaire Centre-Ville. Située dans la gare du Palais, au cœur du Vieux-Québec. cdvc.ca, 418-524-2444. Eurofin Environnex sont des laboratoires environnementaux spécialisés dans l'analyse de votre eau potable, de votre air ambiant et amiante. Vous avez un puits? Eurofin Environnex peut analyser votre eau pour s'assurer de sa potabilité. Problème avec votre qualité de l'air? Problème d'odeur et d'humidité? Notre équipe de professionnels vous assistera pour effectuer les vérifications et analyses nécessaires pour trouver les causes de contamination de votre air. Eurofin Environnex, votre partenaire de confiance dans l'excellence. labenvironex.com. Devenez membre de CKRL pour 25$ et stimulez l'élan créateur de nos passionnés et mordus de radio. Une nouveauté cette année, CKRL offre en exclusivité à ses membres 52 tirages de prix culturels à chaque semaine dans l'émission Les Matins éphémères et Première Loge. Vous êtes membre? Vous êtes automatiquement éligible. Comment y adhérer? Au 418-640-2575, poste 201 ou sur ckrl.qc.ca via le paiement sécurisé PayPal. Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infecté par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. L'Intemporel, édition Le Grand Tour de roue pour le Centre Mère-Enfant, vous est présenté par les suppléments XPN, Clinique dentaire Centre-Ville, Urofin Environex et Clinique médicale La Croix. Dans l'ensemble, ça a du bon sens, notre histoire, parce qu'on vient de se taper 4 heures, bien improvisé. Oui. J'allais dire Chucky encore, c'est l'âge. Chucky est mort. Ben, Chucky est mort cette semaine. C'est Pascal. Beaucoup de douleurs ont sorti et Pascal est de retour. En fait, toi, c'est Pascal qui déjà? Gosselin. C'est Pascal Gosselin, mais qui en réalité est Pascal Landry. Oui, mon père est Charlie Landry, le grand violonneux. Mais pourquoi caches-tu Landry? C'est un choix maternel. Un choix maternel? Oui. OK. Tedford Mines. Tedford Mines? Oui. Il y a du beau monde à Tedford Mines. Oui. Il y a le Derry Joy aussi à Tedford Mines. Le Derry Joy, je connais très bien la poutine du Derry Joy. Ils l'ont renouvelé, le Derry Joy, avec les tables et tout. Ça, je trouve pas que ça suit l'histoire du Derry Joy. Il aurait dû le laisser western un peu comme il était. C'était plus, il y avait beaucoup de terrain en arrière, puis il y avait beaucoup Mais il y a du polymère maintenant, il y a des nouveaux produits. Ouais. Tu sais, le venir avec de la peinture par-dessus ou de l'armoire, comme il appelait, ça marche plus beaucoup. Moi je me dois. Avec la colle contact. Je me dois chaque année d'aller à Tedford Mines pour acheter un sandwich italien. Qu'est-ce qui se passe à Tedford quand on arrive? Il y a tout le temps le mouton de fer quand on rentre dans la ville. Y a-tu quelqu'un qui pourrait dire, pourrais-tu l'enlever de là? Et me semble que ça scratch la patate. Un peu. As-tu remarqué? Non. Il y a un gros mouton de fer rare quand tu arrives à Tedford. Par oui. Où? En arrivant de par Valley Junction et tout. Là. Ouais. Il y a un gros mouton de fer rare, justement, tout près du Derry Joy. Ou le Balmoral, puis tout ça. Oui. J'ai raconté une histoire de ma cavale envers Tedford Mine. Ah oui, bien, on va focusser pour le temps qui nous reste. J'ai pas le temps d'en raconter. Non. Mais c'était justement Monsieur Latulippe. Mais je l'ai compté souvent. Oui. Quand il y avait nos rassemblements, on faisait les rassemblements du côté de la salle de Bourgneuf. Oui. Je racontais cette histoire-là régulièrement. J'ai des bons amis aussi à Tedford aussi. J'ai des amis I et des amis E. Oh, beaucoup de E. Des Italiens, je suppose. Non, il n'y a pas d'Italiens à Tedford. Est-ce qu'ils débarrent ou ils barrent les portes? Il y a deux gentils et agréables. Québécoise. Bon, et voilà. Il nous reste 20 minutes environ. Le grand tour de roue pour le Centre Mère-Enfant de l'oncologie pédiatrique du CHU se poursuit. C'est notre radio-don de 4 heures, qui est très efficace d'ailleurs. Nous avons donc... je ferai le total, mais ce qui s'enregistre présentement, je pense que je ne l'ai pas enregistré depuis les 8 dernières années. Donc, tous ceux à qui j'ai parlé auparavant y ont participé beaucoup cette année. Et puis, tu sais, je viens de dire 90 cas. C'est un peu spécial pareil. Tu vois comment la lutte est intense au niveau du cancer chez l'enfant. Et le docteur Michon me racontait cette espèce de figure de style où quand tu appliques un protocole pour un type de cancer, ils vont comme se communiquer ensemble. Oui. La gang de weirdo cancéreuses. Et ils vont venir se représenter devant toi, mais sous d'autres couleurs et d'autres formes, déguisées. Comme si, une figure de style que moi j'utilise, le Joker se cachait dans Batman. Oui. Alors évidemment, Robin accueille Batman et se sent confortable et sécuritaire parce qu'il voit Batman. Oui. Mais en réalité, c'est le Joker qui se cache à l'intérieur. Oui. Et un coup qu'il est arrivé proche de lui, il enlève son suit et là, il fait sa merde. Oui. Or, il faut continuellement travailler. Or, non seulement on a plus de moyens, on a plus d'études et on est plus efficace avec nos protocoles de traitement qui donnent des victoires. Marie-Joëlle qui nous a parlé tout à l'heure, mm-hmm. sa fille est déclarée complètement guérie. Quand ils font ça, c'est qu'une multitude de tests les a amenés à cette conclusion oui. qui est indélébile, irréversible. Mm. C'est une guérison complète de ce cancer-là. Sans réapparition d'autres cellules cancéreuses, donc ils doivent attendre. Sans joker. Exactement, sans joker. Donc de 4 ans à 14 ans. Il faut lui entendre 10 ans pareil, mais c'est une nouvelle merveilleuse oui. qui est issue justement des fameux protocoles. Mais pourtant, 90 cas de cancer. L'année d'avant, c'était 35. Ah oui. Tu comprends? Cette année est différente. Encore beaucoup plus ouais. de cas de leucémie sur lesquels on doit travailler oui. pour créer des beaux espoirs. Pour clore cette émission-là, je vais mettre un petit quelque chose. Ah oui? Ouais. Je vais mettre de la musique. J'ai été flabbergasté. Quand je suis flabbergasté sur quelque chose, je le suis pas à peu près, tu comprends-tu? Je travaille jamais en demi-mesure. Mm-hmm. Faut dire que si quelque chose retient mon attention, je vais aller lire, je vais fouiller sur Facebook, je me réveille pendant la nuit pour aller chercher une petite info que je voulais avoir. Oui. Quand je te disais que j'écoutais, quand j'étais jeune, attentivement, et la télévision et la radio, parce qu'il y avait des faiseurs de radio extraordinaires, comme les Jean-Maurice Bailly, les annonceurs de l'époque, mais est arrivé ensuite Serge Arsenault, qui était peut-être un de ceux que j'admirais le plus par son timbre de voix. Et, tu comprends? Alors, le talent à l'état pur. Souvent, et c'est ce que je déplore aujourd'hui, ce que je le déplore vraiment, tirez vos conclusions, à chacun sa lecture, c'est que beaucoup de nos stars sont en dessous de leur réputation. Est-ce que tu parles de Ginette? Ginette Reno est au-dessus de sa réputation. Voilà. Ginette Reno, à l'âge où elle a et chanter comme elle chante, c'est un phénomène. C'est mondial, Ginette Reno. Oui. Si elle est restée au Québec, j'en ai rien à cirer. C'est mondial. Oui. T'amènes Ginette... Sur les plaines avec Céline. Ça aussi, ou sur le premier 60 pieds, ouais. Tu vois qu'ils sont même pas dans la même équipe. Là, voilà. Là, y a un 8 cylindres contre un 6. Ouais. Mais il faut pas quantifier ça comme ça non plus. Ouais. Céline, c'est de Charlemagne devenir avec son gérant une attraction mondiale. Ouais. C'est un phénomène. Mais qu'est-ce qu'on a à part ça? Construit. Qu'est-ce qu'il nous reste? Exact. Dans la source à l'état pur... Tu comprends? Je trouve que beaucoup... par exemple, il y a eu on va parler de protocole, c'est un autre protocole, celui-là. C'est la nomination enregistrée du premier ministre des États-Unis. Je me rappelle plus du nom. C'est l'âge qui fait ça, c'est l'Alzheimer un peu. L'investiture. Oui, l'investiture officielle, oui. Où nous arrivent des grandes stars, ils vendent énormément de disques, c'est des records à n'en plus finir. Oui. On a des vidéos de drones qui nous montrent une foule qui ressemble 10 fois à celle qu'était Woodstock. Mm-hmm. Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que tout ça est monté? Est-ce qu'on peut vérifier? C'est toi chez vous quand je te dis qu'elle a vendu 20 millions. Vas-tu te lever pour aller vérifier? C'est peut-être 14, moi, qu'on met ça à 20. Mais quand ils chantent, c'est parce qu'il n'y a plus rien. Peut-être c'est artificiel aussi. Mais ça ne peut pas marcher, là. Je comprends les phénomènes du son, comment le son s'est amélioré et tout. Mais ils sont en dessous des réputations. Ils sont pas capables de rivaliser et d'aller avec la hauteur... De quelqu'un qui est seul avec sa voix. Exactement. Et la mise en marché... j'imagine aussi qu'il y a là-dedans un phénomène d'économie. Oui. Tu crées une star pour générer des shows, faire marcher le monde du spectacle, le monde du disque, et générer et engager des gens qui travaillent pour des compagnies de promotion. Ça nous prend une star. Oui. Même si elle n'a pas les acuités, la profondeur de talent que celle ou ceux qu'on a connus à l'époque, que l'on ramassait tranquillement parce qu'on n'était pas équipé pour en prendre plus. Aujourd'hui, avec les moyens de communication, tu peux te faire un album dans la cave chez vous. Oui. Comprends? Tu peux faire un film, tu peux monter une vidéo seul avec ton téléphone. Oui. Avant, ça prenait une équipe de 20. Oui. Donc, on ne pouvait pas accueillir beaucoup de monde. Or, aux 10 ans, aux 20 ans, il en arrivait un nouveau. Alors, tout ça pour m'amener à te dire que j'écoutais donc ça, l'investiture, et bon, et la mode est tellement forte, le vent coureur médiatique est tellement puissant que si tu parles à l'encontre de ça, t'es comme exclu de la discussion. Mm-hmm. C'est comme si t'étais pas normal. Il n'y a aucune place. Non, c'est lui le meilleur. C'est bien, ouais, mais je trouve que... Non, il l'a bien eu. Aïe, c'était-tu bon? Et tu peux pas aller... Alors, moi, je m'excuse. Et le problème. Alors, dernièrement, j'écoute une vieille musique. Le gars a 60 ans à l'époque où il reçoit cette toune-là. Ça fait 40 ans qu'il est leader. Il donne un show au Madison Square Garden qui s'appelle The Main Event. Le gars entre sur la scène centrale du Madison Square Garden qui s'est vendu en deçà d'une demi-heure à l'époque où tu n'avais pas Internet, tu ne pouvais pas acheter ton billet. Là. Oui, c'était pour de vrai. Bien sûr qu'il est dans une vague inaccessible qui est celle du fame star hollywoodien. Il est en soi, dans son histoire, un événement marquant. Oui. The Main Event. Sauf que c'est très lourd, un nom très gros, comme le sien, à porter quand t'es live. Oui. Il n'a qu'une scène centrale sur laquelle il y a 4 Leslie. Oui. Il doit avoir à peu près maximum 10 000 watts de son. Il n'y a pas d'éclairage. Il y a lui et sa voix. Mm-hmm. Robert Redford, la grosse gang est là, ils viennent voir le spectacle. L'homme présente son talent, le grain de voix. Et tu perçois... Tu sais, les gens rentrent là, ils sont pas stone, ils sont pas chauds, ça crie pas avec les lacteurs pour faire un... Ils sont ébahis. Ils ont la gueule décrochée. Simplement par quelques notes lorsqu'il commence et qu'il fait quelques notes d'une chanson qui vient d'en disquer, d'ailleurs, et c'est un succès phénoménal. C'est Frank Sinatra. Et je voyais là quelqu'un dont le pouvoir de séduction ne venait pas de la popularité, mais de son talent à l'état pur, le grain de voix. Il aurait pu ne pas être découvert. Je comprends qu'on n'est pas tous appelés à aimer la même chose. Sauf que, quand tu vends à raison de 20 000 places en deçà d'une demi-heure, tu rejoins un grand nombre de gens, tu séduis un très grand nombre de gens, oui. Qui ne veut pas dire à l'unanimité qu'il est le nec plus ultra de tout ce que tu dois aimer et que tu es obligé d'aimer. Mais tu ne peux pas faire autrement, dans le premier constat en l'écoutant, oui. Qu'il est d'une forme d'essence très rare. Le seul, le grand, l'unique. C'est clair qu'avec un potentiel comme celui-là, ta vie sera destinée à ne faire que ça. Et d'ailleurs, il aura beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup chanté jusqu'à sa mort. Oui. C'est aussi un comédien, un jeu de scène extraordinaire. Aucun éclairage, presque pas de son, mais quelle voix! Quelle voix! I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. We can have it. Just forgive me or I'll die. Please let me try again. I was such a fool to doubt you, to try to go it all alone. There's no sense to life without you. Now all I do is just exist and think about the chance I've missed. To beg is not an easy task, but pride is such a foolish mask. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. We can have it all, you and I again. Just forgive me. Je comprends que c'est reculé par le tonnerre et que c'est vieux, mais du talent, c'est ça. Où t'as pas besoin d'une promo et d'une pub à n'en plus finir, à faire tous les shows de chaise et à faire marteler et répéter que t'es l'exception. Tu chantes et tout est là. Et je suis allé à voir les shows de UK, je trippe sur Frank Zappa, j'ai eu dans ma caisse de lait bleu toutes ces vinyles, j'ai écouté bord en bord, j'ai trippé sur Yes, j'ai enjoyé Jess. Yes, Fragile, Yes Album, le premier de tout, des Starship Troopers, je l'écoute encore, tu sais, c'est le progressif. Il y a eu une pépinière de création aussi, début 90, qui était bonne, je t'en parlais tantôt, oui. Everlasting. Soundgarden. T'as Soundgarden, t'as STP, tu sais, t'as eu des grosses tunes, des grosses... Il y a eu de... Ben, écoute, voyons... Nirvana, tu sais, j'ai trippé Pink Floyd comme de... Mais quand j'écoute Sinatra, oui. C'est parce que c'est, comment est-ce qu'il appelle ça, strip it out, là, c'est intemporel aussi. Intemporel et aussi déshabillé, tu sais, oui. C'est pur. À la source, t'as pas trop de sustain, t'as pas trop d'écho, c'est une voix pure où il s'équipe dans des zones où il change de ton. Il monte, tu sais, c'est pas évident, là. Il faut que tu aies un outil qui te permet de faire ça. Oui. Il faut que tu sois exclusif. Oui. Ce qui justifie le fait que tu paies pour aller le voir, tu sais. Oui. Tu comprends? Il touche, il rejoint les gens. On le voit dans la vidéo que tu m'as montré. Ben oui, c'est tout le monde est fessé raide parce qu'ils vont voir quelque chose d'exceptionnel. C'est comme aller au cirque, tu sais. Il nous reste pas beaucoup de temps, Yves. Hein? On va conclure tranquillement. Non! On va refaire le tour de ta grande roue. Je suis plus capable. Non! Oui. Fais des remerciements. Je fais des remerciements, ok. Je fais des remerciements. Je remercie donc tous les copains. Je le fais depuis le début, puis je vais continuer de le faire pour le Grand Tour de Roue. Mais surtout aussi, le docteur Michon. Oui. Fait partie de l'élite. C'est l'élite, le docteur. On ne peut pas devenir Bruno Michon demain pour être ancré dans son art comme il l'est. C'est sûr qu'avec Bruno, tu peux pas parler très longtemps de Frank Zappa ou de UK, tu sais, oui. Ou même de Frank Sinatra, tu sais. Mais il connaît d'autres choses. Tu peux pas avec Bruno parler de char très très très longtemps. Oui. Tu sais, l'autre jour, je lui parlais de ça, il avait besoin d'un Honda puis tout, puis mais lui c'est parce qu'il a besoin, lui c'est pour partir de chez lui puis aller à la clinique, tu sais, c'est il a besoin de ça pour ça là. Et, c'est pas, il partira pas faire un tour en... Mais sa qualité, d'abord son intelligence exceptionnelle, c'est quelqu'un qui a une mémoire remarquable. Ça prend ça hein, pour les médicaments et pour les gens qui... Oui. Pour te dire à quel point il est ancré dans son travail, il est allé à la fois sympathiser, mais aussi il a assisté donc au service funèbre d'un de ses clients. Oui. De ses patients, non pas des clients, mais de ses patients. Pour seconder la famille et accompagner la famille. C'est un médecin traitant. Quand même, oui. Il est au front. Il est au front. Tu l'as dit, exact. Voilà, un très bon terme, entre autres, au front. Et de pouvoir servir le département d'oncologie avec la recherche, puisqu'il répète que sans recherche, il ne se sentirait pas bien équipé pour mener à bien le projet. C'est un gars qui veut bien faire, veut pas faire les choses à peu près, tu sais. D'ailleurs, je suis entouré de monde comme ça. Oui. Tous les gens qui ont donné pour le grand tour de roue, c'est tous des battants. Ils n'ont pas le temps de faire ce que je fais. Moi, je le fais. Mm-hmm. Et j'ai de la jasette et j'en profite. Mais c'est tous des battants. Tu es le vecteur de tout le monde qui se réunit. Exactement. Tu sais. Et si tout ça n'avait pas un socle de sérieux, ça ne marcherait pas non plus. Tu sais, tu trompes une personne généreuse qui est un battant, c'est terminé. Oui. Tu sais, tu peux pas... comme on dit, fauter au pater familia. Tu sais. Quand tu es avec des gens qui sont intenses comme ça, tu as intérêt à l'être aussi dans ta relation. Oui. C'est-à-dire le franc-parler, l'honnêteté, la dignité, la présence et faire le travail. C'est important. Alors, ils savent que je les remercie, ils savent ce qu'ils font. Tu sais. Puis on va continuer de le faire. Donc, tant que le grand tour de roue sera ce qu'il est présentement et que j'aurai à faire que ce que je fais et que je serai entouré avec autant de qualité autour de moi, on va continuer de faire ça, on fait du bien. Et le docteur Michon et toute l'équipe aussi, les infirmières et tout, sont des gens exceptionnels qui travaillent en santé, on le sait, avec le moment actuel et ce qu'on vit à l'échelle mondiale. Alors, continuons. Des remerciements. Est-ce que tu as eu des dons intéressants? Continuons. Oui, oui, j'en ai eu plusieurs au cours des dernières minutes. Je veux dire merci à tout le monde. Oui. Même ceux qui ont donné, là, c'est jusqu'à à concurrence de 20$. Oui. Or, chaque don est donc comptabilisé, évidemment, et d'importance aussi. Oui. Tu donnes pour ce que tu peux. Alors, le grand tour de roue, une présentation des suppléments XPN. Merci à Éric Letourneau, Dan Bérubé, Linda, Dale et toute la gang, Kim aussi. Et bien sûr, saluer la présence de nos collaborateurs annuels, c'est-à-dire Tanguy. On va remettre ça au cours de la semaine, je vous le dis sans problème. C'est les gens du CHU qui vont faire le tri à travers tous les dons qu'on aura eus. Également des harnais avec les pneus Nokian. Et les copains de chez La Tulipe aussi qui sont là depuis le début. Ah oui. Quand même extraordinaire. Et pour les prix, Yves, tu dis que tu vas remettre ça sur ta page. Exactement. Sur ma page, cette semaine, je prépare une vidéo. Je vais faire un pause de ça. Et je vais préparer une petite vidéo. Je m'en vais en montagne. J'ai le goût de le faire comme ça. Et je vais écrire sur des panneaux. On va essayer de faire quelque chose d'original pour donner tous les gagnants et le montant total. Si je calcule bien, je serai depuis 2004. Mais je ne veux pas pavoiser avec un gros chèque nécessairement, là. Mais on est autour de 470 000 $, 458 sous. C'est 20 230 pour cette année. C'est encore mieux que l'année passée. Oui. Et tout cet argent-là, depuis le début, fait en sorte qu'aujourd'hui, la leucémie est un adversaire qu'on peut vaincre ad vitam aeternam dans des cas spécifiques. Oui. Je répète, le docteur Michon, preuve à l'appui, il y a 10 ans, c'était 3 cas sur 10 qui pouvaient espérer être traités avec efficacité. Oui. Aujourd'hui, on est à 8 cas sur 10. C'est incroyable. Dont un espoir valable s'installe de guérison complète. Alors, merveilleux. Toutes les données caritatives et les dons caritatifs ont une valeur. Il y a plein de problèmes et il y a plein de souffrances. Tu comprends? Que ce soit la sclérose en plaques, toutes ces choses-là sont bonnes. En ce qui me concerne, l'oncologie pédiatrique du CHU. Merci. www.landrytour.com. Merci tout le monde. L'Intemporel, édition Le Grand Tour de Roue, vous a été présenté par les suppléments XPN, Clinique Dentaire Centre-Ville, Eurofin Environex et Clinique Médicale Lacroix. J'allais-tu oublier de dire aussi merci à CKRL? Merci beaucoup à CKRL, oui, effectivement. .qc.ca. Oui. Et dire que l'Intemporel va revenir un de ces quatre, oui, bientôt espère. Après la pandémie. On vous laisse là-dessus, tout le monde. Salut, copain. Merci, Yves. Salut. À bientôt. Bye.